Du coup, je vais vous faire une présentation. Le titre que je vais donner à cette présentation, c'est La suprématie humaine, de point l'exploitation animale comme cause et conséquence d'un système politique. En fait, je vais vous dire les désintentions juste après. Aller trop vite. D'abord, je me présente. Du coup, moi, j'ai découvert l'antispécisme en mars 2016, quelque chose comme ça. C'était un moment où je m'ennuyais, je n'avais plus qu'à lire. Je suis tombé sur un site qui s'appelle infocus.net pour ceux et celles qui connaissent. C'est un site avec énormément de ressources sur plein de sujets différents. Du coup, j'ai commencé à lire des choses sur le sexisme, le racisme, et par ennui, par divagation, je suis tombé sur la section antispécisme. Et principalement les textes de David Olivier et Yves Nardel. Ça m'a intéressé au sujet. C'était au même moment en France qu'il y avait Nuit debout. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je peux imprimer gratos en pirate à mon boulot. Je vais imprimer ces brochures-là. Je vais les mettre sur une table à Nuit debout pour que les gens puissent se servir. Et en fait, je suis parti à Montréal après en juin. Il y avait aussi Nuit debout à Montréal. J'ai commencé à distribuer ces brochures. Et là, j'ai commencé à rencontrer des gens qui parlent de l'antispécisme, la section végane de Nuit debout à Montréal. Et du coup, j'ai pu créer des liens et rentrer en contact avec les gens de ces deux-là. Du coup, le but de ma présentation elle est motivée par le fait qu'aujourd'hui, dans le milieu animaliste antispéciste, il y a beaucoup d'attention qui est portée sur les comportements individuels. Qu'est-ce qui fait que les gens, devant une situation, ils vont faire telle ou telle chose? Comment ça se fait qu'ils vont manger de la viande? Comment ça se fait qu'ils vont. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes qui font qu'ils vont esquiver telle question, qu'ils vont dire telle ou telle chose qui nous paraît absurde? Mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'attention personnellement qui est portée sur ce que moi j'appelle le niveau sociétal, à l'interaction entre les acteurs. Donc, du coup, ce que j'ai mis ici, c'est plein d'acteurs qu'on peut considérer comme des ennemis ou des alliés pour la libération animale, vu que c'est la libération animale qui nous intéresse. Et du coup, là, j'ai mis, c'est la marche pour la fermeture des abattoirs. Ici, c'est Gary Fonctionné. Ici, c'est l'action de 169 Life Libération Animale au Salon d'Agriculture. Et ici, c'est un tag qui avait été fait sur une crèmerie à Lyon. Et du coup, toutes ces choses-là, elles vont susciter des réactions de la part du public, mais il y a assez peu de réflexion sur comment ça se fait qu'il y a des gens, comment ça se fait que Franchon il va séduire, qu'est-ce qui fait que faire une marche ou pas faire une marche, c'est la bonne idée, comment ça se fait qu'il y a plein de gens dans ces marches ou pas. Et je trouve qu'il y a assez peu d'attention qui est portée aussi sur l'autre versant, le versant réactif en fait, où il y a des gens qui, typiquement, cette personne-là dont je ne connais pas le nom, ce qui est l'actuelle présidente de la FNSEA, elle a un impact sur les animaux qui est beaucoup plus supérieur en fait qu'elle mange de la viande. Le problème de cette personne-là, de Jocelyne Porchet, de la Confédération Paysanne et de la Coordination Rurale, c'est pas du tout qu'ils mangent de la viande, c'est qu'ils ont un soutien politique actif, ils vont être dans les médias pour défendre l'élevage et essayer de voir comment on peut réguler ce qui nous intéresse. Et un exemple flagrant de ce genre de réaction politique du camp en face, c'est le projet ACCEPT. Là, j'ai simplement mis un petit dessin. Le projet ACCEPT, c'est un projet qui a été lancé par l'INRIA il y a quelques mois, par l'INRA il y a quelques mois. Le principe du projet ACCEPT, c'est de comprendre les controverses qui animent la société par rapport aux pratiques d'élevage, et ensuite arriver à comprendre vers quelles pratiques d'élevage on pourra aller pour que ces controverses-là soient diminuées. Donc, j'en parlais dans la conférence de Tiffany Lagarde. C'est ce genre de projet qui va amener les industriels et les coordinations d'éleveurs à dire la population voit mal le fait de couper les cornes des vaches. Comment est-ce qu'on peut faire pour continuer à exploiter les vaches sans pour autant avoir cette chose-là qu'on peut nous reprocher? Donc, moi, ça va être ce qui va m'intéresser ici. Ma présentation va être divisée en deux parties. La première, ça va être une exploration assez naïve au départ de la gestion entre les. Salut Stéphane, le participant avec chose à dire. La gestion des conflits entre les humains et les animaux. On va prendre une position naïve partant du fait qu'on n'a pas du tout d'opinion sur comment est-ce que ces conflits sont gérés dans notre société, et on va essayer de trouver le principe qui gère cette gestion de conflit. Et ensuite, je vais détailler à partir de quel individu, de quoi est composée nos sociétés, et qu'est-ce que la vision qu'on a des individus dans nos sociétés, comment est-ce qu'elle peut nous aider à combattre la suprématie humaine. Et enfin, un avertissement par rapport à ma conférence. Il y a trois choses au niveau de mes influences qu'il faut que je dise. La première, c'est ma culture politique. Donc ça va principalement être le féminisme matérialiste et le communisme libertaire. En gros, pour le faire très large. Du coup, le féminisme matérialiste, ça va être principalement les textes de Christine Delphi et Colette Guillemin sur le sexisme et le racisme. C'est pour ça que vous allez voir que ce que je dis, ça va être assez proche de ce que va dire Axel, de ce que va dire Yves, parce que c'est des influences qu'on a en commun. Une autre de mes influences, c'est ce que j'appelle le confort de l'inaction. C'est-à-dire que j'ai pas, je vais vous présenter des idées, mais j'ai pas à dire je fais ces choses-là, enfin ces choses-là sont bien, la preuve je les fais et ça marche. Puisque je fais rien. J'ai dû faire une vigile il y a 6 mois et je ne pouvais pas ça à rien, donc je suis retourné à mes études. Quoi. Et du coup, j'ai pas. Je suis assez protégé par rapport à ça, puisque j'ai pas à vous présenter d'action qui illustrerait ce que je fais. Et enfin, un biais de confirmation, la plupart des faits que je vais vous présenter sur cette présentation pour illustrer mes propos, je les ai trouvés une fois que je voulais illustrer mes propos. J'ai pas fait d'études empiriques partant de rien, je pars. C'est une position pour une Christine Delphi aussi. Je pars du fait que les animaux sont dominés, que les animaux subissent une exploitation, et ensuite j'essaye de comprendre comment est-ce que cette exploitation-là, elle se structure dans la société. Et un autre avertissement, c'est du coup mon but ou mes deux buts que je vais avoir avec cette présentation. D'une part, c'est de présenter le potentiel stratégique du vision radical. Radical dans le sens où je pense qu'on peut identifier une cause première à l'exploitation des animaux, ce que moi je l'appelle la supprimation humaine. Et aussi explorer les collaborations possibles malgré les divergences d'analyse. Mon but avec cette présentation, ça va aussi être de présenter ce que moi je vais appeler un plus grand dénominateur commun entre toutes les personnes qui vivent pour les animaux, et partant de ce dénominateur commun, des choses qu'on a en commun, comment est-ce qu'on peut gérer les différences qu'on a au-delà de ces points communs qu'on peut avoir. Et du coup, je vais lancer. Donc, je vais commencer ma présentation avec une expérience de pensée, c'est-à-dire qu'on va imaginer une situation, quelque chose d'assez naïf, et on va imaginer que vous êtes en voyage, que vous venez d'un pays ou d'un endroit où vous trouvez que les animaux sont traités d'une manière qui vous convient. On part du fait que vous êtes animaliste et qu'on est d'accord sur la manière dont vous voulez traiter les animaux. Vous arrivez en France et vous voyez qu'en France, d'une part, on a des animaux, donc là, juste simplement des vaches qui sont dans un pré et qui sont à l'aise, quoi. On a également des interactions entre les humains et les animaux qui sont des interactions bénéfiques, comme ça c'est un refuge de cochons nains et ça c'est simplement les relations qu'il peut y avoir entre les chiens et les humains. Et on a même de l'aide qui est apportée par les humains à des animaux sauvages qui seraient blessés. Donc je vous dis, il y a des situations dans lesquelles il y a une collaboration entre les humains et les animaux. Mais vous vous dites aussi qu'il y a sûrement des cas dans lesquels les intérêts des humains et les intérêts des non-humains sont en conflit. Donc vous êtes curieux ou curieuse, vous allez chercher dans cette société quelqu'un qui va pouvoir vous répondre à la question que se passe-t-il quand les intérêts d'un non-humain sont confrontés avec son non-humain. On vous répond quelque chose qui est apparemment assez classique. On va vous dire, dans notre société, on ne doit pas causer de souffrance ou tuer les animaux sans nécessité. C'est le principe qu'on va vous donner pour la gestion de ces conflits. Donc, vous continuez votre voyage, vous vous promenez en France et vous voyez des situations concordantes. C'est-à-dire que là, j'ai présenté trois situations. Une dans le cas du soin des animaux où un homme a été condamné à un an de prison, dont 6 mois ferme, pour avoir affamé les animaux dont il avait les soins. L'autre, où des gens qui piégeaient des oiseaux ont été condamnés après que la Ligue pour la protection des oiseaux ait essayé de les empêcher. Et enfin, quelqu'un qui a été interpellé par la police parce qu'il était en train de braconner des civelles, en train de pêcher des poissons, Vous pouvez regarder ces choses-là. Effectivement, lorsque les intérêts des animaux sont négligés, lorsqu'il y a un conflit entre les intérêts des humains et les intérêts des animaux, s'il n'y a pas de nécessité, donc on n'imagine pas de nécessité pour qu'on affame des animaux ou pour qu'on piège des oiseaux alors qu'on peut très bien se nourrir d'autre chose, et pareil pour les poissons, comme vous dites. Quand il n'y a pas de nécessité, effectivement, la communauté réagit et la communauté va empêcher ces cas de négligence, cette violence sur les animaux. Donc, vous êtes assez satisfait, vous dites que ce qu'on vit, c'est pas n'importe quoi, mais vous vous rendez aussi compte qu'on a des cas discordants, on a des situations en contradiction. Donc, vous allez, par exemple, apprendre que, là, j'ai pris le cas des veaux. Dans le cas des veaux, on vous apprend que les veaux sont sous-alimentés dans les élevages. On va leur donner moins de fibres et moins de fer que ce qu'ils devraient avoir, et ça leur est préjudiciable. Et vous n'arrivez pas à comprendre comment il n'y a pas de nécessité évidente dans ce cas-là. Il n'y a pas, quand vous dites nécessité, vous pensez par exemple à la survie, vous ne voyez pas pourquoi est-ce que sous-alimenter les veaux, ce serait dans un intérêt fondamental des. Ouais, Stéphane ? Dans un intérêt fondamental des humains. Et on va avoir pareil avec les animaux sauvages et les animaux aquatiques. Vous allez voir que là, typiquement, c'est la pêche au vif. Donc, ce poisson, il va sûrement bien aimer continuer à vivre sa vie tranquille. Et pareil pour cet écureuil à côté. Et dans les deux cas, vous n'imaginez pas quelle nécessité peut être présentée dans ce cas-là. Et pourtant, si jamais vous essayez d'empêcher ces personnes-là, d'une part, de pêcher et d'autre part, de chasser, vous allez avoir la communauté qui va vous en empêcher. Et du coup, vous allez poser la question. Là, vous savez que dans ces deux cas, il n'y a pas besoin, c'est pas un besoin de survie qu'ont les humains. Ah oui. Ah, là, je l'avais fait ça dans la. Je me suis planté là-dessus. La première hypothèse que vous faites, c'est. Stéphane. Non. Stéphane. Est-ce que tu peux t'écarter un petit peu, s'il te plaît? Tiens, ça se. Donc, on vous a dit qu'on ne voulait pas souffrir sans nécessité. Du coup, la première hypothèse que vous faites, c'est soit que les gens ne savent pas que les animaux vont souffrir dans ces cas-là, soit qu'ils pensent que c'est une nécessité. Et du coup, vous avez cette société-là, vous dites peut-être qu'elle n'a pas accès à ces informations-là. Le problème avec cette hypothèse-là, c'est que c'est une carte du pourcentage de végétariens par pays, et vous vous rendez compte que si quelqu'un cherchait, essayait de se renseigner sur cette possibilité de vivre sans manger de viande, on a 10% des personnes en Italie qui survivent, et on n'a pas vu, on n'a jamais entendu que c'était une crise sanitaire grave. Il n'y a pas de. Quelqu'un qui chercherait à savoir si c'est possible de vivre sans viande verrait qu'il y a 10% de la population de l'Italie qui vit sans viande sans qu'il n'y ait jamais personne qui ait crié au scandale. Donc, ça c'est pour l'ignorance du fait que ce n'est pas nécessaire et pour l'ignorance du fait que peut-être que les gens ne savent pas que les animaux sont sensibles. Je vais citer un extrait d'un petit document qui s'appelle Savoir être et savoir faire avec les bovins qui a été réalisé en partenariat avec l'Institut d'élevage. Donc, les éleveurs qui sont les personnes qui sont au premier rang des négligences des intérêts des animaux. Du coup, je vais vous lire l'extrait qui dit « La manipulation des vaches allaitantes présente des particularités. Il faut bien avoir en mémoire que la vache allaitante forme une équipe avec son veau. Elle sera toujours là pour le protéger. » Donc là, on est dans le cas des vaches allaitantes, des vaches qui vont garder leur veau jusqu'à ce qu'ils soient envoyés à l'abattage. Mais on sait que c'est cette même population d'individus qui reçoivent les mêmes formations qui vont également retirer des veaux à des vaches après 8h, 24h, 48h... Donc, ces personnes-là savent que la vache a un intérêt à être avec son veau, qu'elle a un intérêt à le protéger. Et un autre exemple qu'on peut donner par rapport à ça, dans le même document, ils vont dire ensuite « L'intervention inhabituelle de l'homme se traduit chez les animaux par une appréhension. La vache sait ou sent que l'on va pratiquer sur elle une intervention particulière, soit contraignante, soit douloureuse, qui aboutit de toute façon à un stress. » Donc, on a des personnes, là, dans ce cas-là, typiquement, si on s'intéresse aux vaches, on a des personnes qui savent que les vaches peuvent ressentir la douleur, peuvent anticiper la douleur, et qu'elles ont un intérêt à rester avec leur veau. Donc, là, si on reste dans cette position naïve, on est troublé parce qu'on se dit, bon, ils savent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des produits animaux pour survivre, ou en tout cas pas de viande, ils savent que les animaux sont sensibles, qu'ils ont des intérêts à par exemple, à conserver leurs liens sociaux, et du coup, vous vous dites que peut-être quand on vous parle de nécessité, on vous parle d'autre chose. Vous, quand on vous dit nécessité, vous pensez à la survie. Vous pensez, nécessité, c'est forcément la survie. Peut-être qu'on vit dans une société dans laquelle on considère que d'autres choses représentent des nécessités qui justifient le fait de négliger les animaux. Donc vous allez poser la question, pourquoi est-ce qu'on ferait souffrir les animaux si c'est pas indispensable à la survie? Quelle autre nécessité pourrait exister dans cette société? Faut que je parle moins vite. Merci. Quelque chose qui pourrait être présenté comme une nécessité, on pourrait penser que dans cette société, le respect de la tradition est considéré comme primordial. Donc les gens vont vous dire, on ne fait pas souffrir les animaux sans nécessité, mais le respect de la tradition dans notre société est extrêmement important, on va faire passer les intérêts des animaux après cette question-là. Mais là, du coup, je présente un contre-exemple. Par rapport à la tradition, un contre-exemple, c'est ce qu'on appelle la codectomie. La codectomie, c'est le fait de couper la queue des animaux. Au niveau de l'os en quelque sorte. Donc c'est pas simplement esthétique, c'est une véritable mutilation. Et cette podectomie, elle était pratiquée sur les chevaux depuis le 18e siècle. J'ai un extrait de Wikipédia rapidement qui dit la podectomie c'est vraisemblablement généralisée au 18e siècle chez les aristocrates et les nobles. Après l'abolition des privilèges, tout le monde se met à couper la queue de ses chevaux pour paraître plus riche, mais également pour des raisons d'esthétisme et de mise en valeur de la musculature. Donc c'est quelque chose qui existait en France depuis le 18e siècle et qui était véritablement ancré dans. Qui était véritablement ancré dans la tradition, mais il se trouve que, grâce à la tristement célèbre Brigitte Bardot, en 1996, en tant que pratique qu'ils faisaient souffrir les animaux, cette tradition a été annulée. Donc, on a un cas où on a une tradition qui est forte, mais on décide de passer outre cette tradition pour le bénéfice des animaux. Et le cas inverse, on va aussi avoir le cas inverse, c'est-à-dire qu'on va faire le même tort qu'on a reconnu comme étant un tort pour les chevaux, puisqu'on l'a interdit, on va faire le même tort aux cochons dans les élevages intensifs. Et on ne s'est pas du tout justifié par cette tradition. Donc, on a d'un côté, on sait que c'est une souffrance puisqu'on est prêt à aller, on est prêt à négliger une tradition pour l'empêcher. Et pour autant, cette souffrance-là, elle arrive dans d'autres cas et elle n'est pas justifiée comment dire, ouais, je sais plus exactement ce que je veux dire avec cette histoire. Parce que... Quoi ? Ok, ok. Du coup, la conclusion avec ce cas-là, c'est vraiment cette idée que peut-être que la tradition est importante dans cette société, mais il existe des cas où on accepte de faire passer les intérêts de l'animal après les traditions. Donc quand on parle de nécessité, c'est pas la nécessité à respecter la tradition, puisque c'est quelque chose que parfois on va décider d'abandonner. Une autre nécessité qu'on pourrait nous présenter, on pourrait imaginer, et ça quand je vais le dire ça va vous faire rire bien sûr, mais on pourrait imaginer qu'on est dans une société où le fait de maximiser la biodiversité, le fait d'avoir le plus d'espèces animales et végétales présentes dans la nature, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on va souvent entendre par exemple des éleveurs qui vont dire « Ah oui, mais vous vous rendez compte, si jamais on abolit l'élevage, on va perdre telle ou telle espèce qui sont les espèces émergées, il en faut le maximum et c'est une raison pour tuer des... » Enfin, on va continuer à tuer des animaux, parce qu'en tuant des animaux, on peut avoir une plus grande diversité, et c'est quelque chose qu'on va prioriser devant, on va mettre en priorité par rapport à la vie des animaux. Et du coup, un contre-exemple aussi par rapport à ça, là ce que j'ai emprunté c'est un loup d'après Google qui est le parc Yellowstone. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'histoire avec les loups et le parc Yellowstone, je vais vous lire un extrait. Qui dit « Lorsque les loups furent réintroduits en 1995, c'est l'écosystème entier qui s'est littéralement réveillé. De nouvelles espèces animales et végétales ont fait leur apparition et même la topographie des lieux s'est largement modifiée. » Donc, on sait qu'en introduisant des loups dans un écosystème, on peut avoir une diversification, une augmentation de la biodiversité. On se dit, effectivement, nous on sait que ça coûte de la vie à des animaux, mais on imagine qu'une société qui veut maximiser la biodiversité, par exemple, les éleveurs qui sont très inquiétés par cette biodiversité, vont accueillir le loup à bras ouverts, même si ça coûte de la vie à certains animaux. Et en fait, vous vous attendez un peu, enfin j'ai pris cet exemple-là parce qu'il est contradictoire. Un communiqué de la coordination rurale, il me semble que c'était début mars 2017, qui dit « Si les associations écologistes montent au créneau au nom du bien-être du loup, aucune ne s'émeut du bien-être des animaux égorgés ni de celui des éleveurs. Belle actualité que ce raisonnement, contrairement à ce que pensent certains membres de ces associations, les éleveurs tiennent à leurs animaux et ne travaillent pas pour être maigrement indemnisés. » Donc, on a des... Oui ? Un petit peu moins. On a d'un côté des gens qui se présentent comme les défenseurs de la biodiversité, tant pis si on tue des animaux, mais en fait on a aussi un cas où ils pourraient augmenter la biodiversité, et là ils préfèrent faire passer la vie des... Enfin, ils considèrent que la vie des animaux ne doit pas passer après la biodiversité. Et la conclusion que moi j'en fais, c'est que les nécessités qu'on nous présente, quand on vous dit qu'on ne va pas tuer les animaux sur nécessité, et que c'est sur ce principe-là qu'on respecte dans notre société, la conclusion que j'en tire, moi, c'est que c'est qu'on vous ment. C'est que c'est pas vrai. C'est quelque chose qu'on vous dit comme ça, mais c'est pas de cette manière-là que les conflits entre les animaux et les humains sont gérés dans nos sociétés. Et du coup, c'est quand même une question qui nous intéresse pour comprendre comment notre société est structurée à ce niveau-là. Et du coup, là, je vais faire une rapide étude sur les souffrances des animaux, leur contexte et leur réception. Quelle souffrance, dans quel contexte et reçue de quelle manière? On a vu que le fait qu'un animal soit tué dans un élevage, si c'est par un loup, c'est pas acceptable, c'est quelque chose qu'on veut prévenir, mais si c'est par un boucher, ça va être acceptable. Donc c'est pour éclaircir ce genre de contradiction que je vais prendre les souffrances des animaux et voir selon le contexte comment est-ce qu'elles sont reçues. Alors une première souffrance, un premier dégât qui est fait à l'animal, c'est la mise à mort. La communauté française, pour cette mise à mort-là, le droit des humains à mettre à mort les animaux, il va être régulé en partie par l'article 655-1 du Code pénal qui nous dit « Le fait, sans nécessité, encore une fois, on a le mot nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. » Le fait que ce soit puni par des contraventions, ça nous est égal. Ce qui compte, c'est que si jamais vous voyez quelqu'un qui va tuer un animal et que vous n'identifiez pas de nécessité, vous êtes légitime d'aller aller contre cette personne-là, et dans ce cas-là, la communauté va vous soutenir. Donc un cas que j'ai pris par exemple, que j'ai trouvé sur un journal sur internet, c'est pour avoir criblé de plomb une chienne, il prend 6 mois de prison avec sursis. C'est pas la prison qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que si vous vous étiez venu à ce moment-là avec cette personne-là qui vise ce chien-là, et que vous aviez réagi de manière proportionnée pour l'empêcher, la communauté vous aurait soutenu. Puisque c'est quelque chose que, avec cette personne, on voit que c'est quelque chose qu'elle ne voudrait pas permettre. Et du coup, on peut se dire, bah, c'est chouette, effectivement, sans nécessité, on n'accepte pas de tuer des animaux. Mais vous allez avoir dans le droit également, j'ai pas trouvé les articles précis pour ça, parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais dans le droit également, vous allez avoir ce qui s'appelle de manière très, très sombre l'euthanasie de confort. C'est-à-dire que n'importe quel propriétaire d'un animal domestique est autorisé en France à aller chez un vétérinaire, à demander au vétérinaire d'euthanaser cet animal, sans aucune justification. C'est tout à fait légal, vous n'avez pas de justification à donner, et le vétérinaire a le droit de tuer cet animal si son propriétaire l'en autorise, sans justification aucune. Et un autre cas dans le droit qui va à l'encontre de ça, c'est la cynophagie, le fait de manger du chien. En France, c'est une information Wikipédia, je n'ai pas trouvé ailleurs, mais je fais confiance à Wikipédia à ce niveau-là. En France, vous avez le droit, si vous avez un animal de compagnie, par exemple un chien, vous avez le droit de le tuer et ensuite de le manger. Wikipédia nous précise, en France, aucune loi n'interdit la consommation de chiens et de chats en France si l'animal est tué en respectant les règles d'abattage et d'hygiène prévues par le code rural. Ouais. Donc on est rassuré. Vous n'aurez pas pour ouvrir un restaurant qui vend de la viande de chien, ce sera uniquement dans le cadre privé, mais la suite c'est néanmoins des régimes juridiques différents s'appliquent à l'élevage d'animaux de compagnie et à l'élevage d'animaux destinés à la consommation. C'est-à-dire que si à côté de chez vous il y a un élevage de chien, il faut qu'il se déclare en tant qu'élevage pour des animaux pour la consommation pour pouvoir après les vendre à la consommation. Oui. Juste pour avoir une interruption, j'ai appris dans la vie nationale que les boucheries de chiens ont disparu en France dans les 50-55 ans. Oui, oui. C'est très récent. C'est relativement récent. Oui, mais le droit à ce niveau-là n'a pas changé. Moi, ma théorie, c'est que si jamais c'est interdit de vendre de la viande de chien hors restaurant, c'est parce qu'il y aurait le risque qu'en fait les gens aient tué des chiens pour après les vendre en restaurant. Alors que là, le droit uniquement, c'est votre animal à vous. Vous avez le droit de tuer, tant que vous le faites selon les règles de l'abattage, vous avez le droit, enfin pas vous, mais votre voisin, a le droit de l'animal que vous voyez tous les jours qui va promener, il a le droit le lendemain de le tuer selon les règles de l'abattage, de le cuisiner ensuite, et il y aura contrairement la personne. Donc on voit que cette idée de l'article 655.1 du Code pénal, il pose un peu des questions. Et le même genre de questions vient se poser avec les souffrances infligées aux animaux. Pour les souffrances infligées aux animaux dans ces conflits-là, on va avoir l'article 521-1 du Code pénal, il y en a un autre, mais je vais citer que celui-là, qui nous dit « le fait publiquement ou non d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. » Donc là, j'ai mis un extrait journal d'une affaire dont vous avez sûrement entendu parler, à Marseille, où un homme a été condamné à un an de prison ferme pour avoir jeté en l'air un chat et contre un mur aussi à plusieurs reprises. Donc, dans ce cas-là, on se dit effectivement, on est assez satisfait que cet individu n'ait pas le droit de faire n'importe quel service à cet animal. Mais vous avez trouvé dans le droit également qu'en fait ces sévices-là, qui sont d'un côté condamnés, sont autorisés si on propose une justification telle qu'une tradition ininterrompue. Et avec les corridas et les combats de coqs, c'est particulièrement troublant parce qu'il s'agit vraiment de la localisation. Si vous faites une corrida et que vous torturez un taureau à 20 km, dans une arène où vous pouvez effectivement proposer une tradition ininterrompue, là vous avez le droit de faire souffrir le taureau. Mais si vous faites à 20 km et que vous ne pouvez pas justifier une tradition ininterrompue, vous n'avez pas le droit. Et là, à ce moment-là, c'est les intérêts du taureau qui vont passer en avant. Et pareil pour si jamais vous pouvez justifier ça avec la gastronomie française, de la même manière, vous n'avez pas le droit de. Enfin, il y a des souffrances que le canard va ressentir dans la production du foie gras qui ne sont pas autorisées si ce n'est pas pour le foie gras. Mais si c'est pour le foie gras, bon, bah, c'est pour le foie gras. Et après, il y a d'autres exigences qui ne sont même pas justifiées dans le droit français, comme le fait de couper le bec et la queue des. Le bec c'est pour les poules et la queue c'est par exemple pour les cochons, la castration à vif des porcelets, l'enfermement et la destruction des biens sociaux. Donc vous avez, c'est pas du tout encadré dans le droit français, la destruction des biens sociaux des animaux, vous n'avez pas à vous justifier, vous pouvez séparer les animaux de la communauté avec laquelle ils ont l'habitude d'être, et ça ne posera pas de problème à votre communauté. Et du coup, à partir de là, moi je vais tirer d'abord des conclusions négatives. C'est-à-dire que le déterminant pour décider qui est dans son bon droit dans les conflits des humains et des animaux, c'est pas la nature ou l'intensité des souffrances. Les animaux, ils n'ont pas de droit qui dirait cette souffrance-là, elle est tellement grande qu'il n'y a pas de justification autre que, par exemple, la nécessité ou la survie. Il n'y a que dans le cas où il y a un enjeu de survie qu'on peut la causer. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer toutes les souffrances qu'on pourrait causer aux animaux. En fait, il existe un cas dans lequel notre société considère qu'il est juste de causer ces souffrances-là pour des intérêts qui ne sont pas fondamentaux. Et ça ne va pas non plus être avec l'espèce de l'individu, parce que justement, on peut imaginer que pour la plupart des torts que vous pouvez imaginer, comme la mort par exemple, vous pouvez tuer, n'importe quel animal peut être tué, quelle que soit son espèce. Et effectivement, si jamais demain il y a un élevage de chiens pour la viande qui s'ouvre, il va y avoir une réaction des gens, mais pas avec le droit. C'est pas le cadre légal qu'on s'est donné pour protéger les animaux. Et du coup, à partir de là, moi, je vais faire une conclusion positive en disant qu'on peut distinguer un critère général qui détermine si une pratique est acceptée ou non. Et pour énoncer ce critère, je vais reprendre le schéma de « on ne doit pas causer aux animaux de souffrances inutiles ou les tuer sans nécessité ». Et c'est assez sombre, mais je pense que la gestion de conflit entre les humains et les animaux pour l'État français, elle est gérée avec la règle suivante. On ne doit pas causer de souffrance à un animal dans le seul but de le faire souffrir, et il n'y a aucune restriction sur la mise à mort si elle est en bloc. C'est-à-dire que dans l'État français, si vous voulez faire souffrir un animal, enfin si vous voulez tuer un animal, il suffit que ce soit le vôtre, ou que vous en ayez la responsabilité, vous avez le droit de le faire. Et si jamais vous avez un intérêt à faire souffrir un animal, tant que cet intérêt-là n'est pas simplement le fait de le faire souffrir, vous allez pouvoir justifier. Et oui, ça nous permet de faire la distinction. Quand on dit nécessité dans le langage courant, quand on parle de ne pas faire souffrir les animaux sans nécessité, en fait on parle pas de ce qui dans le français s'appelle l'état de nécessité. L'état de nécessité, c'est des circonstances que vous pouvez invoquer dans l'état français, où on va dire que vous avez le droit d'enfreindre la loi, si enfreindre la loi est l'unique moyen de faire face à un danger actuel ou imminent qui menaçait autrui ou un bien. Et du coup, cette nécessité-là dont vous parlez les gens quand ils parlent des souffrances qu'ils font aux animaux, c'est clairement pas cet état de nécessité de survie de caractère indispensable d'une violence. Et j'ai un extrait d'un rapport de la chambre criminelle de la Cour de cassation en 2011 qui disait ça très clairement, et qui disait « On ne saurait nier que, de tout temps et en tout lieu, il se tue un grand nombre d'animaux domestiques, presque toujours élevé à cette fin, dont l'abattage répond à des besoins alimentaires en général, précautions sanitaires parfois, sans qu'il y ait à évoquer un danger imminent, une extrême contrainte ou une menace particulière, mort des animaux dont on pourrait finalement faire l'économie. » Donc, la Cour de cassation a statué sur le fait que, quand on parle de nécessité pour le fait de tuer des animaux, c'est en fait pas une nécessité qui représentait un danger ou un besoin de survie. On parle en fait d'une autre nécessité. Et moi, cette nécessité-là, je l'entends comme... Enfin, moi, je pense qu'on va plutôt parler d'utilité. C'est-à-dire qu'en France, on ne veut pas que vous fassiez souffrir des animaux sans utilité, sans que ce soit pour satisfaire un besoin qui est en fait accepté par la société. Mais par contre, si c'est un besoin qui est accepté par la société, comme la gastronomie, le fait que vous en avez marre de votre chien, la tradition, des choses comme ça, ou le fait que vous n'avez pas la viande, là, la société vous dit allez-y, faites un peu ce que vous voulez. Et en France, il va y avoir deux morales alternatives à cette règle-là. Et je vais vous faire une petite devinette, je vais vous lire une citation avec un texte intro. Il va falloir deviner qui parle et de quoi est-ce que le texte parle. Donc je vous lis. Chaque jour, chaque minute en France, plusieurs milliers d'animaux sont victimes de pratiques qui relèvent de la torture et du supplice. Pourtant, les animaux ont obtenu début 2015 le statut d'être vivant doué de sensibilité, ce qui devrait les protéger de ces signes de souffrance. Mais visiblement, ce nouveau statut n'est que théorique et cela ne peut être en aucun cas satisfaisant. L'organisme en question milite avec méthode et systématisme pour lutter contre toutes les sources de maltraitance animale. L'organisme en question interpelle directement le gouvernement et plus largement l'ensemble des politiques sur ces situations de cruauté extrême, indignes d'une société qui se veut moderne et évoluée. La volonté de l'organisme en question est très claire. L'association ne lâchera rien jusqu'à ce que les animaux obtiennent gain de cause et que soient interdites ces pratiques abjectes. Wellfarm ? Non. La FNSEA ? Non. Et il faut deviner qui parle et de quoi ça parle. Donc effectivement, pour les autres, c'est la 2014 qui parle de l'agriculture et des pratiques d'élevage. Nicolas Hulot qui parle de politiciens. Non, on parle quand même des animaux. Non, en fait, c'est la SPA qui dit ça. Ah bon ? C'est-à-dire que là, vous allez sur spa.com-engagement-éthique, combat éthique, il y a cette déclaration-là, sauf que cette déclaration-là, elle parle de cinq choses qui sont très précises, qui sont la corrida, la production de fourrure, les animaux domestiques, l'abattage des nourrissons et l'expérimentation animale. Donc, on a un engagement extrêmement fort sur les pratiques abjectes, indignes de notre société, mais en fait, on parle d'un... Enfin, ça reste des souffrances abjectes, mais il y en a beaucoup d'autres dont la SPA décide de ne pas parler. Et malgré son systématisme et sa méthodologie. Et on va aussi avoir, je parlais de l'euthanasie de confort avant, l'euthanasie de confort va également être dénoncée par toute mon ami, qui s'est pourtant jamais exprimé sur la mort des animaux dans d'autres cas comme l'élevage. Et du coup, je pense qu'on peut établir la manière dont les personnes qui sont dans la protection animale vont voir cette gestion entre les humains et les animaux, qui va être qu'on ne doit pas causer de souffrance à un animal si elle sert à un intérêt remis en question ou minoritaire, et on ne doit pas les tuer si ça sert à un intérêt remis en question ou minoritaire. C'est-à-dire que dans la protection animale, on se sent légitime de déclarer que tel ou tel intérêt, qui n'est pas simplement faire souffrir l'animal, n'est pas une justification suffisante pour faire souffrir les animaux. Mais il reste plein d'intérêts qui sont des intérêts triviaux et assez des intérêts de plaisir qui, cette fois-ci, ne vont pas être dénoncés par la protection animale. Et une autre alternative au niveau de notre morale alternative, ça va être le réfléchisme qui va s'opposer aux mutilations appliquées par les industriels au transport long, au broyage de poussins mâles, par exemple la castration à vide de porcelaine, l'élevage industriel dans son ensemble quand il va contre l'intérêt des animaux et les environnements pauvres pour les animaux d'élevage. Mais ces welfareistes vont aussi nous dire que si vous voulez manger de la viande, faites un peu ce que vous voulez. Ce qui compte pour nous, c'est qu'il n'y ait pas de souffrance. Alors qu'en fait, on sait ici que l'élevage implique forcément des souffrances. Du coup, comment ça se fait que ce sont. Comment est-ce qu'on explique que ce sont ces souffrances-là en particulier que le welfareisme va dénoncer? Moi, je pense que c'est parce que dans le welfareisme, on a une autre vision des conflits humains-animaux qui va être la suivante. On ne doit pas causer de souffrance à un animal si elle sert des intérêts de rentabilité ou d'efficacité. Pas de restriction sur la mise à mort si elle est indolore. Et du coup, après. On ne peut pas vraiment parler des welfareistes parce que là, c'est des personnes qui s'expriment dans le cadre du welfareisme, qu'on ne connaît pas leur avis sur la corrida et des choses comme ça. Mais on voit effectivement que ce n'est pas tant l'intérêt d'eux d'avoir de la viande, d'avoir du lait, d'avoir des œufs et des choses comme ça que les welfareistes vont remettre en cause, mais c'est le fait que pour avoir ces choses-là, on va causer plus de souffrance à l'animal que ce qui est indispensable. Donc il faut tuer un animal pour avoir de la viande. Les welfareistes ne sont pas contre ça, mais par contre, ils sont contre le fait qu'on cause plus de souffrance que le minimum nécessaire. Ils ne vont pas s'exprimer contre est-ce que ce minimum-là, est-ce que parce qu'il faut tuer un animal pour manger de la viande, est-ce que ça rend forcément le fait de tuer de la viande juste. Et du coup, je pense qu'on peut établir une structure générale par rapport à ces positions-là qu'on a dans la société. On constate que le critère, il n'est ni l'espèce ni l'intérêt de l'animal, mais en fait, moi je vais proposer que le critère ça va être l'intérêt de l'être humain qui est en jeu. Et donc je pense que cette règle là pour la gestion des conflits entre les humains et les animaux, elle va être définie avec la règle suivante qui est il est légitime de faire passer les intérêts fondamentaux des animaux après les intérêts triviaux des humains. Et en fait le seul débat qu'il va y avoir entre les welfareistes, la protection animale et l'État français, ça va être quels intérêts triviaux sont des raisons valides. Cette prémisse-là ne va pas être questionnée. Bah, je veux dire qu'effectivement, il y a certains intérêts triviaux qui sont légitimes pour passer outre les intérêts fondamentaux des animaux, lesquels? Et du coup, avec ce point de vue-là, l'État va nous dire que tous les intérêts triviaux sont justifiables, sont d'une justification sauf le plaisir de faire souffrir, c'est ce qu'on va appeler la cruauté. La protection animale va se permettre de considérer quelques intérêts comme non légitimes, comme le divertissement principalement, le fait d'avoir la fourrure, l'expérimentation animale, une volonté scientifique dans quelques cas. Et le welfareisme, lui, va considérer que ni le plaisir de faire souffrir, ni la volonté d'avoir un rendement ou une efficacité plus importante dans l'élevage sont des justifications admissibles. Mais vraiment, le débat est cloisonné avec ces visions-là, qui est que la seule discussion, c'est quels intérêts triviaux sont justifiables. Le fait même de faire passer les intérêts triviaux des humains avant les intérêts fondamentaux des animaux n'est en fait jamais discuté. Et du coup, les conséquences de ce système de gestion des conflits entre les humains et les animaux est assez claire. En partant de là, la situation actuelle des individus animaux sera forcément désastreuse, puisqu'on a une société qui considère que lorsque les intérêts humains et les intérêts animaux sont en conflit, l'humain ou lui-même pourra négliger les intérêts de l'animal si le plaisir qu'il recherche est acceptable. Et du coup, la chair, les sécrétions, la peau, les systèmes biologiques dont sont constitués les animaux peuvent satisfaire de nombreux besoins humains. J'ai juste dit le divertissement, l'alimentation, la cosmétique, la recherche médicale, l'aliment, et ainsi de suite. Donc, une société suprémaciste aura donc une relation d'exploitation matérielle avec les animaux qui sera aussi étendue que possible financièrement. Partant de cette idée-là qu'il est légitime de faire passer les intérêts triviaux des humains avant les intérêts fondamentaux, il n'y a aucune raison que, partant de là, les animaux ne soient pas. C'est ce que je lance sous le coup. On va avoir plus de 200 millions d'animaux en France. 200 millions, c'est juste le cheptel des gros mammifères, donc le chiffre est forcément supérieur. Mais on va avoir 200 millions d'animaux, plus de 200 millions d'animaux en France, dont le confort, la liberté et la vie seront sacrifiés aux intérêts privés des humains, selon les bonnes règles avec lesquelles notre société va gérer ses conflits entre les intérêts privés des humains et les intérêts fondamentaux des animaux. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Je passe à la suivante. Avec la possibilité de la prévenir, ça sera pas. Ce sera pas mal à distribuer à certains. Je l'ai pas dit, mais ça en fait c'est un, c'est un, c'est un, Ça vient d'un. C'est une publicité de Seb. C'est une publicité de Seb qui a été trouvée par les gens qui ont publié la brochure en 89 qui s'appelle nous ne mangeons pas de viande pour ne pas tuer d'animaux. Tu vois, c'est exactement ça. C'est ça. Ok. Et du coup, ils avaient trouvé ça et c'est Seb qui nous dit regardez tous les individus que, dont vous allez pouvoir bénéficier avec votre super cocotte sèche. Ouais, c'est vachement parlant. Et mais juste ça, je sais pas, pour faire la distribution. Ah. Cette brochure est disponible en PDF sur le site de David Olivier. Ouais. Et peut-être même sur un peu de ce que je fais. Ah non, bah non. Et je vais passer à la suite. Vous avez dû remarquer que jusqu'à maintenant, j'ai tout le temps parlé des animaux et des humains. Et ça peut paraître contre-intuitif parce que nous, on a l'habitude de parler des humains et des animaux non humains. Et en fait, c'est parce que nous, on va considérer, quand on va parler des animaux, nous, on va considérer qu'on parle de la catégorie biologique. Et du coup, attendez. Qu'est-ce que je dis ? Mais voilà, vous savez tous que on a biologiquement, on va avoir une distinction entre parmi les êtres vivants, on va avoir les plantes, les autres êtres vivants, les champignons, les êtres unicellulaires, les bactéries, etc. Et que si vous n'êtes pas un champignon, ni une bactérie, ni une plante, vous allez être dans la catégorie des animaux. Et, mais par contre, on voit bien que quand on parle de négliger les intérêts des animaux contre les humains s'excluent de la catégorie des animaux. Et en fait, moi je pense que c'est parce que ces catégories humains et animaux sont en fait pas des catégories biologiques, mais ce qu'on va appeler des catégories politiques. C'est-à-dire des catégories qui sont utilisées pour gérer les conflits en mode on a un conflit, de quelle catégorie faites-vous partie ? À partir des catégories dont faites partie, on va établir comment est-ce que ce conflit devrait être géré. Et du coup, c'est le dessin que j'ai fait ici. En fait, je vais aussi faire ce que j'ai dit ici. Ces catégories humains et animaux réalisent une dichotomie et en même temps une hiérarchie entre tous les individus qui ont des intérêts subjectifs. Donc on parle du fait qu'on a des individus qui ont des intérêts subjectifs, et on aura d'un côté les individus dont les intérêts fondamentaux ne peuvent être bafoués que si on présente des intérêts fondamentaux en face. Pour les humains, ça ne va pas être considéré comme justifié de dire « oui mais regardez, c'est une tradition interrompue donc je vais continuer de lui faire du mal ». C'est pas quelque chose qui va passer. Par contre, on aura la catégorie animaux sur laquelle les humains pourront justifier de négliger leurs intérêts fondamentaux uniquement si ils font partie de la catégorie des humains et qu'ils ont un plaisir qui est acceptable pour justifier sa souffrance. Donc on aura d'un côté les humains dont on respecte les intérêts fondamentaux et de l'autre côté les animaux dont les intérêts fondamentaux sont négligeables selon telle ou telle justification. Et par exemple, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a une... À partir de cette catégorisation politique-là, je pense qu'on peut avoir déjà on peut envisager quel est le projet politique animaliste. Et pour expliquer ça, je vais citer Francis Wolff, un philosophe prospéciste très, très motivé. Lui, il va dire, dans une conférence par exemple, il va dire « Oui, mais si les animaux deviennent des personnes, alors les personnes deviennent des animaux. » En disant « Donc on peut négliger les intérêts des humains, simplement scientifiques. » En fait, lui, ce qu'il veut dire quand il dit ça, c'est que si on rend cette catégorie-là foreuse, si les animaux peuvent passer dans cette catégorie-là, alors forcément les humains peuvent passer dans cette catégorie-là. Et cette idée de la porosité, cette limite, elle se comprend. Mais c'est parce que Francis Wolff, dans ce cas-là, a une incompréhension totale de quel est le projet animaliste. À mon avis, le projet animaliste, c'est de supprimer complètement la catégorie des animaux comme une catégorie dont on peut négliger les intérêts. C'est-à-dire que le projet animaliste va être de dire qu'il n'existe pas un seul individu qui a des intérêts subjectifs dont il est justifiable de négliger les intérêts fondamentaux au nom de plaisir de quelque autre plaisir d'un individu, d'un autre individu qui a des intérêts subjectifs. Et c'est pas... Du coup, à partir de cette distinction politique, cette politique biologique, on peut dire... moi, j'appelle cette distinction politique une abstraction réelle, dans le sens où... qu'est-ce que je dis par rapport à ça ? Une attraction réelle dans le sens où biologiquement c'est pas vrai que je sois un animal, enfin c'est effectivement je suis un animal, ce que j'ai dit ici, je suis ni une plante ni un champignon, donc je suis un animal. Biologiquement c'est indéniable. Par contre, si je me pose la question de politiquement moi, quelle est ma catégorie, je me rends compte que la société dans laquelle je vis ne veut pas accepter que mes intérêts fondamentaux soient bafoués au nom d'intérêts attribués d'un autre individu. Et du coup, je n'appartiens pas à la classe politique des animaux. Politiquement, je ne suis pas un animal. Et je suis d'ailleurs bien content de ne pas être un animal politiquement, parce que sinon ça aura des conséquences assez désastreuses. Et moi je pense que cette distinction... Est-ce qu'il y a ça ? Ouais, c'est chouette. Cette superposition biologique-politique, on va utiliser le même mot pour désigner deux choses, en fait, elle va créer une incompréhension entre les animalistes qui ont pour projet de supprimer cette catégorie politique-animaux, et qui du coup presque vont partir du fait qu'elle n'existe pas, et d'autre côté, des gens qui vont utiliser le terme animal pour désigner cette catégorie politique. Je vais citer quatre exemples où où cette superposition biologique-politique permet de comprendre des choses qui parfois sont confuses pour les animalistes. La première chose, c'est avec le fait que les groupes dominants revendiquent leur humanité. Moi je pense que cette vision politique de ce que veut dire animal va nous permettre d'expliquer qu'on est des humains ou des humaines qui tentent autant qu'ils le peuvent de ne pas être classés dans la case animal. Parce que aujourd'hui, être classé dans la case animal, ça implique d'être mis dans une position dégradante où mes intérêts fondamentaux deviennent secondaires. Quand je revendique ma qualité d'humain, quand je revendique le fait que j'appartiens à la catégorie biologique des humains, en fait ça va sécuriser mes intérêts fondamentaux puisque faisant partie de la catégorie biologique des humains, on met dans la catégorie politique des humains et mes intérêts fondamentaux sont protégés. Et par exemple, là j'ai pris. Là dans ce cas-là, c'est la féministe Andrea Dworkin qui manifestait avec une pancarte avec marqué on n'est pas des animaux. Avec cette pancarte, elle dit pas on est des plantes. C'est pas ce qu'elle veut dire, elle dit pas on n'est pas des animaux, c'est parce qu'on est des plantes. Elle dit on n'est pas des animaux parce que en tant qu'être humain, nos intérêts fondamentaux vont compter. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à simplement dire on est des humains ou on n'est pas des animaux. Et cette même lecture elle peut être faite autour de la polémique qu'il y a eu avec l'événement du 10 mai de 269 Life Libération Animale. Pour ceux qui n'en avaient pas entendu parler, l'association avait décidé d'organiser le 10 mai, qui est la journée de la commémoration de l'esclavage et de la terre négrière en France, de faire un événement qui allait dénoncer l'esclavage des animaux. Et en fait, on avait beaucoup de gens qui ont dit mais on n'est pas ne traitez pas comme des animaux, ça ne voulait pas les traiter comme des animaux. Et on a eu souvent, ça je crois que je l'ai, on a eu souvent mis voilà, cette réflexion-là qui était mais les animaux et les humains, c'est pareil, on est des animaux. C'est quoi le problème de dire que vous êtes des animaux? Il y a même, là j'ai un commentaire que j'ai trouvé sur Facebook sur le contre-communiqué désastreux que le premier qu'avait fait Tiffen. Et on a quelqu'un qui va dire comparer un homme, noir ou pas, à un animal n'est pas une insulte puisque nous sommes tous des animaux. Cette personne-là vient dire vous êtes des animaux, vous faites partie de la catégorie biologique des animaux, quel est le problème avec le fait de dire je vous en êtes? Et en fait, il y a quelqu'un ensuite qui a fait une réflexion que j'ai trouvée très pertinente, qui va dire, dans une société spéciste, comparer des personnes noires avec des animaux, c'est les déshumaniser. Déshumaniser, ça veut, c'est pas simplement dire, vous n'êtes pas des humains en termes biologiques, ça veut dire, vous n'êtes pas des humains, donc vos intérêts fondamentaux peuvent être négligés. Et cette personne-là continue en disant, c'est les déshumaniser, les rabaisser, quel que soit votre respect pour les animaux non humains, vous ne faites que reprendre le discours raciste qui refuse aux personnes noires toute dignité. Et on va avoir des gens qui vont trouver que c'est intéressant. Moi, je ne veux pas discuter de la pertinence de comparer l'esclavage et l'élevage, mais par contre, la réaction de ces personnes-là qui disent « ne nous comparez pas à des animaux », elle est politiquement judicieuse, puisque en étant comparé avec des animaux, on est placé dans la catégorie politique animaux, et à partir de ce moment-là, on sait que nos intérêts fondamentaux peuvent être négligés. Cette distinction politique-biologique, elle va être pertinente, c'est dans le cadre de l'amour pour les animaux par ceux et celles qui les exploitent. Donc là, j'ai pris un article dans Libération d'un éleveur qui dit « j'aime les animaux, j'aime ma liberté », et c'est aussi un éleveur qui possède une cinquantaine vaches mères qui va inséminer artificiellement, et les veaux, ensuite, il va les engraisser jusqu'à maturité pour pouvoir les vendre pour de la viande. Et là, ici, j'ai aussi mis la citation de Macron, Emmanuel Macron au congrès de la FNSEA qui nous disait « L'éleveur, c'est lui qui pleure quand un animal meurt, ce n'est pas les gens qui sont dans les associations ou dans les bureaux. » Nous, ça peut nous paraître bizarre. Et alors que je pense que cette distinction politique-biologique, elle nous permet de résoudre la contradiction, puisqu'il ne s'agit, quand les éleveurs ou Macron va dire ça, il ne s'agit pas du tout de dire que j'aime les animaux autant qu'individus qui ont leurs propres intérêts et dont je reconnais la dignité. Dans ce cas-là, ça n'aurait aucun sens de dire « je les aime et je les tue ». Mais en fait, moi je pense que quand il parle des animaux, il les considère bien en tant que catégorie politique, c'est-à-dire, il va dire « j'aime ces individus dont qu'on peut négliger si on a une bonne raison, et je les aime en tant qu'ils font partie de cette catégorie politique-là ». Et donc, ils auront peut-être une attention particulière quand les animaux souffrent pour rien, comme des maladies, la faim et des choses comme ça, ou des blessures, mais par contre, ils ne remettront pas du tout en cause le fait de les tuer ou de les enfermer si ils considèrent que l'intérêt qu'ils font pour ça est justifiable. Aucun éleveur ne justifiera ne pourra justifier de dire « oui, mais j'ai laissé mes animaux en mauvaise santé, et c'était pour rien, mais voilà, je l'ai fait ». Souvent, enfin, très rapidement, les éleveurs vont monter au créneau en disant « ah oui, mais il avait machin, il avait plus de sous, il avait… » Et ce sera jamais revendiqué comme quelque chose qu'ils font en mode « bah ouais, j'ai autre chose à faire, bah, bon. » Par contre, le fait de tuer ou d'enfermer, c'est pas quelque chose qui pose un problème, vu qu'on présente en face un intérêt trivial qui est considéré comme justifié. Un troisième point que je fais par rapport à cette catégorie politique, c'est par rapport à la capacité de prise de recul des individus. On peut être troublé quand on parle des animaux. Moi, par exemple, je vais parler à ma sœur et on parle des veaux et je dis que les veaux, je pense qu'on ne devrait pas les tuer. Enfin, même si le veau naît parce qu'il faut du lait, c'est pas une raison pour après le tuer le veau, il pourrait continuer à vivre sa vie tranquille. Et en fait, là, on va me répondre, mais du coup, il sert à rien. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est parce que quand on parle des animaux, les gens vont considérer qu'on parle des animaux en tant que cette catégorie politique qu'on peut exploiter. Ils vont pas du tout envisager qu'on nous on parle des individus. Effectivement, si on leur disait t'es un individu libre qui a des intérêts subjectifs, qui veut vivre, ils diraient jamais oui mais ça sert à rien. Parce qu'on va montrer que ça sert à lui-même de continuer à vivre. Mais si on considère les animaux, là c'est j'ai mis du coup l'individu lambda, quand l'individu lambda va entendre le mot animal, il va toujours considérer qu'on parle de cette catégorie politique qui pour finir mérite. Et il est justifié de mettre dans cette de négliger les intérêts, et du coup ne va même pas envisager que nous, quand on parlait de ça, on avait d'autres projets pour cet animal-là. Et enfin, un dernier point, ça va être sur ce qu'est le statut juridique des animaux. Je pense que cette vision politique versus biologique des animaux, elle va renverser l'analyse qui est classique en fait du statut juridique des animaux. J'ai deux exemples dans la communauté antispéciste. Dans une émission sur France Culture en février, on a Florence Borga, philosophe qui s'intéresse à la relation, enfin, au statut des animaux dans la société, qui va dire que les animaux sont étrangement placés parmi les choses. Elle dit, mais pourtant on a des relations avec eux, on voit que ce ne sont pas des choses, mais ils sont placés parmi les choses, ce qui est étrange. Et Tiphaine Lagarde va aussi dire qu'en fait le statut de chose est un obstacle pour la libération animale. Tant que les animaux sont considérés comme des choses, ils ne pourront pas, on ne pourra pas reconnaître l'intérêt. Et en fait, moi ce que je vais te dire, c'est que je vais renverser cette analyse en disant que si on considère qu'appartenir à la catégorie des animaux implique une subordination aux intérêts de la catégorie humaine, la meilleure manière d'inscrire ces conflits dans le droit va être de considérer par défaut l'animal comme dénué d'intérêt, autant qu'une chaise, une table ou une lampe, et ensuite de saupoudrer dans les textes de loi quelques intérêts comme la soif, la faim et la froid. Et le froid, mais du coup, vraiment pour le droit français, l'animal n'est pas un individu avec ses intérêts subjectifs, et on devrait prendre d'abord sa subjectivité pour juger de ce qui lui fait du mal ou du bien, mais c'est simplement un objet qui peut avoir soif. Et du coup, il est mal d'affamer ou d'assoiffer cet objet-là en tant qu'il a ces intérêts-là, mais on ne va pas du tout considérer, par exemple, ses intérêts sociaux, ou son intérêt à la vie, ou son intérêt à la liberté. Parce que dans le droit français, on va vraiment être saupoudré ici et là des petits intérêts qui vont élever légèrement les animaux au-dessus des objets. Et oui, quelque chose que je veux dire par rapport à ça, je reprends une formule de Marx. Marx disait à propos du prolétariat révolutionnaire qu'il ne revendique pas un droit particulier vu qu'on ne fait pas un tort particulier mais un tort en soi. Et je crois qu'on peut avoir la même lecture pour la situation des animaux. Ils sont effectivement protégés de certains torts particuliers, donc la soif, la faim, le froid, le besoin de soins, etc. Et en fait, on va avoir la protection animale et les welfaristes qui vont vouloir qu'il y ait plus de ces intérêts particuliers qui soient présentés. Mais moi, je pense que le projet antispéciste, le projet politique animaliste, ça va être de déclarer qu'en fait, non, ces animaux subissent un tort en soi, en tant que par leur position politique même, ils vont être subordonnés à tous les intérêts tribunaux des humains qui sont totalement acceptables. Et du coup, on va avoir une grosse différence entre le projet animaliste et les autres projets pour les animaux, qui va être que nous, notre projet, ça va être de faire que, à la base, les intérêts des animaux sont considérés en tant que c'est leurs intérêts, et pas en tant qu'on doit dire « oui, mais cet intérêt-là, il est particulièrement important, les autres intérêts, on n'en parle absolument pas. » Oui ? Ah, je finis. Ouais, je vais passer à la partie suivante, si vous avez des questions sur celle-là. Sinon, je passerai à la partie suivante. Quelque chose qui peut être troublant, du coup, ça c'est la lecture politique de la vision des animaux, sauf que parmi les opposants, les animalistes qui sont contre le traitement qui sont faits aux animaux, ils vont dire la principale chose, ça va être du coup l'étonnement, enfin, dire mais vous voyez bien que les animaux ne sont pas des choses, ça va être l'accusation de mensonge, le fait de dire mais vous mentez quand vous dites que vous aimez vos animaux, et ça va être le reproche de la non-concordance avec les faits observables. Donc on va nous présenter des excuses, on va nous dire des choses, on va dire mais vous voyez bien que la réalité ce n'est pas ça, pourquoi vous dites ça? Et je pense que les animalistes se concentrent beaucoup sur cette vision-là, parce qu'on va avoir une certaine vision de l'individu que je présente juste après, où en fait on va dire que on va avoir une vision où l'individu, c'est là où c'est le petit salaud, faut que je prenne les doigts. On va partir du fait qu'on a une société qui est composée d'individus dont la priorité, l'intérêt parmi au-dessus de tous les intérêts, va être celui d'agir moralement. Et effectivement, avec cette vision, on va considérer que si un individu a un certain point de vue, oui c'est vraiment tout petit. Hein. Si un individu a un certain point de vue et que ce point de vue est remis en question par un effet extérieur, une émission à la télé, quelqu'un qui lui parle dans un bar, un tract, quelque chose comme ça, il va réaliser que son point de vue ne relève pas de l'évidence, il se rend compte qu'il ne peut pas juste pointer du doigt et dire « mais si, regarde, les choses sont comme ça », et donc il va rentrer dans une phase de recherche et de réflexion pour établir la vérité. Comment est-ce qu'il va rechercher cette vérité-là? Il va essayer de rassembler, d'une part, les faits observables, ce qu'il faut voir dans la vie de tous les jours, et les faire rapporter comme la science ou ce qu'il va entendre des éthologues, par exemple. Il va prendre ces faits rapportés-là, il va les confronter aux principes moraux qu'il considère comme des principes moraux acceptables, et en confrontant ces faits et ces principes moraux, il va en sortir un jugement éthique, et le discours qu'il va nous dire sera une conséquence de ce jugement éthique. Donc, dans le cadre de l'exploitation animale, on va avoir quelque chose qui est assez similaire. On va avoir un individu qui est favorable à l'exploitation animale, qui trouve que les pratiques sont acceptables dans notre société. Il va remettre en question ces pratiques, qui va dire, par exemple, la viande, c'est pas quelque chose de juste, je pense que c'est quelque chose qui devrait être interdit. Sa priorité étant d'agir moralement, il va accepter le fait que la catégorie biologique des animaux n'implique pas une subordination. C'est pas possible de pointer du doigt quelque chose dans la nature et de dire, mais regardez, c'est évident, par exemple, cet animal n'a pas d'intérêt, ou alors, quand je mange de la viande, c'est parce que sinon je vais mourir. Il se rend compte que les choses sont plus complexes que ça. On prend les animaux libres, a priori, les animaux sont des individus qui, en eux-mêmes, n'impliquent pas qu'on les exploite, et donc, pour justifier l'exploitation, il faut dérouler un certain raisonnement. On va avoir une recherche et une réflexion pour établir la vérité. Donc, quels faits on peut invoquer pour l'élevage, c'est pour le traitement des animaux, et quels principes moraux. Et du coup, pour avoir un jugement éthique, un futur discours. Donc, dans ce cas-là, avec des individus comme ça, pour finir, le combat animaliste est assez simple, parce que, comme l'a dit Martin Gilbert il y a 2 ans ici, la bataille des arguments est gagnée. C'est-à-dire que si on prend aujourd'hui, si on prend les faits observables dans la vie de tous les jours ou par la science, et les principes moraux qui sont acceptés d'un point de vue global, aujourd'hui, on en arrive à un jugement éthique qui va être qu'on ne devrait pas négliger les intérêts fondamentaux des animaux pour des intérêts privés. Ce n'est pas justifiable avec les faits observables et les principes moraux que les gens sont prêts à défendre dans tous les cas. Et du coup, beaucoup d'animalistes vont avoir comme but vont considérer qu'en fait, si les personnes ont un jugement éthique et un discours qui va être prospéciste, c'est simplement parce que ils ont les faits observables, les faits rapportés et les principes moraux qui sont utiles ne sont pas les bons. Donc la mission, ça va être de dire, mais regardez, vous ne prenez pas les bons faits, on va parler d'éthologie, vous, on va parler de le fait que ce n'est pas nécessairement générateur de tous les animaux, on va parler du fait que la tradition, ce n'est pas un principe moral individuel, regardez, on va vous montrer que ce n'en est pas un, l'appel à la nature non plus, on va s'attaquer à tout, c'est la biodiversité non plus, c'est pas non plus un principe moral acceptable, et on va décider de s'attaquer à ça. Mais moi, le début de ma position était justement pour montrer que je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut dire, on n'est pas dans une société dans laquelle les faits qui mèneraient au jugement éthique de l'antispéciste seraient cachés des gens. Si quelqu'un cherche, si on dit à quelqu'un non, je pense que tu te trompes, il peut effectivement aller chercher ces faits-là, et il verra qu'il n'a pas pris les bons faits. Pareil pour les principes moraux. Il n'y a aucun. Les principes moraux qui sont utilisés pour défendre l'élevage sont des principes moraux que ces personnes-là n'appliqueraient pas au reste, en fait. Et ce ne sont pas des choses dans lesquelles ils croient. A priori, si on leur demandait quels sont les principes moraux pour gérer les conflits, ils ne diraient pas la biodiversité. Ils diraient effectivement les mêmes choses que nous on va dire, le fait de ne pas causer de souffrance sans nécessité, le fait que. Typiquement, la morale qu'on a entre nous, en fait, le fait de ne pas faire passer les intérêts privés ou les intérêts fondamentaux entre nous. Et du coup. On pourrait dire que c'est bien d'être individuel. On a une bonne partie de l'animalisme qui va dire, mais c'est en fait parce que les gens, ils en arrivent ici, ils voient que c'est immoral, que c'est mauvais, mais malgré cela, ils vont défendre l'élevage. Parce que c'est des personnes insensibles, des personnes qui n'ont pas de cœur, des personnes cruelles, et ainsi de suite. Mais je pense que c'est pas. On n'explique pas une société avec d'être individuel comme cela. Il me semble pas que ce soit une vision qui peut en plus stratégiquement qui est demandée. Oui, c'est pas une vision que je considère comme une. Et du coup, moi, ce que je vais proposer, c'est une autre vision de l'individu. Avant, ce que j'aurais dit, moi, c'était simplement qu'en fait, pour moi, la morale, en fait, les gens, ils s'en fichent. Il y a certaines personnes qui vont dire que la morale, ça compte pas pour les gens. Pour finir, à aucun moment, les gens se soucient d'agir moralement. Mais en fait, j'en ai discuté avec Adrien et je suis pas, d'une part, je serais pas aussi clair que ça que les gens s'intéressent pas du tout à la morale. D'une part, je me rends compte que pour dérouler mon raisonnement, j'ai pas besoin de considérer que les gens ne sont pas du tout morales. Tout ce que j'ai besoin de considérer, c'est que les gens ils ont d'autres intérêts qu'agir moralement. C'est qu'en fait, parfois, les humains vont considérer qu'il y a des choses qui sont plus importantes qu'agir moralement et du coup, ils vont prioriser ça. Ils vont mettre ces intérêts en priorité. Faut que tu ralentisses encore si c'est possible. Surtout là. Oui. Moi, je vais avoir une vision d'individu. On va considérer qu'il est possible que cet individu et d'autres intérêts cachés moralement. Et il est possible qu'ils mettent en priorité ces intérêts-là par rapport à la morale. Et du coup, si on a un individu qui est dans une position de domination qui bénéficie du statu quo, au moment où on va remettre en question cette domination, il va d'abord réaliser que cette remise en question de sa position de dominant ou dominante, sa position de domination va être remise en question. Il se rend très bien compte que quand on remet en question cette position de domination, il a un intérêt matériel et psychologique à dominer d'une part, et surtout pas mal dans notre société, il a un faible intérêt à remettre en cause les dominations. Parce que c'est assez indéniable que des gens, quand on leur dit mais vous rendez compte, vous avez un traitement injuste avec les gens, on n'a pas une ferveur morale à tout de suite vouloir en savoir plus. Quoi. Et en fait, partant de ces intérêts-là, partant que effectivement l'individu il aura un intérêt à explorer sa morale, mais il va avoir un intérêt plus grand à protéger ses intérêts matériels et psychologiques, on va en fait ne pas aller vers la recherche de la vérité, mais simplement vers la recherche d'une recherche et une réflexion pour esquiver la question. Le but de l'individu, il va décider, pas lui, mais la décision qui va être prise dans ce cas-là, ça va être de choisir de ne pas se confronter à la recherche de la vérité, mais simplement rechercher des arguments pour esquiver la question. Et du coup, dans ce cas-là, on va invoquer des faits et des principes moraux tolérés dans ce cadre de cette domination. C'est quelque chose qui est très particulier dans les discours dominants, c'est qu'il y a certains faits qui vont être appelés pour traiter un individu, mais qui en fait, des principes moraux par exemple, qui ne vont pas du tout être transposables à une autre population. Un exemple que je peux donner, c'est qu'on va considérer que pour les enfants, c'est important qu'un enfant à 20 ans il connaisse la géographie, l'anglais et les mathématiques, donc c'est justifiable de le menacer lui ou ses parents pour qu'il aille à l'école ou qu'il apprenne ces choses-là qui sont extrêmement importantes, de la biologie, les mathématiques ou l'histoire. Mais par contre, personne ne va considérer que si vous avez 20 ans et que vous ne connaissez pas l'histoire et la géographie, il est légitime de vous enfermer ou de vous menacer pour que vous l'appreniez. C'est pas... On va considérer... Enfin, quand je dis que c'est des principes moraux qui sont tolérés dans le cadre de cette domination, on considère pour les enfants qu'il est légitime de les menacer pour qu'ils aient ces connaissances-là, mais quand vous avez 20 ans, on considère que c'est... Personne ne va faire appel à cet argument-là pour vous menacer. Et la production de... Avec cette recherche et réflexion, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la production d'un discours qui sera faux dans le sens où c'est pas, il va pas être soutenu par des choses dans lesquelles la personne croit, un discours faux ou sans rapport avec la question pour l'esquiver. Et pour finir, vous avez pu témoigner ça dans les cas du spécisme, mais aussi du sexisme et du racisme, la personne en face vous a donné un argument qui n'avait soit rien à voir à la question, soit qui était basé absolument sur rien de soutenable, mais cette personne-là reçoit une grande satisfaction. C'est-à-dire que, surtout si vous êtes la seule personne à remettre en question, cette personne-là, elle vous regarde. C'est pas de vous qu'elle cherche elle va pas chercher en vous la confirmation de ce qu'elle a dit était correct. Elle va regarder ailleurs, en fait. Elle va regarder dans l'ensemble social dans lequel elle est. Est-ce qu'elle peut dire des choses aussi stupides que ça? Et est-ce que ça passe? Et souvent, ça passe. Qu'est-ce qui se passe si on considère une société spéciste qui va être composé d'individus pour ce fonctionnement-là. On a un individu qui soutient, enfin, simplement parce que c'est un humain, il a un intérêt à soutenir la suprématie humaine, a priori. On va remettre en question la suprématie humaine, il va se rendre compte que sa position de dominant, elle est remise en question. Tout de suite, il va penser volontairement bon aux intérêts matériels et psychologiques qu'il a à dominer les animaux, qui sont des intérêts nutritionnels, gustatifs, divertissement, au niveau des règles de construction, par exemple, des choses comme ça, où il va tout de suite... Ça va être très très accessible pour lui, toutes les choses qu'il va plus pouvoir faire si jamais cette suprématie humaine est remise en question. Et on va toujours considérer que dans nos sociétés, les gens ont un faible intérêt à remettre en cause les dominations. Et du coup, il va passer à cette recherche et réflexion pour esquiver la question. Il va chercher des principes et des faits et des principes moraux qui sont tolérés dans le cadre de la suprématie humaine. J'ai un exemple par rapport à ça pour ces faits et principes moraux, où on a parlé de ça, c'est dans le livre de Thomas Le Petit, où il fait une analyse assez complète des discours pour défendre l'élevage, où on va avoir Francis Wolff qui va dire que les hommes sont les seuls êtres qui agissent au nom des valeurs et s'imposent des devoirs, et donc que les devoirs que les hommes s'imposent vis-à-vis des autres hommes, que les devoirs que les hommes s'imposent vis-à-vis des autres hommes deviennent pour eux des droits dans la mesure où ils sont réciproques et universels. Pas de chance pour les animaux, comme ils ne formulent pas de devoirs envers nous ni entre eux, Wolff en conclut qu'ils ne peuvent pas avoir de droits. Donc, il sollicite cet argument moral pour dire que, du coup, les animaux ne devraient pas avoir de droits. Mais en fait, on se rend compte que, Thomas Napolitain nous dit aussi que quand Francis Wolff, on met face à ce qu'on appelle les cas marginaux, donc des humains qui n'ont pas non plus la capacité de s'engager pour des devoirs, Francis Wolff va nous dire que nous devons accorder des droits à ces cas marginaux, à ces humains qui n'ont pas la capacité de s'engager pour des devoirs. lois en disant « Nous les reconnaissons comme faisant partie de la communauté humaine. » Cela revient à abandonner le principe selon lequel seuls les êtres qui s'imposent des devoirs ont des droits. C'est un argument qu'ils n'utiliseraient jamais dans le cadre de pour justifier les négligences des intérêts des humains. Mais on vit dans une société dans laquelle si vous dites ça pour les intérêts des animaux, ça passe. C'est pas, mais parce qu'au départ, on va considérer que, moi c'est la supposition que je fais, c'est parce qu'au départ, cette personne-là a une position qui elle soutient la suprématie humaine. En fait, à aucun moment, elle en est passée par la position naïve qui est considérée effectivement biologiquement rien n'implique. Prenons simplement un individu qui a des intérêts et définissons comment est-ce qu'on devrait les traiter. On va partir du fait que les animaux sont d'une classe, qui de toute façon qui est légitime de subordonner. Du coup, partant de cette vision-là, on va avoir, nous, en tant qu'antispécistes, on va se dire que la principale chose qui nous dérange, c'est ce discours-là. C'est-à-dire que dans une décision collective, on peut typiquement prendre le cas de l'Assemblée nationale, si les gens ils étaient vraiment pas contents qu'on remette en cause leur domination et qu'ils recherchaient, mais qu'ils gardaient un peu dans leur tête en mode « oui, mais on est les meilleurs, on devrait continuer à dominer », s'ils se taisaient, on peut espérer que les animaux accéderaient à des droits. Si personne n'osait, nous être présenté des arguments aussi stupides que les prairies, la carotte et des choses comme ça, cette société-là, on en arriverait à « bon, bah, on a fait cette réflexion-là, effectivement, les animaux ne méritent pas d'être religieux. » Et c'est pour ça qu'une des stratégies que moi, une des façons d'attaquer un système politique, ça va être d'affaiblir la défense. C'est-à-dire que au moment où ce système-là politique est attaqué, les individus... Comme j'ai dit, nous, notre but, c'est que les gens n'en arrivent pas là, mais qu'en fait, ils arrivent ici. Parce qu'on sait que si ils prennent une position naïve et effectivement ouverte, on va en arriver à une position antispéciste. Donc, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils en arrivent ici plutôt que là? On pourrait dire, par exemple, on peut réduire leur intérêt matériel et psychologique à dominer les animaux. Donc, le fait de développer de la super bonne nourriture végane, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les gens, si pour l'instant ils se disent que mon intérêt matériel à donner des animaux c'est juste pour pas manger que des graines, et bien quand si on leur montre qu'en fait il n'y a pas à manger que des graines, cette chose-là va devenir moins puissante. On pourrait également se lancer dans un projet de société anarchiste où on veut ou égalitariste, où on veut susciter chez les gens un énorme intérêt à remettre en question les dominations. À ne plus tout simplement dire oui, je domine, mais il y a sûrement des malheurs de pour ça. Le souci, c'est que ces deux choses-là, ça va être des choses que moi je vais appeler internes à l'individu, qu'il va falloir changer dans chacun des individus pour qu'on ait plus ce phénomène-là. C'est pour ça que moi je vais me concentrer sur ce que je vais plutôt appeler des facteurs d'environnement, comme par exemple les faits et les principes moraux tolérés auxquels les gens vont faire référence. Ces faits et ces principes moraux tolérés, ils ne sont pas une création de l'individu qui fait référence. C'est-à-dire que la personne qui. La personne qui va invoquer le lion et la gazelle pour écarter l'antispécisme, il n'a pas fait des recherches à ce niveau-là. Il n'a pas distribué des tracts pour dire regardez le lion et la gazelle et des choses comme ça. C'était un fait qui était déjà présent dans son environnement social et il avait déjà vu ce fait-là qui avait été invoqué et qui avait marché. Il se dit bon, bah, je vais prendre celui-là, ça va marcher. Et du coup, si on veut affaiblir la suprématie humaine, à mon avis, il faut affaiblir sa défense et d'abord, enfin. Ça veut dire qu'il faut d'une part connaître quelles sont ces défenses-là qui sont amenées et d'autre part comprendre comment est-ce qu'on fait pour qu'elles soient plus justifiables. Un exemple que je peux donner par rapport à ça, c'est ce que Yves va dire par rapport aux vidéos de 1914. Il va dire qu'en fait, un des principaux effets des vidéos de 1914, c'est qu'après ces vidéos, plus personne ne peut socialement affirmer que les animaux n'ont pas de sensibilité sans qu'ils soient raillés instantanément. Donc on a des gens, ce qui m'intéresse avec ces visions-là, c'est qu'en fait on va avoir des gens qui ne sont pas antispécistes, qui ne considèrent pas qu'il ne faut pas manger de viande, pas manger d'animaux, ainsi de suite, mais qui, quand un argument prospéciste va être avancé, vont simplement, parce qu'ils ont un intérêt à ne pas laisser des stupidités passer, tout simplement vont me dire, ben non, mais ça c'est pas un argument valable. Ça ne veut pas dire qu'ils vont trouver, c'est pas dire que ces arguments ils vont chercher s'ils sont valables ou pas, mais celui-là, là, ils vont se dire que c'est quelque chose qu'on ne va pas laisser passer, on ne va pas laisser faire. Et là j'en ai cité quelques-uns. Par exemple, la B12, c'est quelque chose qui est souvent présenté pour. Enfin, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que ces choses-là, elles ne sont pas invoquées pour justifier quoi que ce soit, elles sont invoquées uniquement pour clore le débat. C'est-à-dire qu'on va considérer que, ok, vegan, les animaux, c'est génial, mais manger des médicaments, c'est vraiment quelque chose d'horrible, donc la B12, c'est horrible, donc allez, on prend autre chose. Et une partie du projet politique animaliste pour aller au-delà de la suprématie humaine, ça va être de comprendre d'une part quels sont les faits qui sont invoqués, quels sont les plus puissants, quels sont ceux qui reviennent le plus souvent, et d'autre part comment est-ce qu'on peut les attaquer. Donc un exemple de la B12 par exemple, c'est comment attaquer le principe de la B12? Quelque chose que je dis souvent, c'est qu'on pourrait dire que les gens ne savent peut-être pas forcément que le sel est supplémentaire en iode. C'est-à-dire qu'on a des besoins, on a des besoins d'iode, c'est pas un besoin qui va être satisfait dans notre alimentation, dans toutes les alimentations, et collectivement, on a décidé qu'on allait supplémenter le sel en iode pour que ce besoin-là soit satisfait. Donc en fait, quelque chose que les gens vont présenter comme un changement radical qui va être le fait de supplémenter, c'est quelque chose que nous on peut présenter comme quelque chose de pas si radical que ça, au final. Et du coup, cet argument-là qui était utilisé pour dire « Ah oui, moi je serais bien, moi je suis pas vegan parce que les vegans c'est des gens qui aiment bouffer des médicaments et moi j'aime pas », en fait on va pouvoir refermer ce gouffre-là pour dire que non, en fait, c'est juste un argument qui est invoqué pour écarter la question animale. C'est pas un argument qui se tient, c'est pas un argument qui a un rapport avec la réalité. Et là, j'en ai dit d'autres, hein, typiquement la complicité des animaux et des éleveurs. On va souvent dire que oui, mais les animaux, c'est ceux qui prennent le soin, qui prennent soin des animaux. Et ce serait par exemple intéressant de faire une liste de, dans la vie d'une vache, quels sont tous les moments où l'éleveur peut faire passer ses intérêts avant les intérêts de l'animal. Parce que les éleveurs sont très très prompts pour dire mais regardez, là je prends soin, et ainsi de suite. Mais nous, on se fait, si ils éclorent en prenant soin, nous, ça ne nous dérange pas. Le souci, c'est qu'il y a des moments où les intérêts de l'éleveur et les intérêts de l'animal vont en contradiction, et c'est les intérêts de l'éleveur qui vont plus. Et donc, ça, c'est. Une proposition stratégique, c'est de comprendre quelles sont les défenses, avec quelles armes est-ce que ce système-là se défend, quelles sont les plus souvent invoquées et comment est-ce qu'on peut les attaquer. Ah oui, la capacité pénale des animaux, par exemple, Francis Wolff, il va dire, dans une conférence, il va dire, texto, vraiment proche, le jour où un sanglier me colle un procès, j'arrête de manger du pâté. Donc il va dire ça. Quand il dit ça, ce qu'il veut dire, c'est que c'est effectivement, en fait, il réduit le fait d'avoir des droits au fait de pouvoir être représenté pénalement. Il se base sur le fait que les gens ont cette vision étriquée de quel est le droit, et uniquement parce que les gens considèrent, enfin, parce que les gens vont, pendant un court instant, considérer qu'effectivement, c'est que si vous pouvez vous défendre devant un tribunal que vous pouvez avoir des droits, cet argument-là passe. Alors que moi, je pense qu'une manière d'attaquer ça, par exemple, ce serait de présenter le principe de la tutelle. C'est quelque chose qui est aussi fait dans le cas des enfants, c'est-à-dire que les enfants vont beaucoup souffrir du fait qu'on considère que si vous n'êtes pas capable de défendre vos droits, vous n'en avez pas. Alors que le régime de la tutelle, le principe de l'avocat des animaux, par exemple en Suisse, permet de passer outre sur ces choses-là. C'est-à-dire que les animaux ont des intérêts qu'ils ne peuvent pas défendre eux-mêmes devant un tribunal, mais regardons, on a déjà cette chose-là qui est là. Et du coup, si jamais on avait une audience qui n'est pas antispécialiste, mais qui connaît le projet antispécialiste de ces avocats des animaux, de ces représentants des intérêts des animaux, Francis Wolff, il dit ça, il passe pour un débile. Parce que tout le monde pense juste au fait que, mais non, mais tu dis ça, mais c'est parce que tu as oublié ce truc-là. Donc voilà, ça c'est pour affaiblir la défense. Mais par contre, si on affaiblit la défense et qu'on n'attaque jamais, ça sert à rien. Et c'est du coup ce que moi je propose ensuite, c'est qu'un autre, autre aspect de cette composition de la société sur laquelle on peut se concentrer, c'est la remise en question de la suprématie humaine. Quelles sont les choses que nous on peut provoquer dans la société de manière à ce que ça appelle forcément, que les gens soient obligés de trouver des justifications. Puisque nous, notre but c'est qu'ils arrivent ici, et déjà il faut provoquer cette descente-là, il faut qu'ils se sentent obligés de justifier ce qui veut justifier leur pratique et leurs principes moraux pour ça. Des manières de. Pour évaluer ces remises en question et l'efficacité de ces remises en question, il faut tout simplement voir quelles sont les actions que les animalistes font et en fonction des actions, à quel point est-ce qu'il y a une réponse qui est générée de notre côté, à quel point est-ce que les gens qui défendent les vaches sont obligés de ne pas laisser passer ça et de tout de suite défendre ce qu'ils font. Les intrusions de 269 la vie par la cinéma peuvent être un exemple là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer que si on avait trop, si on avait beaucoup, ou si elle touchait particulièrement le public, il faudrait qu'en face des gens disent ok, ils disent justice pour les animaux, mais voilà pourquoi ils sont stupides. Un autre exemple, par exemple, c'est les marches et les manifestations. Il y avait 5000 personnes à la marche pour la fermeture des abattoirs. C'est quelque chose qui est facilement ignorable. C'est facile d'aligner les gens en disant mais oui, mais regardez, ces gens qui ont une morale bizarre et tout. Si on arrivait à 10 000, 20 000, 200 000 personnes, c'est difficile de dire ces 200 000 personnes sont complètement stupides. Ou en tout cas, il faudrait mettre quelque chose derrière. C'est ce qu'on voit pour les manifestations dans le cadre du droit du travail. On va pas dire mais ils sont débiles, mais regardez, de toute façon, ils sont pas comme nous. On va dire ils ont des arguments, nous, on doit contrer leurs arguments. Et un exemple auquel j'ai pensé hier et que j'aurais pas pensé comme ça, c'est le principe du mois sans viande. Je ne sais pas si vous avez remarqué, apparemment le mois de mars avait été déclaré mois sans viande par certaines associations animalistes, et peut-être même des écolos, ça ne m'étonne pas. Et en fait, j'ai été très surpris de voir que cette initiative du mois sans viande a suscité énormément de réactions, beaucoup d'articles qui disaient pourquoi est-ce que c'était quelque chose d'inacceptable. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont sentis obligés d'aller dans la République et de dire pourquoi est-ce que un mois sans viande c'était pas une bonne chose, pourquoi est-ce que en fait manger de la viande c'était correct, des choses comme ça. Et du coup, coup, ça c'est des choses qui vont provoquer une réaction de la part des gens qui veulent défendre l'élevage. J'ai mis deux exemples en dessous qui concernent pas la libération animale, mais qui peuvent quand même être intéressants. D'une part, c'est la pétition que 30 millions d'avis avaient lancée en 2015 pour le fait de reconnaître que les animaux étaient des animaux de sensibilité. C'était quelque chose qui était assez inoffensif d'un point de vue de la suprématie humaine, mais maintenant ils ont réussi avec 80 000 signatures à faire que le gouvernement ne pouvait plus négliger cette chose-là. Donc on peut imaginer que c'est effectivement une bonne chose pour la suprématie humaine de considérer les animaux comme des objets et de dire que ce ne sont que des objets, mais en fait dans ce cas-là, avec l'action de 30 millions d'avis, on a eu des individus qui voulaient soutenir la suprématie humaine mais qui ont choisi qu'en fait leur intérêt à se montrer comme des gens qui sont à l'écoute du peuple, etc., était plus important que leur intérêt à protéger la suprématie humaine. Et l'arrêté de Sylvain Morel, je me suis là pour dire que c'est aussi quelque chose qui a suscité la réaction. Avec son arrêté ou sa loi, ou je ne sais pas les termes exactement, sur les delphinariums sont maintenant obligés d'expliquer pourquoi est-ce que ce qu'ils font c'est justifié. Alors que tant qu'on ne les remet pas, tant qu'ils ne sont pas remis en cause, ils n'ont pas besoin de se justifier et on ne va jamais pouvoir voir si leurs justifications sont légitimes ou pas. Mais même si ce n'est pas quelque chose qui concerne la libération humaine, c'est quelque chose qui doit susciter une réaction et les gens sont obligés d'expliquer pourquoi est-ce que eux considèrent que c'est légitime. Donc, qu'est-ce qui se passe quand, au niveau de l'individu, c'est ça. Quand au niveau de l'individu on est arrivé à ça, si on arrive à neutraliser complètement ces arguments-là, si on arrive à faire que de dire, si quelqu'un qui dit oui mais c'est important de continuer à exploiter des animaux à cause des prairies, si quand cette personne dit ça et elle est écoutée autant que quand quelqu'un va dire oui mais les animaux ils ressentent rien, on va plus, si on arrive à ce point-là, aucun des arguments n'est acceptable. Donc, en fait, les arguments, quand vous les présentez, même les gens qui ne sont pas antispécistes vont dire « Ah oui, mais ça, c'est pas un argument qui est valable. » Parce que tout de suite, les gens pensent « Ah oui, mais tu dis ça, mais dans ce cas-là, typiquement avec les avocats des animaux, tu dis qu'ils n'ont pas de droit, mais en fait, c'est possible. Il y a une sortie à ta question qui n'est pas une sortie qui mène vers pourquoi on exploite des animaux, mais qui est une sortie qui mène vers la question de l'exploitation des animaux est toujours ouverte. » Et du coup, ça fait que dans le cas d'un individu, si on remet en question la suprématie humaine et qu'il se trouve dans cette position-là, il va y aller forcément parce qu'il les atteint. Il se trouve là, il n'a rien à dire. Et j'ai un exemple là-dessus que Le Pelletier il va expliquer. Il va nous dire, en octobre 2015, sur BFM TV, le journaliste Jean-Jacques Bourdin s'entretient avec Brigitte Bautière après la diffusion d'images prises dans les abattoirs d'Alès. Son interlocutrice commence à lui expliquer que ces images ne sont pas propres à cet abattoir et reflètent une situation générale. La mise à mort des animaux dans les abattoirs ne se fait jamais sans cruauté, les animaux résistent, sont paniqués, se débattent, tentent de s'échapper et souffrent quand ils sont retournés ou tués. Bourdin reconnaît que les images de l'abattoir sont effroyables et qu'il faut dénoncer ces mauvaises conditions d'abattage. Il tient à affirmer sur un ton condescendant son désaccord avec l'objectif de l'association de mettre un terme à la consommation de viande. Sans se démonter, son interlocutrice lui demande alors s'il considère que faire du mal à quelqu'un sans nécessité, c'est juste. Bourdin ne peut que reconnaître que c'est injuste. Poussant à son avantage, son interlocutrice lui demande s'il est juste de tuer des animaux qui sont des êtres sensibles qui ont envie de vivre. Mais cette fois-ci, Bourdin refuse de répondre, désemparé, pris au piège de la logique, il coupe à la discussion et passe à autre chose. Donc on est arrivé dans un cas où Brigitte Gauthier, elle a réussi à maîtriser complètement le sujet, de manière à ce que elle a préparé le terrain, elle a donné des faits, elle a exclu certaines choses comme le fait que c'était pas grave pour les animaux d'aller à l'abattoir, choses comme ça. Elle a affaibli cette partie-là, et après elle pose directement la question, en disant « Mais du coup, est-ce que vous pensez que c'est légitime ?» Jean-Jacques Bourdin, il en arrive là, il a rien. Donc en fait, il va, sur ce point-là, il va se taire, il va même pas y répondre. Il présente même pas de contre-arguments à cette chose-là. Il en a pas. Si tous les arguments qu'il pourrait avoir, il serait nul à ce moment-là, puisque le président de Thiers a préparé le terrain pour qu'il se présente pas. Et dans ce cas-là, lui, il esquive la question. Et il se permet d'esquiver la question parce qu'il est journaliste, parce que le président de Thiers est là en invité, il ne peut pas se permettre de pas. On m'a dit pourquoi est-ce que le président de Thiers n'a pas réinsisté. Oui ? Ouais, en fait, l'argument est là, parce qu'il se trouve que j'écoute régulièrement Bourdin. Et très régulièrement, il dit qu'il adore la viande, etc. Son argument, c'est qu'il aime la viande. Sauf que là, il ne s'est pas senti légitime. Après, c'est aussi une de mes théories. Voilà. C'est que je considère qu'on vit dans une société où si jamais vous avez à vous justifier d'un acte que des personnes considèrent immoral, le fait de dire que ça me fait du bien, ça ne suffit pas. C'est pas le fait de ça. C'est comme quand ils disent que c'est une tradition. Ils disent pas que c'est une tradition, donc c'est moral. Ils disent que c'est une tradition, donc j'ai un intérêt à le faire. Et dans une suprématie humaine, dès que vous avez un intérêt à faire quelque chose, ça légitime tout ce que vous voulez sur les animaux. Mais ça sous-entend que les gens soient, que votre auditoire soit déjà d'accord avec le fait que si vous avez un intérêt, alors c'est légitime de dominer les animaux. Ça ne justifie pas du tout cette prémisse-là. Pourquoi est-ce que les personnes se justifieraient si elles n'avaient pas d'intérêt ? Mon idée, c'est d'expliquer ce qu'ils font, en fait. C'est-à-dire que, quand ils disent... Le principe de cette justification, c'est de dire, si jamais vous m'interdissez cette chose-là, ça me ferait du mal. Après, le truc de la tradition, je l'ai dit, justement, cette tradition, c'est possible que les gens la présentent comme une règle qui ne leur appartient pas à eux, mais qui appartient à la société qu'ils veulent respecter. Mais c'est pas vrai. Puisqu'il y a d'autres moments où ces traditions sont très, très contents de la bafouer. Et du coup, le fait d'appeler à la tradition, c'est pas tant « oui, mais la tradition, c'est important, donc il faut la respecter », c'est « oui, mais cette chose-là est importante pour moi, et maintenant que vous la remettez en question, je vais dire que c'est une tradition pour m'en défendre. » Mais ils ont un intérêt à, n'importe quoi, faire telle ou telle chasse, la tauromachie, des choses comme ça. Et donc ça, c'est dans le cas où on a désarmé un individu sur le moment, et en plus on a attaqué. Ce qui nous intéresse nous surtout, c'est d'un point de vue de projet de société. Qu'est-ce qui se passe si on a toute une société qui reste des spécistes convaincus, mais en fait qui, au moment où on les remet en question, n'est pas capable de faire appel à certains arguments. Et moi je pense qu'on a une sorte de retour à la question, qui est que ces personnes-là ont essayé d'esquiver en tant que société, imaginez l'Assemblée nationale, un congrès quelconque qui est censé évaluer la question, ils ont essayé d'esquiver cette question-là parce qu'ils ont un intérêt à l'esquiver et que pour finir, s'ils protègent ça, ça vaut plus que le fait d'agir moralement dans ce cas-là. Mais en fait, ils arrivent ici, ils n'ont rien à dire, et forcément, moi je considère que quelqu'un qui n'a pas d'argument va forcément se poser la question de ses prémices en fait. Et cette question de ses prémices, c'est ce que je dis ici, c'est quoi ce que moi j'appelle la question animale, il faudrait que je prenne le compte parce que c'est de la question. Ou en disant, la question que cette société-là va être amenée à se poser, c'est la question de ses prémices qui est-ce qu'il est légitime de faire passer les intérêts privés des humains avant les intérêts fondamentaux des animaux. Et là, j'en ai déjà discuté, c'est assez clair que cette question elle est chargée. On imagine peu quelqu'un qui se serait posé cette question et qui s'engagerait à y réfléchir de manière honnête, en arrivant à dire non. Il n'y a pas d'élément dans notre société qui permettrait de répondre non à cette question-là. Et moi, un exemple que j'ai, par exemple, c'est que ma sœur, elle bosse pour la Fédération nationale des éleveurs de chèvres. J'ai discuté avec elle pendant 4 heures sur l'élevage. En fait, elle m'a avoué à la fin qu'elle ne s'était jamais posé cette question. C'est une question qui n'est pas posée. C'est une question, d'une part, on peut la poser aux gens et ils vont se sentir légitimes de l'esquiver parce qu'ils ont des arguments. Et en fait, nous, la question qu'on veut poser aux gens, c'est ça. On s'en fiche de savoir si ils aiment la viande, si ils prennent des médicaments, si ils aiment la diversité. Ce qu'on veut savoir, c'est pour quelle raison ils vont se considérer qu'il est légitime de faire passer les intérêts privés des humains avant les intérêts fondamentaux des animaux. Et en fait, nous, on a plein de réponses, mais les gens n'entendent jamais la question. Puisqu'ils esquivent tout le temps. Et moi, je pense que si on arrive à faire poser la. Enfin, si le but pour moi de mon projet politique animaliste, c'est d'en arriver à un moment où la société se pose cette question-là. Parce que je considère que moi, elle se pose la question qu'on a déjà la réponse. Et je crois que j'ai fini. Oui, du coup, je vais conclure, mais je vais lire mes conclusions parce que je ne connais pas par contre. Enfin, les conclusions, je vais récapituler en quelque sorte. Donc, ça, c'est il y a 6 points. Le premier point, c'est le fait que l'exploitation animale, telle qu'on la voit, les pratiques, va être une conséquence d'un système politique qui légitime la négligence des animaux lorsque cela permet de satisfaire un intérêt humain socialement accepté. Donc, avec ce système politique-là, évidemment que dès que les humains peuvent, ils vont le faire. Et c'est juste quand ils vont se sentir mal, quand ils vont... Typiquement, les premières lois sur la cruauté des animaux, c'était surtout pour dire que si vous tapez votre chien, on pense que vous êtes plus propice à taper l'humain d'à côté. Mais ça a d'abord été motivé par l'idée de protéger les humains. Le deuxième point, c'est le fait que ce système politique-là, il va créer une confusion entre animal comme une catégorie biologique ou non-humain comme une catégorie biologique et animal comme une catégorie politique dont les individus, une catégorie politique d'individus dont les intérêts sont négligés au profit de la catégorie politique d'humain. C'est-à-dire qu'on va parler des individus non-humains, mais on ne va pas les considérer comme des individus a priori libres avec des intérêts dont on devrait justifier la domination, mais on considère que dès qu'on en parle, c'est que la personne à qui vous parlez est d'accord avec cette prémisse-là. La société dans laquelle on vit, c'est quand on va parler des animaux, on va toujours considérer que c'est une prémisse qu'on accepte, que moi et mon interlocuteur vont accepter. Le troisième point, c'est... Ce que je veux dire, c'est que ce système politique, ça va être la conséquence de la complaisance vis-à-vis des structures de pouvoir qui est dans notre société. Enfin, on a une société qui n'est pas très prompte à se dire « Ah, il y a des structures de pouvoir, peut-être qu'on va essayer de les questionner ». et en plus de la facilité qu'ont les personnes en faveur de ce système politique d'obtenir une approbation des autres lorsqu'ils esquivent ces remises en cause. C'est-à-dire que c'est surtout parce que dès que les personnes-là sont remises en cause, elles peuvent tout de suite trouver des arguments très facilement accessibles. Vous les avez tous en tête, la gazelle, les prairies, la B12, les graines et tout machin, tout comme ça. C'est surtout parce que quand on les remet en question, ils peuvent avoir très facilement accès à ces arguments qu'ils se permettent de ne pas se remettre en question. Donc je pense que s'ils n'avaient pas ces arguments, ils seraient mis face à la stupidité de ce qu'ils disent, et individuellement, s'ils étaient isolés, ils se sentiraient un peu obligés d'y réfléchir. C'est que parce que collectivement, ils peuvent protéger leurs intérêts sociaux de ne pas être pris pour des gens qui ne réfléchissent pas et qui, du coup, cruels en quelque sorte, qu'ils se permettent de faire ça. Un autre point, ça va être que. Ah ouais, j'ai enlevé le truc sur l'animalisme radical. Bah, du coup, je vais dire oui, l'animalisme radical, il était là. C'est-à-dire que moi, je considère. Moi, je vais porter un projet que je vais appeler l'animalisme radical, dans le sens où je vais considérer que les animaux sont exploités parce qu'il existe cette catégorie politique et des animaux. C'est parce que, en tant que cette catégorie politique-là existera, tant qu'on considérera qu'il existe une catégorie d'individus qui ont des intérêts subjectifs qu'on peut négliger parce que l'autre catégorie a des intérêts triviaux, tant que cette catégorie-là elle sera effective, ce ne sera pas possible d'avoir des animaux qui vont être en sécurité, qui connaîtront la paix. Du coup, ce que moi j'appelle l'animalisme radical, c'est le projet. C'est la vision de société dans laquelle cette catégorie politique-là est devenue ineffective. Ou en fait, comme je disais avec la confusion de Francis Wolff, qu'il n'y ait plus aucun individu qui soit dans cette catégorie-là, qu'il n'y ait aucune justification de mettre un individu dans cette catégorie-là. Un autre point, c'est la libération animale, que moi je vais considérer comme étant la fin de la pertinence de cette catégorie animale comme une catégorie qui dépend de dignité, sera d'autant plus imminente que la question animale, en tant que remise en cause de la pertinence de cette catégorie, sera présente dans la société et que les outils pour la déliminer seront affaiblis. C'est-à-dire qu'on est d'autant plus proche de cette libération animale que cette question-là est forte et les gens sont obligés d'y répondre, et que quand ils sont obligés d'y répondre, ils n'ont rien pour dire. Et enfin, l'animalisme radical propose que cette légitimation de la question animale, c'est l'idée de forcer la question animale sur la société, et la délégitimisation des outils pour l'esquiver soit mise au centre du combat pour les animaux, et que la collaboration entre tous les acteurs et actrices de cette lutte s'articule autour des accords et des désaccords dans les analyses des structures de légitimation de la suprématie humaine d'une part et de la justice animale d'autre part. C'est-à-dire que je pense que la plupart des conflits en fait, entre les différentes factions de personnes qui veulent sauver les animaux, ça va être la question de comment est-ce qu'on attaque ces arguments-là et qu'est-ce qu'on devrait faire pour que ces arguments-là soient sollicités et que cette question-là soit posée. Moi c'est ça que je propose, c'est-à-dire que quand on discute stratégie, en fait, le désaccord qu'on a, c'est vraiment sur ces deux choses-là. Et si on est d'accord sur cette structure-là de l'individu comme un individu qui a d'autres intérêts que le fait d'agir absolument moralement. Du coup, j'ai fini, j'ai remis cette image. Ça, c'est l'URL sur lequel il y aura bientôt une bibliographie pour tous les textes que je cite. Ça, c'est des approfondissements qu'on peut explorer maintenant, si vous voulez, sur ce qu'est les collaborations et les désaccords par rapport à l'antispécisme. Qui est-ce qu'on devrait cibler pour la libération animale, et de quelle manière est-ce qu'avec une vision qui considère que les gens sont dominés par leur propre construction sociale, comment est-ce qu'on s'adresse à eux, parce qu'on ne peut pas leur dire ça directement, ils nous disent qu'on croit. Voilà. J'ai pas été dans cette situation-là, mais si toi tu t'imagines une conversation avec quelqu'un qui va défendre ce système-là, t'imagines tout de suite les arguments que tu vas pouvoir donner. il ne va pas du tout te dire il est légitime. Oui, mais c'est parce que dans le système capitaliste, avoir une. Enfin, moi j'ai le droit d'imposer ce que je veux si jamais c'est dans le cadre de la propriété privée, parce que c'est légitime de faire passer le droit à la propriété privée avant le droit à la nourriture. Mais pourtant, c'est la structure du système capitaliste. Et si jamais on inversait l'ordre des priorités, on n'aurait pas le système capitaliste. Et du coup, c'est vraiment. Enfin, moi je considère qu'une vision de, société, ça va être une hiérarchie entre les besoins, quelque sorte. Et du coup, là, typiquement, dans ce cas-là, si on considère les humains comme égaux, c'est juste que le droit à la propriété privée se situe au-dessus du droit à la nourriture. Et moi, c'est pas ma vision de société, moi je considère que la propriété privée, on s'en fiche un peu, quoi. Et du coup, les gens en face, ils vont jamais dire ça, en fait. Ils vont jamais dire que c'est ce calcul de justice qu'ils vont faire. Ils vont tout le temps esquiver la question, parce que c'est dur à dire. Il y a personne, en fait, qui assume de dire... parce que quand les personnes le disent, ils se rendent compte que c'est pas correct de dire. Ils vont tout le temps esquiver la question. Ou alors ils vont te dire que, un truc avec la propriété privée, ils vont tout le temps dire « Oui, mon intérêt à la propriété privée n'est pas ici, mais parce que si moi je l'avais pas, toi tu l'aurais pas non plus, et toi c'est bien pour toi. » Vu qu'il faut que les pauvres ils aient le droit d'avoir une voiture, alors moi j'ai le droit d'avoir une aussi. Et c'est juste des conclusions comme ça qui permettent d'esquiver la justice. Ouais. C'est juste pour rebondir, non, je suis pas tout à fait d'accord, il y a des personnes qui assument totalement cet état de fait, de l'injustice complète, et qui... J'ai pu entendre des témoignages à la radio... C'était une enquête parmi les diamantaires, la humoriste Guillemont qui est sur France Inter, il fait souvent des petites chroniques de Maurice. Merci. Et donc c'était. Donc là, il était au milieu des diamantaires. À un moment, il soulève du doigt, mais les conditions d'extraction, machin bidule, et l'autre, mais à un moment, en face, il a complètement assumé, mais rien à foutre, quoi, rien à péter. Oui, ben, c'est comme ça. Voilà. Et puis c'est pas mes mots, de toute façon, je m'en fous, c'est pas mes mots, quoi. Donc non, il y en a qui assument complètement l'injustice la plus totale. Je ne pense pas que tout le monde soit prêt à avoir un système de valeurs où il y aurait du bien, du juste et puis du mal, de l'injuste. Je pense qu'il y a des personnes qui sont tout en haut, en tant que dominants, et qui sont parfaitement clairs avec ça et que ça leur convient parfaitement. Je ne pense pas que tout le monde est prêt à aller justement dans ce cheminement. La majeure partie sans doute. Mais je suis pas persuadée que ce soit le cas pour moi. Moi, ma principale position, c'est que dire ça devant l'Assemblée nationale, ça passe pas. C'est que cette personne elle prétendait prendre le rôle de prise de décision pour une justice, typiquement devant l'Assemblée nationale, ça passe pas devant l'Assemblée nationale de dire oui, c'est injuste comme ça, mais on continue quand même. Si, ça passe. Il y a plein de trucs où ça passe. Ok. Et après, tu veux répondre? Ok, voilà. Alors, on en avait parlé du positionnement moral des individus dans la société, et en fait, dans beaucoup de cas, c'est ma vie personnelle aussi, à force de pas d'échanger sur le sujet, c'est que ces justifications de la domination, elles prennent place dans un système d'essentialisation de cette domination, c'est-à-dire où on considère qu'en fait, cette domination, elle est naturellement justifiée par des qualités de classe ou des qualités individuelles spécifiques qui font qu'à un moment donné, sa position de domination est justifiée par soi et surtout la position de domination d'autrui est justifiée par leur propre faiblesse, incompétence, incapacité. Et du coup, en fait, c'est un système de justification morale, qui est dégueulasse, mais qui est effectif, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça leur permet de continuer à justifier elles-mêmes des actions qui sont fondamentalement justes. Puisqu'il y a responsabilisation d'un ordre qui est lié. Mais c'est ça l'échec au plus, non ? Oui, non, non. Mais bon, c'était juste pour être. Ouais. Bon, alors, du coup, l'essentiel, c'est. C'est de démonter les arguments bateaux qu'on a déjà démontés mille fois. Et alors du coup, il faut continuer à distribuer des tracts comme on fait d'habitude pour s'attaquer à tous les prétextes habituels. Et du coup, finalement, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est très bien. Moi, ce qui me préoccupe, c'est des environnements. C'est-à-dire que si on va vers quelqu'un et qu'on lui dit cet argument est faux, il va protéger cet argument tant qu'il le voit comme un argument. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire, comment dire, typiquement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du descriptif sans faire du prescriptif. C'est-à-dire de dire, on va dire l'avis d'une vache, qu'est-ce que c'est? C'est soin de l'éleveur, mais c'est aussi, c'est négligence de la part de l'éleveur. Sans conclure que, du coup, c'est des mauvaises personnes, il faut tout de suite arrêter ça. Mais juste de faire que, socialement, pour participer au débat, on va dire, on veut que cette chose-là existe. Un exemple que je disais par exemple, c'est que quelque chose qui est pointé du doigt par les éleveurs, c'est l'opposition entre le monde paysan et les véganes. Il y a une toute petite vignette ici où c'est un panneau que la coordination rurale a distribué à ses membres pour qu'ils viennent sur la situation qui dit sauver un paysan, manger un vegan. Donc cette chose-là, elle ne marche que parce que quand la coordination rurale fait appel à cette idée d'une opposition entre le monde rural et les véganes, ça passe. Alors que c'est pas. Le truc, c'est que si on dit non, c'est pas vrai, les gens en face, ils veulent pas montrer que c'est vrai. Il y a cette idée qu'il faut que socialement, dans même leur milieu à eux, ce soit considéré comme quelque chose qui n'est pas correct. Et un exemple par rapport à ça, c'est qu'on pourrait imaginer que des véganes fassent un partenariat avec des cultivateurs et que ce soit clair que les véganes soutiennent l'agriculture et les cultivateurs. Ils soutiennent juste pas l'élevage. Et ça permettrait de rendre ineffectif cet argument-là qui est ramené. Et du coup, c'est plus de dire aux gens ce que vous dites, c'est pas vrai, ça marche pas. Par contre, de poser des bases de manière à ce que quand la personne va vouloir chercher un argument, il va manquer le soubassement social pour que cet argument soit valide, ça je pense qu'on peut le faire facilement. Et après, j'ai une liste énorme, je crois que c'est là-bas, toutes les choses auxquelles vous pensez qui sont des arguments qui sont ramenés pour défendre la domination animale, ils peuvent être attaqués sans forcément dire aux gens que c'est pas vrai. Enfin, dire aux gens mais c'est pas vrai. Enfin, d'ailleurs, parce que déjà, il y a des gens qui savent que c'est pas vrai mais qui le disent quand même. Et du coup, vous l'avez leur dit, c'est pas vrai, mais ça va pas passer. Comment est-ce qu'on fait pour que socialement ça passe pas? Un truc que je faisais par exemple, c'est. Un exemple, c'est que Interbev va souvent parler de la V12. Il y a eu un sommet de la gastronomie à Lyon l'année dernière, où il y avait des chefs qui avaient comme mission de faire une assiette végétale. Interbev est venu pour coller des feuilles à 4 qui disaient on vous rappelle que le végétal c'est chouette, mais en attendant, le végétal pas de V12, pas de V12, vous allez mourir. C'est pas vrai. Enfin, c'est pas la réalité. Moi, je pense qu'on pourrait typiquement, ma sœur, qui parle avec Internet depuis 2 semaines, avait accepté de solliciter Internet pour leur dire « Faites attention, ces arguments-là sont pas... » Enfin, quand vous dites ça, en fait, c'est une erreur. Mais ma sœur, elle n'est pas du tout antispéciste. C'est juste que, comment est-ce qu'on fait pour que les non-antispécistes reprennent nos arguments parce que simplement, ils considèrent que leur intérêt à pas dire des trucs complètement débiles est plus important. Mais ça veut dire qu'il faut que nos arguments à nous, il faut qu'ils soient plus identifiés comme des arguments véganes, il faut qu'ils soient identifiés comme quelque chose qui existe en quelque sorte. Et c'est ça, enfin, c'est vraiment ce que. Moi, ça m'avait beaucoup surpris quand Yves Bonardin avait parlé de cette idée que les gens devant la machine à café, une fois qu'ils ont vu les vidéos de la 114, s'il y en a un qui dit oui, mais les animaux sont sensibles, tu vas faire non, on a vu ce qu'il y avait à la télé. Ce que tu dis, c'est des bêtises, même si la personne n'est pas antispéciste. Et du coup, c'est cette idée étrange de faire que les individus deviennent nuisibles pour la suprématie humaine sans pour autant le vouloir en quelque sorte. Et juste parce que eux, ils se rendent pas compte que c'est un projet politique, mais ils considèrent que cet argument-là, en fait, il n'y a pas de raison de l'amener. Et c'est ce qui s'est passé pour finir c'est Thomas Le Petit qui parle de ça, il dit que la sensibilité, le fait que Descartes disait que les animaux n'étaient pas sensibles à ce moment, quand il a écrit ça, en fait, au moment où il a écrit rapidement, il y a plein de gens qui ont dit qu'ils étaient contre. C'était pas des antispécistes. C'était des gens qui considéraient juste que ce qu'ils disaient, c'était pas vrai. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que nous, on peut prendre la société pour faire qu'elle nous aide à affaiblir ces arguments-là sans que ce soit par motivation antispéciste. Et là, t'as pas la réponse. Tu fixes juste l'objectif. Après, il faudra que je reprenne. Si je reprends les trucs dont... Ça, là, tu vois. Par exemple, l'artificialité du vegan, le fait que la nourriture vegan c'est quelque chose qui est créé à partir de rien et qu'en gros il y a des gens qui eux aiment la bonne bouffe et qui aiment les traditions et les choses qui sont bien faites et il y a les vegans qui acceptent de manger des graines. Ça c'est quelque chose qui va être, il y a une scission qui va être faite de manière à ce que je serais vegan si j'acceptais votre bouffe dégueulasse. Et du coup moi je pense que ce serait vraiment intéressant de faire que, comment est-ce qu'on fait pour que sur un plateau télé, quand quelqu'un va dire, de toute façon, les véganes, ce qu'ils bouffent, c'est loin des traditions, ça n'a rien à voir avec nous, votre soja, il est toujours importé de l'Amérique du Sud. Comment est-ce qu'on fait pour que quelqu'un qui n'est pas antispéciste se dise tout de même, en fait, ça, c'est pas vrai. Et c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut que ces faits-là soient présents quand même assez fortement dans la société. Et on peut imaginer, après, c'est des réflexions qui sont complexes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Du coup, j'ai parlé de la capacité. Quelque chose de très simple pour l'interdit alimentaire. C'est très bénéfique pour les éleveurs de nous présenter comme des personnes qui, en fait, comme les musulmans et comme les juifs, sommes des personnes qui avouent les interdits alimentaires. Juste, c'est pas pur, du coup, je ne la mange pas. Ça fait que 269 lettres de libération animale, quand ils vont faire les intrusions, ça va quand même titrer des antiviandes s'introduisent dans un abattoir. En mode, on est allé à la fin de la chaîne de l'abattoir, on a empoisonné les gens, parce que vraiment la viande, on n'aime pas. Et en fait, tant que cette chose-là elle est mise, on vit dans une société où c'est pas bien d'interdire aux gens de manger quelque chose, les gens ils mangent ce qu'ils veulent, et on nous le dit souvent. Et en fait, tant que les gens ils penseront à l'antispécisme comme un projet d'interdit alimentaire, ou qu'ils se sentiront utiles de faire référence à ça, ils pourront esquiver la question. Alors que si jamais c'est clair que moi je le fais, bon, ça m'énerve quand les gens parlent de vous. Il y a un peu cette idée, non, mais on n'est pas en train de parler de nourriture, on est en train de parler des individus. Et du coup, si jamais, quand on pose la question de l'abattage, c'est clair pour la personne que si elle va dire oui, de parler de la viande, ils disent non, mais c'est t'invente complètement en fait. C'est pas du tout moi qui le dis, t'invente complètement ce que tu dis. Ça nous permet de passer à la vraie discussion. Quel objectif en fait? Quel objectif de comment est-ce qu'on arrive vraiment à la vraie discussion? Comment est-ce qu'on fait sentir à la personne que ce dont elle a à se justifier, c'est pas le fait de manger de la viande, c'est pas le fait de la méduse après machin, c'est pourquoi est-ce qu'elle fait passer les intérêts fondamentaux des animaux après. Oui. Tu vois, c'est un exposé passionnant. Je te ferai quand même le reproche que tout le monde a envie de te faire. Tu devrais parler plus vite, là, franchement. Bon. Là, à mon avis, où le bas blesse, c'est que tu présentes un peu nos adversaires comme des individus rationnels. Or, tu parles très bien de l'intérêt trivial. Et moi, je pense foncièrement, de façon pessimiste, j'ai tort sûrement, que les individus sont des individus de caprice, malheureusement, moi je ne parle pas de la société politique et ce qu'on peut leur faire structurellement, et que déconstruire les arguments les uns après les autres, comme nous faisons tous avec plus ou moins de fortune, ne va pas vraiment opérer ce mouvement de bascule, parce que quoi qu'ils disent, ils savent qu'ils disent faux, ils ne le savent pas, ils n'ont pas réfléchi. C'est l'intérêt trivial qui importe, c'est le caprice. Et quand tu reviens dans le pelletier à quelqu'un comme mon frère, pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'amour, à un moment donné, quand il dit si on pense réellement qu'il faut être vegan, et qu'après tu vas dans un petit truc qu'il a, un petit interview, il dit bon, en fait, la vérité, c'est que j'adore la viande, hein, j'aimerais pas m'en passer. À un moment donné, le bas blesse ici, tu vois. Je vais faire un. Je vais juste répondre là. Ouais. Je vais laisser. Je vais répondre à ça. Ce qu'on ne doit pas prendre tous les individus comme ayant le même impact sur les animaux. C'est-à-dire que, effectivement, quelqu'un qui dit oui, selon la morale, je ne devrais pas manger des animaux, mais je le fais quand même, il est assez inoffensif par rapport à quelqu'un qui, lui, va véritablement aller sur les particuliers pour dire mais non, regardez comme c'est correct de manger des animaux. Et du coup, mon frère, il est désagréable, mais si tous les gens étaient comme mon frère, du coup, on dirait oui, si on votait les lois, il faudrait qu'elle soit comme ça, mais moi je mange des animaux. Mais en fait, la question, c'est pas si les gens en mangent, c'est si les gens ils veulent politiquement leur donner des droits. Et mon frère, si jamais il était mis devant la question est-ce que vous voulez leur donner des droits ou pas, il devrait changer de discours s'il voulait ne pas le faire. Son discours implique qu'il va leur donner des droits. Moi j'ai l'impression, enfin, c'est vraiment là-dessus que j'ai basé mon militantisme, et d'une façon c'est développer le mouvement antispéciste, que derrière le truc trivial de gêne la viande, il y a en fait cette affirmation que les intérêts triviaux des humains doivent primer sur les intérêts fondamentaux des animaux, car c'est la défense d'un ordre social. Le gêne la viande, il est bidon. Ce qu'il y a derrière, et de fait qu'il est effectivement vécu par des gens comme tels, qu'ils aiment la viande, etc. Et que ce qu'il y a derrière, c'est la défense d'un ordre social hiérarchisé, hiérarchique, qui pose l'humanité comme le seigneur de la terre et les animaux comme des esclaves, et que c'est vraiment ça qui joue. Et c'est pour ça aussi que c'est super important de mettre en avant cette question que toi tu dis, qui est la question de fond, c'est comment on peut défendre que les intérêts privés des animaux passe après les intérêts fondamentaux des animaux, passe après les intérêts des animaux, parce que c'est ça qui fonde cet ordre social-là, et c'est ça qui est sans cesse masqué, qu'on ne peut pas mettre au clair, parce que sinon, du coup, ça détruit un peu l'opération de psychosociologique de mise en avant des intérêts humains, enfin, de la valeur, de l'exceptionnelle valeur de l'humanité. Parce que ça montre le processus par lequel c'est mis en place, c'est-à-dire par une sorte de. Par la domination, par la non-prise en compte des animaux et par la mépris des animaux, etc. Et moi, j'ai l'impression un peu toute la stratégie depuis 25 ans de l'antispécisme, ça a été effectivement d'empêcher les esquives sur la question de la viande, notamment parce qu'elle est au centre de la domination humaine, c'est le symbole fondamental de la, justement de ce mépris des autres animaux et du fait qu'on fait primer des intérêts privés. Ça a été refuser toute possibilité d'esquive en mettant sans cesse au centre la question des intérêts des animaux, en refusant de parler ou en tout cas de donner une place importante aux intérêts autres liés à la, par exemple à la critique de la viande, des arguments écologistes, de santé humaine, carbonistes, de l'élevation spirituelle, que sais-je encore, et de quand on se la tête pour la pollution de pratique, de parler des intérêts des animaux en priorité. Qui ne se faisait pas avant, etc. Et ça, je trouve que c'est juste effectivement ce que tu dis, que c'est un truc qu'on a fait dès le départ, parce qu'on s'est rendu compte avec l'adoption de l'agence pour faire des animaux, par exemple, on s'est rendu compte que les gens faisaient tout pour éviter la partie pour ne pas tuer les humains. Il y a des gens qui me disaient, ah oui, moi c'est comme vous, la viande c'est un vrai poison. On ne disait pas du tout ça, il y avait un refus de ça, et donc on a mis la distinction. Et je pense que fondamentalement, ce qui se joue, c'est ce maintien d'un ordre social, hiérarchiste, militaire. C'est là-dessus, c'est ça qu'il faut visibiliser. Il faut visibiliser le fait que la viande, c'est un symbole de domination, c'est un truc qui crée de la souffrance et des torts considérables, et qui est fait pour ça. Qui est fait parce que c'est ce qui va nous donner de l'importance en tant qu'humain à l'encontre des autres animaux. Quand il va y avoir des débats sur la viande de culture, la viande non vitro, la viande ménia, qui s'appelle contaminante, je pense que ce qu'il faut mettre en évidence, c'est que les gens ne veulent pas de cette viande non vitro parce qu'elle n'est pas fondée sur l'exploitation animale, sur le métier des autres animaux, etc. C'est exactement ce que dit Perico Legas. Il dit quand bien même la viande serait aussi bonne, moi je fais une viande qui a vécu dans un pré et qui est nécessité pour lui. Il le dit. Tu as une question ? Moi, c'est un peu pour rebondir sur l'aspect aussi rationnel, que la rationalité elle est parfois mise à mal dans le développement de ce type d'argumentation. Dans la mesure où l'individu est aussi confronté face à son passé, il a un mécanisme de défense aussi de son passé. C'est jusqu'ici, moi, je fais comme ça. Et comment justifier que c'est désagréable, hop là on va essayer de skier. Ouais. Et je veux juste répondre à ce que tu disais, Olivier. Moi je pense que ce serait intéressant d'avoir une discussion là-dessus justement. Est-ce qu'il y a un intérêt psychologique à dominer les animaux, ou est-ce que cet intérêt psychologique est uniquement en tant que, avec cet intérêt psychologique-là, c'est la preuve qu'on va pouvoir les dominer matériellement. Enfin, avec le sexisme, je me pose aussi la question, je suis pas très clair, ça me paraît une question, je pourrais pas vraiment expliquer pourquoi, Ouais. Il y a un argument simple que j'ai très peu entendu parmi les véganes, mais que les hygiénistes savent, c'est que les produits animaux sont tout simplement acidifiants pour le corps. Donc les protéines de lait sont soufrées, elles acidifient les os et génèrent l'ostéoporose. Les intestins humains sont beaucoup trop longs pour digérer les protéines carnées, ce qui fait qu'elles putréfient dans les intestins. On n'est pas fait pour les viandes. Donc voilà. Non, mais je veux dire. 80. On en revient à ce que dit la critique qu'au pays d'hiver on va faire de son droit de libération animale en disant oui mais pour la cigarette il faut y aller petit pas par petit pas. On n'est pas dans la question de comment dire, même si on avait. Moi je vais postuler qu'il y a des intérêts humains matériels à dominer les animaux. Peut-être que c'est pas là, donc peut-être que ce sera, se faire des colliers avec des cornes de vache, j'en sais rien. Ce qu'on. peut-être que ça en revient à toi, ce que tu proposes, c'est aussi d'attaquer ça. C'est-à-dire que toi, ce que tu proposes, c'est oui, mais les gens, ils ont des intérêts matériels. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller contre ces intérêts matériels et devenir les animaux? Mais moi, ça me paraît un travail colossal parce que tu vois bien comment ils galèrent avec, avec la cigarette, par exemple. Et surtout, on va pas du... pour moi, c'est pas un travail contre la suprématie, puisque tu dis juste ne dominez pas les animaux, pas en tant qu'ils font. Ils font pas aussi la catégorie petite qu'on peut dominer, mais en tant que ça va. Que vous, qui sont les personnes dont on se soucie, vous allez être blessés, s'il vous plaît, ne vous faites pas de mal. Et c'est la même chose, c'est les mêmes raisons qu'on est, enfin, on pourrait arriver à ça, mais c'est les mêmes choses qu'on met aux lois contre la cruauté, qui ont été merveilleuses pour les animaux, mais qui en fait n'ont pas marqué un quelconque changement politique par rapport au jugement par rapport à la gestion des conflits, vu que c'était la logique politique était encore, on ne fait pas passer des intérêts triviaux des humains avant des intérêts fondamentaux des autres humains. Et pour moi, tant qu'on touche pas à cette question-là, on va forcément... Moi, c'est ce que je dis souvent, ça veut dire que si jamais on se rend compte que demain, broyer de l'œil de vache, c'est très très bon pour la santé, ça fait qu'on se remet à broyer de l'œil de vache. C'est très très risqué comme tactique, parce que t'es à la merci d'un renversement qui, en fait... la nature a pas décidé que c'était mauvais pour la santé de tuer des animaux. Il y aura des cas dans lesquels tu vas négliger des animaux et ce sera très très bien pour toi. Et du coup, moi je préfère compter sur cette idée de la gestion des conflits. Mais du coup, toujours en termes de stratégie d'action, là, ce qu'on voit, c'est que du fait de l'intérêt matériel et psychologique, les arguments stupides, ils arriveront toujours. C'est-à-dire que du fait de leur intérêt psychologique, ce sera toujours une possibilité d'esquive. Et donc, en fait, ce que tu proposes, c'est de créer un système de validation sociale. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que tu partes du principe qu'ils disparaîtront, ces arguments, et qu'on puisse les faire disparaître efficacement, mais que le principe, c'est de faire en sorte qu'ils ne puissent plus être validés socialement. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse avoir une forme, pas contre les institutions, mais qu'à un moment donné, notre parole antispéciste soit suffisamment forte pour qu'elle puisse créer un contrepoids de la validation sociale. Mais pour avoir cette ampleur-là, comment est-ce qu'on fait déjà de base, quoi? Parce que ça veut dire qu'il faudrait un nombre, ça veut dire qu'il faudrait avoir accès à certains organes de parole. Comment on fait? Un point très important, c'est qu'en fait, ces arguments-là, ils s'appuient sur le vide, principalement. C'est-à-dire, ils s'appuient sur le fait que, typiquement, quand Francis Bosch parle du sanglier, il s'appuie sur le fait que c'est pas tant que... c'est que les gens, ils ont dans leur imagination, il n'y a pas cette idée de la tutelle. Et du coup, c'est vrai, qu'est-ce que nous, on peut faire pour que... Moi, je prends ce que je prends souvent comme exemple, c'est les enfants qui ne sont pas scolarisés. Les enfants qui ne sont pas scolarisés par leurs parents, les parents ne leur disent pas lis ça. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont leur créer un environnement où quand l'enfant va se dire j'aimerais bien lire, j'aimerais bien avoir des images, ça va être vers des documents que les parents ont jugés comme bénéfiques pour l'enfant. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que effectivement, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les gens sollicitent moins des arguments prospécistes et qu'ils aient plus des idées d'arguments antispécistes. Typiquement, après il y a des trucs qui sont simples, par exemple, pas parler d'environnement, pas parler d'interdit alimentaire. Quand on parle d'interdit alimentaire, on est en train de rapprocher cette idée-là de ce truc-là. Et après, effectivement, si on avait des organes de presse, le fait qu'il y ait Audrey Garic qui va parler de ce truc-là, de libération animale, comme une association de libération animale, c'est une grande chance. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'elle a des intérêts? Est-ce qu'elle a des exclusivités? Ça, c'est de la communication, mais je ne sais pas si j'arrive à te poser. Oui, non, mais... Non, mais simplement, on ne fait pas le temps en termes de rapport de pouvoir, quoi. Mais juste les rapports de pouvoir, comment dire? Ce qui compte, c'est pas tant d'être plus fort, en fait. Mais je vois ce que tu veux dire. Bah, après, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de pouvoir à ce niveau-là? Oui, c'est une question. Donc j'imagine que dans ce qui pourrait être mis en œuvre, par exemple tu parlais de, là on va prendre quelque chose de très concret, assez facile, tu parlais de la B12, donc c'est tout ce qui en fait touche à la faisabilité d'être en santé avec une alimentation végétalienne, ce qui a été fait aux États-Unis avec un corps de médecins qui a lancé en fait sa propre institution pour des recommandations plant-based, donc végétaliennes, qui fonctionne assez bien. Et là, je crois qu'en France, j'avais été contactée, il y a un projet par un collectif qui veut faire publier dans qui veut travailler avec Lance pour produire des PNNS, je ne sais pas précisément ce que ça veut dire. Le PNNS, c'est le Programme National Nutrition Santé, qui décrit les prescriptions alimentaires en vigueur dans les cantines françaises ou dans les instituts. Voilà, donc, et d'avoir un volet végétalien là-dessus qui serait certainement, bah, dans ce cas justement, de démanteler ce que tu expliquais, de créer un environnement où en fait c'est faisable. Donc bon, bah là, ça, c'est juste un aspect, mais ça, c'est quelque chose de faisable. Mais effectivement, comme tu disais, Adriane, bah, nous, on n'a peut-être pas tous, on ne travaille pas dans ces domaines-là. On est confrontés aux lobbies industriels qui, eux aussi, fournissent leurs propres documents en quoi c'est être en santé de manger de la viande, etc. Donc, mais ce serait ce genre de choses, enfin, j'imagine. Et je pense qu'on a beaucoup de questions à poser sur nos stratégies aussi, dans le sens où il y a beaucoup de choses que si on ne les faisait pas, nos arguments seraient déjà plus forts. Moi, par exemple, j'ai vu la page sur le véganisme sur le site de PEA, elle est impressionnante parce qu'elle est extrêmement informative et elle commence pas par la morale, la morale, la morale, elle finit pas par la morale, la morale, la morale. Je peux l'envoyer à quelqu'un qui va manger de la viande, qui va être en faveur de l'exploitation animale, on présente ça comme une page d'information. La personne sait que c'est du prosélytisme, mais la personne peut le lire et son intérêt psychologique à penser qu'elle est une personne merveilleuse ne va pas être blessé par rapport à ça. Et il y a beaucoup de choses dans la manière dont nous on va parler qui peut aider par rapport à ça. Parce que le truc, c'est qu'il faut que ces arguments soient présentés, mais s'ils sont présentés déjà comme des arguments les gens identifient comme c'est ce que disent les végans, ils vont se sentir extrêmement légitimes de ne pas les écouter. Les éleveurs, ils font ça, ils disent vu que c'est des végans qui disent ça, du coup, juste le fait de dire que c'est des végans qui le disent, ça suffit pour. Ça justifie le fait de ne pas écouter. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour que, justement, si ça vient d'une agence ou d'une gouvernementale, il y a une légitimité qui vient de ça. Mais du coup, ça, à titre d'information, et après, c'est là où c'est compliqué, cette information, prosélytisme, il y a des gens qui veulent. Mais c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec en 2015, l'Organisme Mondial de la Santé, par rapport aux viandes cancérigènes, tout ça. Ça a pris un crédit quand même, enfin, qu'on n'avait pas pu atteindre jusqu'à présent. Oui, oui, oui. Mais ça reste un argument santé. Ouais. Je pense qu'il manque en fait une case importante, c'est l'intérêt supérieur du capital. Parce que lui, cet intérêt-là, il détermine beaucoup de choses. Et si on ne prend pas en compte l'intérêt supérieur du capital, on se prive de pouvoir avoir une réflexion qui soit vraiment offensive. Je ne sais pas quelle vision tu as du capitalisme, moi j'en ai une qui est bien particulière, mais je considère qu'il n'y a pas le capital en lui-même, il n'a pas de pouvoir en lui-même, il a du pouvoir juste parce que en satisfaisant le marché, il donne du pouvoir à des gens. Et donc il y a pas. Les gens ils veulent pas de l'argent parce que c'est de l'argent. Enfin, ils veulent pas des bouts de papier avec des trucs dessus. Ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir que ça implique. Et du coup, l'intérêt du capital, c'est les intérêts réunis des individus en tant qu'ils peuvent bénéficier du marché. Mais après, ça dépendra de l'objet du capitalisme. C'est pour ça que moi, je vais considérer que ce que tu appelles l'intérêt du capital, je vais considérer qu'en fait, on peut le dire ici. C'est, personne n'a un intérêt à avoir de l'argent, mais les gens ont un intérêt à avoir des choses, et ces choses-là, ils peuvent savoir qu'on a l'argent. Donc, ils ont un intérêt à avoir l'argent, mais il n'y a pas d'intérêt intrinsèque d'avoir l'argent. Mais on n'a peut-être pas la même vision sur ce que le capitalisme, c'est à partir de là. Mais j'entends ce que tu dis, et je suis d'accord qu'il y a un pouvoir économique qui ne doit pas être. Moi j'ai l'esprit moins clair que toi. J'apprécie bien le très clair, mais bon, c'est un peu moins. Ce que je veux dire, c'est que ce que je vois comme essentiel pour l'humain, c'est le besoin d'être en groupe, de convivialité, et parce qu'il a besoin de ça, il est prêt à passer sur plein de choses, sur les droits des animaux surtout, pour que ça soit satisfait. Et par exemple, pour les éleveurs ensemble, il y a une communauté d'éleveurs et ils ont une sécurité entre eux, des accords, ça donne une sécurité, parce que d'être tout seul, c'est un peu plus dur. Mmh. Voilà, c'est surtout ça que je veux dire. Pour moi, c'est ça le besoin essentiel, c'est que la collectivité d'être dans un groupe où on est d'accord. Alors, c'est bien, moi je trouve ça bien qu'il y ait les estivales et tout, pour qu'il y ait des gens qui puissent se fédérer pour se donner de la force, chacun et la force de groupe, et puis après, discuter avec les autres pour le respect du droit des animaux plutôt que des droits triviaux humains. Enfin, j'ai pas tout compris ce que tu as dit, mais en gros, c'est ça. Et oui, ça éclaircit parce que les autres, ils ont besoin que ça soit reconnu qu'ils ont besoin d'être ensemble. Et donc, c'est bien d'arriver sur ce niveau-là pour discuter avec eux. Oui, je sais pas. Par rapport à ça, moi je trouve qu'il y a une certaine stratégie dans le mouvement animaliste qui va être de dire que les intérêts que les gens ont avec les structures animales sont des mauvais intérêts. Et que du coup, la viande c'est pas si bon que ça, ou la tradition en fait on s'en fiche et tout. Et moi je considère qu'effectivement c'est pas une super bonne stratégie parce que les gens c'est effectivement des choses qu'ils ressentent. Et les éleveurs ils ont effectivement un plaisir à élever. Et quand on parle d'imposition, ils ressentent que c'est ce plaisir-là qu'on va leur enlever. Et du coup, nous si on caricature leur plaisir en disant mais c'est juste un plaisir de faire souffrir de la cruauté, ils vont tout de suite sentir qu'on ne fait pas partie du même monde qu'eux en fait. Et ils vont sentir que, enfin, il y a d'autres manières de prendre soin d'animaux que de les élever, mais eux là, ils sentent très bien que, enfin, quand on parle d'abolition de base, ils pensent que leur métier est terminé et qu'ils ne pourront plus jamais être en contact avec eux. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait pour dire aux gens, oui, on va contre vos intérêts, mais on reconnaît vos intérêts comme des choses qui vous touchent et on comprend quoi. Et tous les végans ne sont pas des gens qui sont d'accord pour rien, enfin, qui n'ont aucun intérêt à la convivialité. Il y a, on trouve une autre convivialité. Il n'y a pas juste, de toute façon, tu serais tout seul si tu mangeais végan, et bah, du coup, vas-y, fais-le parce que nous, on est tous, les gens végans, ils s'en fichent de tout seul. Quoi. Non, on a aussi un intérêt à ce groupe-là, c'est juste qu'on l'a trouvé ailleurs. Ouais. Non, mais justement, à mon avis, il y a un aspect là, parce que au fond, tu réfléchis à comment est-ce qu'on fait, quelles stratégies on adopte, et à mon avis, il y a quelque chose dans le monde francophone, dans le monde français, qui est assez spécifique, c'est qu'on a une tradition religieuse qui est, au fond, catholique, à 98%, quelque chose comme ça, et ça, je pense que ça joue sur la perception qu'on a en France de ce que c'est que de communier autour d'un plat, et je pense qu'on ne peut pas aborder les choses de la même manière qu'en Allemagne où coexistent des protestants et des catholiques, ou encore pire aux États-Unis où coexistent des mormons, et ça fait un contexte social dans lequel cette question de la convivialité ne peut pas être traitée comme ça de manière par-dessus la jambe, parce qu'en fait, c'est pas un intérêt illégitime que d'avoir un groupe dans lequel il y a une forme de partage autour de choses communes, comme l'alimentation, le moment en fait, comme ça, de communion en fait. Et je pense qu'il y a tout un déficit. Enfin, moi, je ne sais pas comment réfléchir à ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire en France de spécifique par rapport à ce qui se fait aux États-Unis ou ce qui se fait en Allemagne. Parce que ça, c'est une question qui pour nous est beaucoup plus difficile. Oui, enfin là, ce que tu dis, c'est qu'il y a un intérêt à la convivialité qui fait que notre société est particulière à ce niveau-là. Mais ce que je dis derrière, c'est au-delà, il faut quand même réfléchir dans le discours, qu'est-ce que ça implique dans la manière que tu as de parler en fait de la viande, en fait, par rapport à la manière que tu as de parler de la viande et du fait de manger ensemble. Ouais. Tu veux dire que de reprendre mot pour mot les arguments des États-Unis, c'est un peu oublié la spécificité. Ils ont d'autres problèmes. Ok. Ouais, du coup, je pense aussi que quoi qu'il arrive, quand on s'adresse à nos entre guillemets adversaires, c'est hyper important de leur faire sentir qu'on les comprend. Oui. Et la communication non violente, moi, ça me paraît vraiment nécessaire aussi. Voilà. Et du coup, pourquoi ne pas parler de ça, justement, parler de la convivialité, de tout ça, qu'on est conscient de ça, des intérêts psychologiques d'abord, que l'autre se sente entendu avant de passer à les discours qui n'est pas sur la viande etc. Mais qu'il entende bien que cette partie de vie très importante est entendue, que nous-mêmes on l'a vécu. Que c'est amené aussi à remettre en question éventuellement son enfance et ses parents qui faisaient comme si et ses grands-parents, etc. Et que tout ça on en est très conscient. Mais qu'après il y a les faits et qu'on peut informer. Voilà. Moi, ça me surprend toujours quand tu vois sur des groupes anti-vegan, mais du coup, viens dans ma ferme et tu verras qu'ils sont bien traités mes animaux. Ma grand-mère, mon père, il est né dans une ferme, Et ma sœur, elle va dire, elle va s'imaginer que tu ne peux avoir cette vision-là que si tu oublies ce qui se passe dans la femme. À accepter que tu es déconnecté de ma réalité. Et effectivement, il y a vraiment cette aliénation. Plus les gens peuvent aliéner les véganes, plus c'est facile pour eux de dire que si vous pensez ça, c'est parce que vous ne comprenez pas ce que je ressens. Et moi, je trouve que c'est super important. Enfin, si on utilisait les mêmes mots, moi, c'est ce truc du calcul de justice, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les éleveurs qui disent « oui, mais la biodiversité, notre travail, machin », et de côté, il y a nous qui disent « oui, mais les animaux comme ça, machin ». Et du coup, on parle que de ce qui est bien, alors que moi, je trouve que ce qui est essentiel, c'est de dire non, on sait qu'il y a deux choses à peser. Il y a le mal que ça va faire si on enlève l'élevage, et le bien que ça va faire. Et il faut que les gens fassent cette conscience qu'on connaît très précisément, peut-être même mieux que le mal que ça va faire. Si on était capable de dire, si tu commences un discours sur l'abolition de l'élevage, en disant, en France, il y a tant d'éleveurs, ça représente tant de trucs, il y a beaucoup de la gastronomie qui est basée là-dessus, machin, mais nous, on porte un projet de société où on veut, on pense que c'est plus important la vie des animaux et qu'on est prêt à accompagner les gens pour que ces intérêts-là ne soient pas abandonnés, mais satisfaits sans la vie des animaux, c'est très très dur en face de t'aliéner, en fait. C'est très très dur en face de dire, c'est un truc qui vient des États-Unis, Je pense aussi que les gens, leur besoin est essentiel, puisqu'on parlait de quel est leur intérêt. Quoi. C'est avant tout l'amour, c'est se sentir aimé, je pense. S'il y a autant de gens qui se trompent, en fait, en consommant, en étant à fond dans la société capitaliste, parce qu'ils essaient de se nourrir de choses d'amour, en fait, qu'ils n'arrivent pas à trouver ailleurs. Mmh. Et quand tu as une ouverture et que tu essaies de les comprendre d'abord, que tu leur donnes de l'amour par ton écoute d'abord, avant de leur balancer tout de suite ce que tu es censé savoir, tes arguments, etc., ça change tout. Et peut-être. C'est juste un truc très rapide. Un truc que je disais par exemple, c'est qu'imaginez ce qui se passerait si partout dans la France, il y avait des autocollants marqués vous êtes éleveur, vous voulez arrêter, parce que ce numéro-là, on vous aide. ça fait que du coup, les gens, ils sont. Enfin, et avec vraiment, pas forcément dire que c'est légal, c'est juste organisation pour la conversion à une alimentation végétale, sans forcément dire que c'est. Ce serait plus possible que les gens disent on nous abandonne et tout machin. On dirait, mais t'as essayé d'appeler le numéro pour voir ce qui se passe là. Et du coup, ça ferait que les gens, ils sentiraient qu'on les. Enfin, nous, c'est un intérêt purement politique. Hein. Mais pour eux, ils sentiraient que si jamais ils doivent lâcher, il y a des gens qui sont là pour les aider, ils vont pas être tout seuls. Déjà qu'un travail d'éleveur, c'est un travail extrêmement solitaire. Si en plus on leur dit t'es solitaire, en plus t'as plus de travail. C'est vrai que ces choses-là, moi je pense qu'il faut qu'on leur fasse comprendre que, un peu là, ce que disait David Olivier, qu'en tant qu'être humain, on reconnaît leurs intérêts et ils comptent pour nous. Et c'est pas qu'on est contre leurs intérêts, c'est juste que. Mais c'est vrai que c'est super important à dire. Quoi. Du coup, tu voulais Peut-être que si les gens se vexent quand on leur dit d'arrêter la. Enfin, que c'est pas si important la convivialité, moi je vais dire, etc. C'est parce qu'on compare, on leur dit ça c'est un intérêt trivial et on compare avec les intérêts fondamentaux des animaux. Et du coup ils se disent, mais non, c'est pas si trivial que ça. Oui, oui. Et tout à l'heure, Yves a fait un lapsus qui était vraiment trop bon, t'as parlé des intérêts triviaux des animaux. Et je me dis, qu'est-ce qui se passerait si on se mettait à dire que les intérêts triviaux des animaux valent les intérêts triviaux des humains? Du coup, il n'y aurait plus la compétition intérêts triviaux, intérêts fondamentaux, donc peut-être qu'il y a moins de raisons de se vexer. Et à partir du moment où on commence à parler des intérêts triviaux des animaux aussi, finalement, c'est quoi les intérêts triviaux des animaux? C'est ce qu'ils feraient, qui ne les maintient pas en vie, mais ils font quoi finalement qui n'est pas. Peut-être que nous, on est dans une sorte de productivité de ouf qui fait qu'on produit tout un tas de trucs inutiles, alors que les animaux sont beaucoup moins là-dedans. Donc, finalement, c'est parler des intérêts fondamentaux des animaux. C'est pas faire comme si eux, comme nous, avaient des intérêts triviaux, et finalement, je vois pas trop ce que ça pourrait être. Quand je dis, moi je suis très insistant sur ce truc de trivial et fondamental, parce que c'est un peu, il y a un spectre en fait. Et du coup, il y a, comment je pourrais dire ça? Mais je veux dire, que c'est arranger, ne pas être torturé, ne pas être enfermé, et ne pas, tu vois, ne pas être mis à mort, finalement les animaux, ils n'ont pas besoin d'avoir des droits triviaux comme nous, on aurait le droit de, je sais pas, de d'autres. Ça se discute justement. C'est-à-dire que la catégorie politique des. Enfin, moi je m'intéresse à ce truc de fondamental parce que la catégorie politique des animaux, c'est la catégorie dont on peut négliger les intérêts fondamentaux. Alors qu'entre nous, les humains, on a des intérêts triviaux et après on va avoir une vision de la justice. Mais c'est quoi les intérêts triviaux des animaux? Il y en a plein. Enfin. Disposer d'un toboggan? Ouais. Mais ça, c'est pas être enfermé en fait. Non, mais par exemple, il y a énormément d'animaux qui aiment jouer, il y a énormément d'animaux qui sont. Il y a énormément d'animaux qui ont besoin, je sais pas. C'est pas fondamental. Non, justement, en fait, quand je dis fondamental, c'est cette idée que. Oui, ça on veut dire, c'est pas quelque chose qui assure leur survie. On va pas mourir parce qu'on arrête de jouer. Enfin, mais bon, c'est un enfant, c'est qu'il empêche de jouer, il a vraiment du mal à se développer quand même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de supprimer la catégorie politique des animaux et de calquer les interactions animaux-humains sur les interactions humains-humains. Donc, quand je vous dis intérêts fondamentaux, enfin, quand je vous dis que d'entre les humains, il n'est pas légitime de faire passer des intérêts triviaux des humains avant d'intérêts fondamentaux d'autres humains, vous voyez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que, il y a des. Et c'est même la définition de triviaux et fondamentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses, l'envie de jouer, je ne pourrais pas la faire passer devant l'envie de quelqu'un de ne pas être dans une cage, tu vois. Si j'aime bien jouer avec les gens qui sont dans des cages. C'est-à-dire que. Non mais, j'ai pris ça comme ça. Et en fait, c'est. Il y a un spectre des intérêts, des choses qu'on va considérer comme vraiment fondamentales, c'est-à-dire qu'on imagine que ça provoque une souffrance énorme si jamais c'est pas satisfait, et il y a d'autres choses, où par exemple, si t'aimes bien écouter de la musique avec tes enceintes, et peut-être que moi je suis à côté, je vais dire, moi j'ai un autre intérêt trivial qui est celui de dormir avec du silence, et du coup on va discuter, c'est lequel de ton intérêt qui est le plus légitime par rapport au mien, mais on a sociétalement, entre les intérêts triviaux, c'est plutôt des trucs qu'on discute interpersonnellement, alors que je vais pas être en colloque avec toi si je pense que tu es prêt à faire passer tes intérêts triviaux avant mes intérêts fondamentaux. Je me sentirais pas en sécurité. Oui. Ouais. Oui, quand tu as parlé de ce numéro vert, j'entends, je trouve que rapidement, c'est presque une bonne idée. Mais parce que, au moment où tu en parlais, tu me disais effectivement que le fait de manger de la viande, il y a un côté un peu addiction, c'est-à-dire c'est un produit qui brouille un peu certaines neurones, les neurones du plaisir, et qui le fait croire en fait que ça doit... C'est pareil pour la nicotine, pour l'héroïne, etc. Et puis il y a aussi un petit côté, pour la viande, je pense, mythologie, enfin Barthes a écrit sur le steak frit, etc. Donc c'est vrai que quand on mange un steak, on mange aussi 5 steaks de lutte populaire pour avoir la viande, Henri Gall, la poule rouge, etc. Enfin, voilà, et on retrouve au début du socialisme, début du XXe siècle, des revendications pour que les ouvriers puissent manger de la viande, etc. Voilà. Et puis il y a aussi un petit côté, je pense, Madeleine de Proust, c'est-à-dire que. Quand tu manges, le mec qui est tout seul et qui mange des brochettes, et ça lui évoque en fait tous les moments conviviaux, etc. Quoi. Donc effectivement, moi je pense qu'il y a vraiment un truc à faire pour un groupe d'activistes, je ne sais pas quoi, c'est de, je ne vais pas dire quoi faire, mais d'isoler quelqu'un, on va dire, un carniste, etc. Et de lui faire un peu comme ce que font les gens qui sortent des gens des steaks et tout ça, quoi. Et puis après, une fois qu'il est converti, de faire témoigner, je pense que... Non, mais on trouve le gars, il n'y a plus de charlatan qui aime la viande et qu'on le transforme en vegan et qu'on fasse témoigner. Ça a été très important dans la lutte contre la guerre d'Algérie, contre la lutte contre la guerre au Vietnam, la lutte contre le nucléaire, des gens qui étaient dans le système, qui en profitaient, qui en vivaient, etc. Puis qui à un moment sont sortis de là, il y a le général de la Boulardière, etc. Il y a des gens vraiment qui étaient vraiment dans le truc, quoi. Et moi je pense que il faut capturer un boucher. Est-ce que ça revient à ce que tu disais? Je suis avec un boucher. Et il est en train de devenir vegan. ça revient à ce que tu disais juste ici, c'est-à-dire que en fait, les gens, si jamais ils savent que la personne d'en face a été bouchée ou fils de boucher, ils se sentent tout de suite plus compris. Et en fait, avec nous, ils vont se sentir légitimes de dire « Ah oui, mais vous comprenez rien », c'est beaucoup plus difficile à dire « Oui, mais t'as été bouché, tu comprends rien ce que c'est d'être bouché ». Et effectivement, il y a ce côté, il y a l'impact qu'il a fait, par exemple, quand ils sont allés au secondaire d'agriculture, ils ont un type chez eux qui a été boucher, qui est fils de boucher. Du coup, quand il s'est mis à parler avec le meilleur ouvrier de France en boucherie, tous les arguments du gay ou les personnes de vous comprenez, c'est un artisan et tout, ça passe plus. Et c'est vrai que c'est nos DVD sur les éleveurs, c'est un peu ça aussi. En fait, c'est vrai que plus les gens pourront penser à des déserteurs, le fait que des gens peuvent avoir l'intérêt d'élever et pour autant dans l'intérêt des animaux de ne pas le faire, les gens diront que d'une part ça peut leur arriver et qu'ils ne vont pas souffrir la mort si ça peut arriver, et d'autre part ils se sentiront moins légitimes de dire mais regardez, ça va être pour moi. J'ai plusieurs remarques. Tout à l'heure, il me semble que tu as dit que l'éleveur il aime son boulot, il aime bosser avec les animaux, etc. Alors, je pense que c'est vrai pour une partie d'entre eux, de façon indéniable, parce que je l'ai rencontré et que je crois vraiment sincère. Par contre, il y en a d'autres où c'est clairement pas le cas. Je pense notamment à l'élevage en batterie, je vois vraiment pas quel est le plaisir qu'on peut trouver là-dedans, entre les odeurs, le bruit, etc. En revanche, il y a une dimension fondamentale qui fait qu'il n'est sûrement pas prêt à lâcher son boulot, c'est qu'il a un boulot qu'il pense autonome. Je dis qu'il pense, parce que généralement, il est dans un système intégré, donc c'est d'autonomie, de la pseudo-autonomie. Mais n'empêche que, dans ces personnes-là qui choisissent ces types de professions, je pense qu'il y a une partie non négligeable qui ne se verront jamais bosser avec un patron. Et que rien que pour ça, ils sont prêts à tout, plutôt que de se dire, putain, un jour, il va falloir que je me tape un patron sur le dos. Et ça, je pense que ça, c'est une dimension qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'ils ont juste besoin, eux, de garder un job indépendant, qu'ils ne doivent pas faire autre chose. Et qu'en fait, au final, ça va être la peur du changement, la peur de ce qu'il va y avoir derrière. Et cette peur du changement, on va la retrouver dans tout, parce que la démonstration de là où on va à la fin, quoi qu'il arrive, la personne dans la discussion, c'était le cas typique de Bourdin, perçoit ce changement. Et il ne faut pas oublier que pour tout changement, d'abord le changement c'est pratiquement toujours difficile à faire, pour tout le monde presque, que deuxièmement pour pouvoir faire un changement il faut faire un deuil de quelque chose. Alors si c'est à titre individuel, ça va être le deuil de la convivialité parce que très clairement il perçoit qu'il va passer à côté de quelque chose parce qu'il n'imagine pas que ce soit possible autrement. Il va percevoir le deuil de la Madeleine de Proust et ça j'en suis intimement convaincue aussi. Et je ne vais pas repasser en revue tous les deuils, mais c'est souvent un processus totalement inconscient. Et au niveau collectif, la société en tant que telle, puisqu'il y avait un moment la question, mais comment on fait pour que ça bouge au niveau global ? Il faut déjà que le problème, c'est qu'au niveau collectif, il y a tant qu'il y a une perception, parce que ce processus de deuil va mettre du temps, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Un deuil ne se fait pas en claquant des doigts. Et que justement, on va passer par les étapes, alors là je les ai résumées, mais il y en a plus en fait, mais il y a d'abord le déni. Et que si on reprend l'exemple avec Bourdin, on était en plein dedans. Il y a un moment, il s'est retrouvé où de lui-même, il a été scandalisé des images. Donc là, il a le choc initial. Et puis après, il va y avoir le marchandage. Mais avant d'arriver à l'acceptation, je veux dire que nous, on pense que nous, on a. Parce qu'à un moment, on a fait la discussion du rationalisme, on est arrivé comme ça. Non, sûrement pas. Très clairement, non. Ce serait vraiment se voiler la face que d'imaginer que nous-mêmes, on est venus. Claire que parce qu'on a vu une discussion, c'est-à-dire, ah oui, tiens, c'est une évidence, certainement pas. Bien avant, cette façon inconsciente, s'est passé plein de choses dans notre cerveau, qu'on n'a juste pas observé, mais qui sont arrivées à voir. Et ça, pour nous, c'est fondamental de l'avoir en tête, parce que c'est évident qu'un jour, on peut venir là. Mais avant d'arriver là, il faut arriver à passer toutes ces étapes de deuil, sinon, on va être dans la fuite par tous les moyens pour ne pas arriver là, parce qu'on perçoit quelque chose qui ne nous convient pas. Et donc, et ça, on va retrouver au niveau sociétal, bien évidemment. Donc après, en revanche, il y a un moteur pour le changement, c'est l'émotion. Et qu'on le veuille ou pas, le changement intervient avec l'émotion. Alors il y a l'émotion négative qui peut contribuer au choc, mais ce qui va nous emmener vers le changement la plupart du temps, ça va être l'émotion positive. Et je pense que arriver à faire percevoir, et ça c'est toute la difficulté, mais être dans une dynamique d'émotion positive, ça peut donner envie aux gens, tiens, de réfléchir à autre chose, de... Ouais, ok, ouais, t'as peut-être pas tort dans ce que tu dis, gna. Et c'est cette émotion positive qui est difficile à identifier, à amener, et ça, c'est le vrai changement qui intervient grâce à l'émotion. Sauf qu'on ne l'aperçoit pas forcément, mais elle est nécessaire. Et en fait, pour terminer là-dessus, après se passera le fait qu'il y a la boule de neige. Moi, je suis convaincue qu'au début, il n'y en a qu'une personne qui va penser comme ça, après deux, trois. Alors, évidemment, on est ultra minoritaire au départ. Mais après, vient un moment où finalement, chaque personne dans son propre entourage va véhiculer, pas forcément parce qu'il va chercher à véhiculer, mais juste parce qu'il est là, qu'il existe, qu'il est un exemple en tant que tel. Et qu'après, tout ça, ça fait boule de neige. Et après, la société-là, elle va être beaucoup plus prête à une remise en cause globale et politique. Mais je pense qu'on est sur un processus relativement long et que ne pas en avoir conscience fait que ça... Après, ça peut s'accélérer parce que grâce à l'effet boule de neige, il y a un moment, ça va être exponentiel. Mais quand ? Là est la question, on ne sait pas vraiment quand. Mais on a plein de choses qui interviennent dans tout ça et ne pas les avoir en tête, je pense que c'est... Tout le monde ne peut pas arriver que par le raisonnement à des conclusions ok, il faut changer. Il faut que la société change. Ils peuvent y arriver, mais en passant par un certain nombre de processus qu'on ne peut pas nier. Parce que moi, mon but à moi, c'est pas tant que... Enfin, je le dis avec Bourdin aussi, hein, on a des gens qui défendent les élevages, mon but à moi, c'est pas qu'ils pensent que c'est mauvais, c'est qu'ils se taisent. C'est qu'ils arrêtent de défendre l'élevage. C'est-à-dire que s'il n'y a plus que nous qui parlons d'élevage comme négatif, si en face, il n'y a pas de réaction, les personnes qui le défendent, ils disent, en deux ans, c'est fait. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui me perturbe avec l'idée de faire changer les gens d'avis, c'est quelque chose qui se passe en interne. Et du coup, moi je trouve que c'est très difficile d'aller toucher les gens en interne, alors que c'est au niveau de l'environnement, je trouve que c'est beaucoup plus simple de dire, effectivement, si les gens. Enfin, c'est un peu cette chose-là toujours, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce qu'on fait pour toucher cette chose-là, qu'est-ce qu'on fait pour que les gens, leur intérêt à dominer diminue, peut-être que leur intérêt à recharger la domination augmente. Mais en fait, c'est une technique, et effectivement, avec les folles de neige, ce sont des choses qui. Enfin, c'est choses qui m'arrivent moi, ce qui m'intéresse, mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Avec les, je te coupe, mais avec les images à répétition, les vidéos chocs, etc., des 214, etc., je pense que dans pas si longtemps, ça va être le mangeur de viande qui osera de moins en moins dire. Enfin, moi, ça fait 30 ans que je mange plus de animaux. Donc, je compte pas le nombre de fois où on va dire c'est trop bon le steak, gnagnagna, quand tu t'es bien la gueule, etc. Mais ça, ces gens-là ne gênent pas du tout. C'est ce que j'appelle des végés refoulés, ça me convient parfaitement. Okay. Si on sait bien les prendre, s'ils t'agressent, c'est parce qu'ils se sentent pas bien avec ça. Ceux qui assument complètement de manger les animaux, ils m'ont jamais fait chier ceux-là. Et c'est eux qui m'emmerdent le plus à la limite. Parce que je sais qu'au fond d'eux, ils sont tout à fait à l'aise avec le fait de. Et eux, je sais que j'ai aucune prise. Par contre, le végé refoulé, là, il suffit de bien s'y prendre et hop, on l'amène dans la discussion et ça marche très très bien. Mais tout ça pour dire qu'à un moment, ces végés refoulés, dans pas si longtemps ça, je pense, ils oseront de moins en moins dire. C'est-à-dire qu'ils vont continuer d'apprécier le manger de la viande, bien évidemment, mais je pense qu'il n'y a donc pas si longtemps que ça, ils oseront de moins en moins le balancer. Exactement. De moins en moins se sentir légitime, je pense que le rapport de force va changer dans les temps à venir. Et c'est déjà en train de changer. Et quand déjà ils se sentiront moins légitimes, mais c'est le mot à claironner par rapport à celui qui s'abstient, là tu te dis qu'il y a un vrai changement de société qui est en cours, très clairement, et donc politique. Mais du coup, pour les films de neige, moi je suis. C'est le fait qu'on ne peut pas prévoir. Le processus, la rapidité du processus, le moment où ça va venir, du coup, c'est toujours un peu périlleux comme. Mais là, ce que tu dis, ce que je trouve intéressant sur le fait qu'il faut qu'il se taise, effectivement, et ce que tu dis également, c'est que finalement, c'est la création, entre guillemets, d'un stigmate social à une parole d'exploitation animale. Et dans ce cas, ce qu'on voit en droit des discriminations, c'est que souvent, le droit des discriminations est centré sur la notion de victime. Et que parler de la victime dans ce domaine, c'est oublier tout simplement que derrière la victime, il y a un coupable, et que notamment en droit de discrimination, ce coupable est un délinquant, notamment en droit de travail, quand on discrimine quelqu'un à l'embauche, c'est un délinquant. Et en fait, quand il y a des interventions pour sensibiliser aux discriminations, la redéfinition, c'est-à-dire non pas centrée sur la victime, mais centrée sur une action et une redéfinition de la personne qui exploite ou qui discrimine comme délinquant, comme criminel, ça sensibilise énormément. Donc en fait, peut-être que pour provoquer justement une prise de conscience globale, déjà réeffectuer une définition, non pas seulement en parlant des victimes que sont les animaux, mais en parlant de la criminalité potentielle, mais d'une manière plus offensive, que sont par exemple interpètes ou consorts. Hein. Ouais, mais... Et envisager l'exploitation animale comme une forme de criminalité, ce qui est inconfortable et nécessaire. Je pense qu'on a extrêmement tôt qui parlait justement du rapport du pouvoir. Je considère que le rapport du pouvoir, en fait, de définir une nouvelle norme morale, on n'a pas d'utiliser des mots comme ça. Pour moi, ça sous-entendrait qu'on pourrait avoir un impact sur les formes morales. Et moi, j'ai pas l'impression que l'environnement soit plus ça. Par contre, ce que tu dis, ça fait penser au projet de DXI. Si jamais ça vous intéresse, c'est en anglais, mais DXI, c'est Direct Action Everywhere, c'est un groupe de militants pour les droits des animaux aux États-Unis qui sont basés à Berkeley, en Californie, et qui ont une stratégie très très intéressante. Ils ont fait un document qui s'appelle 40 années jusqu'à la libération du mal. Ils ont un plan très précis en disant notre but c'est d'inscrire dans la Constitution américaine un amendement qui reconnaît les animaux comme des personnes qui ont des intérêts qui doivent être respectés. Et en fait, ils se sont dit, bon, si on veut ça dans 40 ans, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe avant? Et une de ces deux leurs étapes, c'est d'arriver au moment où c'est très mal vu par la communauté progressiste que quelqu'un de progressiste défende la viande. Et c'est vrai qu'il y a cette idée du stigmate, c'est vrai que ça peut être intéressant parce que du coup, effectivement, les gens oseront moins avoir ces arguments, moi, ça m'intéresse plus. Comment je pourrais dire ça? Il y a des gens qui auront de l'intérêt pour le défendre, et ça m'intéresse plus de faire comment. comment est-ce que nous on peut faire pour que ces gens-là soient alignés. C'est-à-dire que tu disais par rapport aux légers refoulés, là aujourd'hui, la personne qui défend l'élevage va pouvoir jouer des trucs de communauté avec les légers refoulés. Genre là, nous deux, on aime la viande, tout, tu vois bien ce que je veux dire, machin. Et en fait, comment est-ce qu'on peut renverser ça? Pour dire que non, la personne qui mange de la viande, mais qui considère que quand même il aimerait bien que les animaux, peut-être pas qu'ils aient des droits, qu'ils soient bien traités, et qu'il considère que parfois c'est pas légitime de négliger les animaux, comment est-ce qu'on pourrait renverser ça et pour dire qu'il y a d'un côté les gens qui se font du souci pour les animaux, et de l'autre côté les gens qui ont décidé de porter le projet politique de les négliger. Et c'est. Enfin, ce qui est particulier, c'est qu'on est. Moi je pense que c'est pas bénéfique qu'on apparaisse comme les porteurs d'une nouvelle morale, en fait. C'est... Je suis d'accord. Bah, non, mais quand tu parles de redéfinir les termes de criminalité, pour moi, c'est que tu veux compter sur le poids du prescriptif. Je parle pas des acteurs individuels, hein, bien sûr, puisque de toute façon, il y a d'autres choses qui se jouent au niveau individuel, mais c'est vraiment, en fait, les gros acteurs, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce type d'action, c'est suivi par un discours, c'est du lobbyisme. Économique, mais également idéologique en fait, et que ça, il bénéficie d'une impunité qui est totalement illégitimable. Dès lors qu'on se penche, c'est peut-être que je me trompe bien sûr, hein, mais je pense que si on fait réfléchir les gens sur la légitimité de leur intérêt dans leur action, ça ne peut pas sembler juste. Et c'est ça aussi qu'il faut faire entendre, c'est-à-dire que ces lobbies sont des criminels et que ces lobbies agissent en tant que tels. Et qu'on ne peut pas seulement parler du coup en termes individuels et en termes de victimes, parce qu'à côté, ça joue aussi sur la reconnaissance, l'appartenance communautaire, entre guillemets, puisque tu parlais de la communauté de situation entre quelqu'un qui mange la viande et le déjeuner. Bah là, en fait, il s'agit aussi de se désolidariser de personnes qui perpétuent volontairement une cruauté. Mais juste, moi j'ai une réflexion très précise par rapport à ça, c'est qu'il faut qu'on arrête de donner des arguments pour amener les gens à la libération animale qui se sentent qu'ils sont déjà d'accord avec la libération animale. C'est vrai qu'il n'y a pas de réponse. Enfin, si tu parles de criminalité, les gens qui considèrent que Internet est criminel sont en fait, s'ils considèrent ça, c'est qu'ils sont déjà d'accord avec nous. Alors que moi, ce que je veux, c'est créer des choses intermédiaires. C'est-à-dire que, typiquement, ma sœur, qui n'est pas du tout pour la libération animale, elle va quand même considérer que c'est pas correct qu'il y ait de la vie, alors que c'est pas vrai. Et du coup, on n'a pas d'intérêt forcément. Enfin, quand on dit criminel, en plus, ça laisse un peu. Enfin, moi, je pense que les gens, ils ont un peu peur aussi, Pour les véganes, c'est sûr, on peut se dire que c'est des criminels, mais par contre, il n'y a personne qui utiliserait ce mot, qui trouverait ce mot adéquat pour intervenir, si cette personne ne soutient pas la libération animale. Je pense que s'ils connaissent leur action, c'est parce que nous on les connaît, parce que ce sont nos amis directs, bref. Mais je veux dire, c'est parce que les gens ne connaissent pas. Si les gens connaissaient leur action, si les gens connaissaient leur principe d'action, et par exemple le fait que leur discours est faux, bien sûr que des gens qui ne sont pas dans la protection animale pourraient se sentir concernés. Et c'est pas parce que cette catégorie de représentation n'existe pas encore et parce qu'on est minoritaire qu'il ne faut pas tenter de la créer. Oui. Là, on n'attaque pas les gens individuellement, on attaque un corps d'action et un corps de lobby. Enfin, je veux dire, on n'a rien à faire. Je répondrai rapidement et je te laisse répondre. Juste, ça sous-entendrait que les gens considéraient que dire des mensonges c'est quelque chose de criminel, alors qu'on vit dans une société où j'ai pas l'impression que ce soit criminel. Mais c'est peut-être ça le point de départ. Criminel et délinquant, c'est un moment où en fait, c'est des termes juridiques, et que par exemple, en fait, si tu es utilisateur d'abattoir et que tu ne respectes pas les normes d'abattage, en fait, tu es un délinquant. Et dans le sens où là, il n'y a pas besoin d'avoir un débat socialement là-dessus, en fait, c'est juste factuel que tu es mis en infraction avec la loi. Mais de la même manière, si tu as des techniques de lobbying qui sont en fait interdites, tu vois, bah, tu es un délinquant. Quoi. Alors après, je crois que le criminel, on est dans autre chose, il me semble, mais. Que le fait d'utiliser des mots comme ça, de dire un tel c'est un délinquant, quand c'est factuellement le cas, oui. Dans le sens où tu obtiens la condamnation, tu dis voilà, en fait, cet abattoir c'était des délinquants. Et en fait, c'est quelque chose qui est légitime, qui est vécu comme légitime socialement, disant voilà, point, ce sont des délinquants, et quelque part, la qualification pénale elle est utile, tu vois, dans le discours. Oui, mais pour moi, t'as pas avancé, parce que, enfin, pour moi, c'est pas une progression vers la libération de mal, parce que quelque chose que les. que les syndicats agricoles adorent dire, c'est dès qu'il y a des vidéos de ce genre, c'est « Ah, mais on est outrés, nous aussi, condamnez-les, arrêtez ça tout de suite, c'est horrible. » C'est-à-dire que tu peux pas, tu fais pas progresser les choses si les gens qu'on quittait, en fait, ils sont d'accord avec toi. Il faut arriver à porter un phare. Par contre, les gens, ils sont d'accord avec toi. Non, mais les gens, ce que je veux dire, c'est que là, ils sont délinquants en regard du droit français. Le droit français va considérer que c'est une délinquance, sauf que nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit plus ce droit-là qui régisse les conflits entre les humains et les animaux. Et du coup, pour les individus animaux qui vont pas passer par ce gars qui va leur donner des coups, c'est chouette. Mais par contre, d'un point de vue politique, on s'est pas rapproché de la libération animale. Si, parce que tu les as fait passer de la catégorie de « les animaux, on en parle pas beaucoup » à « on en parle » et « les vous prenez quand même ». Ils auront des qualificatifs, mais moi, tu les avais changé de catégorie, toi. Tu les avais passé de la catégorie de « personne qui s'en fiche » à « personne qui, au moins dans le cadre de leur communication, sont obligés de reconnaître que c'est un problème. » C'est l'inverse que font les éleveurs. T'as avancé dans une quête. Moi, c'est l'inverse, parce que le paysan breton, par contre, c'est très très prompt au moment où une vidéo de l'extérieur sort de montrer « Mais regardez ce gentil éleveur, ce qui vient de se... » Ils veulent créer cette dichotomie, ils veulent s'éloigner le plus possible du non-respect de la loi. Eux, ils revendiquent peut-être qu'on ne veut pas que ces choses-là arrivent. Quand on retombe sur le végé refoulé, tu vois, c'est, ah, oui. C'est la même chose. C'est qu'en fait, à la fin, ça, c'est tu vois, quelque part, c'est des antispécistes sur le coup. De toute façon, du moment qu'ils sont obligés d'admettre que la majorité de ce qui se fait, c'est pas bien, tu vois, c'est quand même que déjà, là, on a bougé les choses. Le système prend en compte. Donc, en fait, ce qui serait peut-être intéressant, parce que finalement, des anciens bouchers ou en cours de reconversion, entre les anciens bouchers, les anciens charcutiers et les anciens éleveurs, il y en a quand même qui sont devenus véganes. Peut-être ce qui serait intéressant, c'est que ces gens-là se structurent pour faire un groupe du coup, qui pourrait communiquer vers l'extérieur avec une communauté de presse, organiser des actions, etc. Et là, pour le coup, je pense que vis-à-vis de l'opinion publique, très certainement, il y aurait une portée. Parce que là, c'est des anciens qui ont connu. Qui ont connu tout ça et qui, du coup, ont mis de côté effectivement leurs propres intérêts pour l'intérêt global, en l'occurrence, des animaux. Et je pense que ça peut être super intéressant. Après, la grosse difficulté, c'est qu'ils se structurent entre eux. Oui, et c'est un peu comme l'action de notre part, en fait. Je veux vraiment qu'on reste sur la question de. On peut dire que s'il se passerait ça, ce serait bien, mais la vraie question, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire pour que ces choses viennent, elles n'arrivent pas bien. Nous, déjà, on peut peut-être les aider à se structurer, parce que déjà, il y en a peut-être quelques-uns là-dedans qui seraient partants pour faire ça. Et puis, je pense qu'ils pourraient donner un coup d'accélérateur si ça pouvait se faire. Oui, probablement, parce que déjà, je pense que ça pourrait médiatiquement, ça. Je pense que ça ferait du buzz. Et donc, ça pourrait. Ça casserait aussi le côté, parce qu'il y a toute une partie de la population, pour en revenir à l'aspect global politique, il y a toute une partie de la population qui pense que pour l'emploi, pour tout ça, on ne peut pas faire autrement. Ce que je veux dire, c'est que cette pensée-là, elle a un poids dans cette discussion que si tu as déjà admis qu'il était légitime de négliger les intérêts des animaux. C'est-à-dire que. Ça fait partie des freins pour certains, je dirais, de façon honnête, en fait. Oui, mais non, ce serait pas un. C'est un frein, enfin, je veux dire, c'est un argument qui n'a de valeur que parce que tu as considéré en amont que les intérêts triviaux des humains valaient plus que les intérêts triviaux. L'emploi, toi, tu le mets dans l'intérêt trivial, mais non. D'autres humains vont mettre dans l'intérêt fondamental. C'est pas, justement, c'est-à-dire que c'est pas l'emploi qui met dans l'intérêt trivial. Ce que je mets dans l'intérêt trivial, c'est le fait de ne pas avoir à collectivement se poser la question de comment reconvertir ces individus dans quelque chose qui n'implique pas l'exploitation des animaux. C'est-à-dire que non, l'emploi, ok, c'est important, c'est l'argent, avoir de la bouffe et tout, c'est sûr. Et du coup, c'est justement. Et d'ailleurs, on dit qu'il y a des gens qui pour survivre ont besoin de tuer des animaux, tous les antispécistes ne vont pas forcément être contre. Et en fait, là où nous, il faut qu'on ramène le débat, dire que c'est des intérêts triviaux qui sont en jeu, et qu'aujourd'hui, après, c'est des trucs de solidarité, c'est un truc qui est atrophié dans notre société, mais que les intérêts qui sont satisfaits en tant que société, on pourrait s'organiser pour que ces gens-là soient reconvertis. C'est juste qu'on veut même pas se poser. Il y a personne qui a dit oui, mais on a passé 2 ans sur un projet, essayer de trouver si c'était possible ou pas, on a sorti un rapport, et là sur les études, c'est pas possible. Les gens ils ont pas l'impression qu'ils vont dire ça parce qu'en fait c'est pas un argument, c'est une esquive. Déjà dans le classifié de la de la viande, c'est tout un chapitre sur reconversion. Oui. Nous on fait stuff là, mais de l'autre côté, ils n'ont pas besoin d'avoir une base là-dessus, c'est pas une vidéo. Ouais. Par rapport justement à cette idée de regroupement dans un éleveur, de la filière avec l'exploitation animale, c'est vrai que justement par contre ce que ça pourrait permettre, ce serait plutôt dans une idée de désarmer justement sur les esquives, mais justement c'est une dichotomie entre le libéral et l'identispécisme globalement, effectivement de dire que justement l'identispécisme ouvre la porte. Et moi, c'est vrai que justement, c'est une collectif dont je voulais j'avais un peu dans ma tête sur le long terme. Et justement, même l'idée, par exemple, de lancer un contrat, en fait, une idée de contrat, justement, avec ce collectif-là, de dire, imaginons qu'on crée un réseau de sanctuaires, par exemple, à l'échelle nationale, et tu proposes justement aux éleveurs, à travers ce collectif-là, de dire, ok, nous, on peut vous aider, par exemple, quand vous désendettez, parce que justement, chez les éleveurs, il y a aussi une problème de dette qui est énorme. Oui, oui. On vous rachète vos animaux. Si on a, imaginons sur le terrain qu'on a les moyens de faire. On vous rachète des animaux, contre la promesse que par contre vous faites naître aucun animal derrière. Ok, et ouais. Là, ouais. Par contre, temps, et là, par contre, tu prends la main justement en disant bah, on peut faire de vous nos alliés, par contre, si vous refusez, malheureusement, du coup, on peut pas. Enfin, vous êtes forcément tout pas avec nous, on peut pas faire mieux. Pour avoir un manifeste des 143 égorgeurs qui sont des gens qui s'engagent à ne plus attaquer les animaux si on leur donne des conditions de vie décentes à côté. Bah ouais, c'est vrai que ce serait intéressant de... Non mais simplement, enfin, dans le but de désarmer en fait. Oui, oui, mais ce serait intéressant de montrer qu'on sait que c'est pas facile, tu vois. Effectivement, si tu présentes que la communauté antispéciste abolition de l'élevage me dit abolition de l'élevage ensemble, on vous aide si vous voulez vous barrer, et il y en a qui l'ont fait, il y a des anciens éleveurs qui sont là et tout. Je pense à Marc Cotas, qui m'a fait 260 en fait, il aura très mal. Et ça serait intéressant d'y réfléchir avec eux, que les idées ne viennent pas que de nous justement, mais de réfléchir avec des éleveurs, des agriculteurs, parce que sinon c'est encore imposé. Ce qui compte, c'est qu'il y a les mêmes problématiques que nous, c'est-à-dire que moi je parle pas pareil avec Jean, pas le même problème. Je vais avoir un discours travesti quand je parle avec Jean, pas le même problématique que moi. Les amener à imaginer justement qu'ils pouvaient éventuellement changer de vie et qu'est-ce qu'ils imaginent quand ils voient mon ami, tout de suite il a pensé tiens, là, je vais faire des choses végétales. Ouais, voilà. Tu parlais de choix, est-ce qu'on a le même discours dans tous les cas? Bah, à mon avis, je pense que une faiblesse là qu'on pourrait imaginer, c'est de parler d'intérêt de vidéo forêt à un moment donné. Oui, mais on ne parle pas. Non, oui, mais ça, oui, mais ça, tu vois, je pense qu'on ne peut pas développer, tu vois, faire attention que. Parce que, en fait, ce n'est pas des intérêts tribaux, en fait. Et je pense pour personne. En réalité, enfin, en tout cas, moi, par exemple, la vérité, c'est que pas participer à un système comme ça, justement, de domination, etc., c'est pas trivial, en fait. Hein, c'est pas rien. Et dans le sens où l'intérêt trivial à manger de la viande, il n'est pas trivial derrière. C'est pas, je pense que trivial, c'est. C'est excessif, ça, c'est pas un mot qui est adapté à la situation. Tu utilises ta propre définition du mot trivial, c'est-à-dire que moi, je vais utiliser ces mots-là, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand je dis trivial, c'est des intérêts qui ne justifieraient pas le fait de passer devant les droits fondamentaux entre les humains. Après, on peut se demander est-ce que c'est comme ça qu'on en parle, mais après, moi, je fais la supposition que les gens, ils vont, quand je vais définir, enfin, quand je vais utiliser ce mot-là, ils vont prendre en tant que j'utilise. Ouais, bien sûr, mais tu dis que c'est trivial, c'est pas rien. En fait, à la fin, tu vois, tu peux parler en vrai, quand tu parles, les gens, ils utilisent des mots comme ils les utilisent, tu vois, et pour moi, trivial, en fait, à quoi ça fait référence? Ça fait référence à l'équation mathématique tellement simple que le prof ne veut pas l'électricité. Mmh. C'est ça trivial en fait. C'est tellement trivial, enfin, le sens de trivial, c'est vraiment une goupille de sens honnête. Tu vois, et donc, en fait, c'est pas trivial en fait. Tu vois, c'est qu'en fait, sinon, et c'est une faiblesse de ton argumentation, parce qu'en fait, en réalité, si c'était trivial, les gens, ils se sont expliqués. Mais c'est pas trivial. Tu utilises ta définition de trivial. En fait, tu dis. Tu sous-entends que moi, quand je dis trivial, je dis la même chose que toi, et donc que ce que je dis, c'est faux. Mais non, je parle du dictionnaire, toi, tu vois. Oui, mais justement, c'est-à-dire que, après, moi, je fais la supposition qu'en fait, comment dire, dans le cadre d'une présentation, t'es capable de laisser pendant un court moment les définitions auxquelles t'es accroché pour te rattacher à celles que moi je donne de manière à ce que je puisse dérouler mon raisonnement. Et moi je fais cette supposition là. Et ce qui paraît pour animal, c'est-à-dire que si on disait oui, mais animal c'est forcément ce qu'on est gens qui voient notre nom. Tu vois, je vois ça, et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, au fond, du coup, quelque part, je suis en train de dire qu'il y a une faiblesse dans le raisonnement, tu vois. Mais c'est peut-être un biais de mathématicien, tu vois, de se donner le droit de redéfinir les termes au début de la démonstration. Parce qu'en réalité, il y a des mathématiciens qui font ça. Exactement. Et comme tu ne parles pas qu'il y a des mathématiciens, Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté, en fait, tu risques d'être mal compris. C'est de passer les lettres. Oui, oui, oui. Ce risque-là, je sais que je le prends. Et je pense que c'est mal à droite. Je pense que le trivial, c'est mal à droite. C'est pas trivial, en fait. Oui, mais ça, c'est. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu penses du fond de ma pensée après la forme. C'est pas mon but. Tu vois, pour une autre fois, peut-être quelque chose à laquelle tu peux comprendre. Voilà, je sais que tu l'as pensé. Moi, je sais que trivial et je comprends ce qu'ils disent. Je dirais tripal, parce que pour c'est tripal pour les éleveurs. Ouais, mais justement, ça n'a pas de sens. C'est bien, ça, tripal. Attends. Mais justement, le truc, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est cette idée de hiérarchie. Et c'est fondamental, d'accord, mais au-dessus, il y a tripal. Et trivial, c'est pas sympa de dire trivial. Je pense que c'est trivial, c'est un jugement. En communication non violente, si tu commences à juger l'autre avec ton trivial, tout de suite, ça ne lui va pas. Oui, mais je parle pas comme ça à des gens de l'élevage. C'est juste ce que, enfin moi, c'est pas le discours que j'aurais à des gens qui seraient choqués par cette idée-là. Alors que moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans le milieu antispéciste, on va pas dire que manger de la viande c'est trivial. On va dire que c'est cruel, que c'est tortionnaire, un truc comme ça. Donc moi, j'ai l'impression de déjà édulcorer mon discours, quoi. Moi, je parle toujours de balance des intérêts, en fait. Je dis à l'autre, bah toi, tu es... Moi, je suis antispéciste, donc quand tu me parles de ton intérêt à garder ton travail et que je le compare à l'intérêt des animaux, de plein d'animaux, à ne pas être torturé et à ne pas mourir dans des conditions horribles, etc., pour moi, c'est évident, je défends les animaux et pas toi. Mais toi, tu es spéciste, donc si tu es spéciste, je te comprends, etc. D'ailleurs, l'autre, en général, il dit, tu vois. Ça passe très bien parce qu'on comprend très bien la différence en fait. Mais si tu es spéciste, alors oui, si tu es du côté effectivement. Oui, mais là, justement, c'est ça où il n'y a pas ce truc du côté en fait. C'est vraiment cette idée que la raison pour laquelle il va choisir son côté plutôt que l'autre, c'est parce que l'intérêt il est accepté. C'est là où moi je parle de trivial et fondamentaux, c'est pour vraiment dire que la manière, c'est fondamental dans la manière dont on traite les animaux et par rapport à la manière dont on traite les humains. Mais je comprends que le monde se passe. Mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire que c'est des... Les intérêts triviaux des animaux, c'est que les intérêts que toi, en tant qu'antispéciste, tu te trouverais légitime de les négliger pour des intérêts triviaux. Mais je sais pas si tu veux, en parlant de balance, toi, tu dirais plus grand que, plus petit que, tu vois, et déjà, tu serais peut-être dans quelque chose de plus vrai, parce que tu vois, moi, je suis donné un exemple. Une fois, j'ai discuté avec un type qui était un ancien éleveur de chèvres. Ouais. Donc il avait des chèvres et tout, et moi en fait je savais pas, donc je discute avec lui, tu vois, puis j'ai, bon, il m'explique ça, que finalement il avait des chèvres, et donc moi je voulais pas souvent arriver avec le sabot en disant c'est horrible et tout, et donc je commence à parler de tout ça, et au bout d'un moment, il me dit, et il y a un truc qui m'est resté, tu vois, il me dit, il a arrêté en fait, pourquoi? Et là, il parle de. Toi, c'est fantastique, mais les chefs, c'est génial, tu leur en fais, tu communies avec la nature, tu es dans des très beaux endroits, tu vois, voilà, tu avais l'impression d'avoir un rôle social. Mmh. C'est génial, tu vois, c'est génial. Un monde de, donc, toi, dans ce sens-là, c'est pas un truc trivial pour lui. Mais arrête de dire ça! Non, toi, c'est un truc super important. Non, et à un moment donné, il me dit un peu, il me dit, mais c'est mal. Tu vois, et en fait, non mais, tu vois, mais c'est dingue, bien ça, c'est une phrase, tu vois, c'est juste ça qui est dit, en fait, c'est marrant. Mais ça, c'est... Et tu vois, et c'est le moment où lui, il se dit, en fait, il se dit pas, tu vois, il se dit, en fait, c'est mal de faire ça, tu vois, et donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est ça, c'est une autre manière, tu vois, enfin, ce que je veux dire, c'est que, en fait, tu vois, je dis juste que, en fait, souvent, c'est plutôt comme ça, en fait, que les gens vont plutôt se présenter les choses, tu vois. Ils ne vont pas faire un calcul, tu vois, ils vont dire en fait juste... Je sais, mais c'est juste, comment dire, le calcul, il n'est pas assumé, il n'est même pas réalisé, c'est un calcul qui fonde la manière dont... C'est pour ça que j'ai dit, au début, c'est ce que je dis, les gens, c'est pas ça qu'ils disent, mais c'est effectivement comme ça que les jugements sont faits. Et du coup, la personne, quand il dit c'est mal, c'est exactement quand j'ai parlé de la SPA. Les SPA, elle va dire que c'est les pires cruautés du monde, des trucs, et en fait, elle va pas du tout... Elle dit pas... Moi, ce que je pense, c'est que c'est fait a posteriori. C'est-à-dire que d'abord, tu définis les choses que tu veux, les choses que tu veux pas. Les choses que tu veux, elles sont bien, les choses que tu veux pas, elles sont mal. Et il y a un peu cette idée où... Le truc, c'est que moi, je veux pas faire de prescriptif, en fait. Je veux pas dire qu'il y a vraiment cette idée ou si tu considères qu'il est légitime de faire. Après, quand je dis trivial, tu t'entends un truc, t'entends pour rien, tu vois. Mais si il est légitime de faire passer des intérêts non fondamentaux des humains avant les intérêts fondamentaux des animaux, et que si tu penses ça, et bah du coup c'est normal que tu soutiennes l'élevage. Mais je veux juste appuyer sur le fait que c'est ça la vraie distinction. Peut-être que j'essaie de voir, parce que toi j'entends pas ce que tu dis. Il me semble que peut-être que ce vers quoi je vais avec ça, c'est que en fait ton raisonnement, en fait, il présuppose que les gens vont avoir, en fait, parce que si on parle de balance des intérêts ou de telle chose, de hiérarchie comme ça, en fait ça implique au fond une forme d'utilitarisme ou de conséquentialisme, c'est à dire voilà, en fait je juge l'utilité de ceci par rapport à l'utilité de cela, tu vois. Et en fait il faut aussi à mon avis voir que il y a pas mal de gens qui ne réfléchissent pas comme ça aux questions d'ordre éthique, tu vois, mais réfléchissent plutôt en termes de bien. Ça, en fait, c'est pas bien, tu vois. Je vais te poser une question. Si, comment dire, si les gens ne considèrent pas qu'il est légitime de faire passer les intérêts triviaux des humains aux intérêts fondamentaux des animaux, pourquoi est-ce que en tant que société, soutiennent les valeurs? S'il n'y a pas cette prémisse-là, comment est-ce que tu l'expliques? Mais attends, c'est parce que justement, je pense que parvenir à la réalisation du fait que, en fait, c'est pas bien, c'est un processus qui est assez compliqué, tu vois. Oui, mais faut déjà avoir des principes moraux pour définir. Pour finir, j'ai pas envie de faire un truc où on dit ce qui est bien et ce qui est pas bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens se posent la question si c'est bien ou c'est pas bien, et qu'ils se posent véritablement la question avec les vrais principes moraux qu'ils acceptent dans tous les autres cas. Je m'en fiche que les gens trouvent que c'est bien ou pas bien, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils considèrent que la question se pose. D'objets différents, parce qu'en fait, il y a des trucs qui sont pas bien, tu vois, c'est pour ça que je... Mais non, mais avant de savoir, enfin après je sais pas quel jugement à partir de quelle théorie morale tu parles, mais ce que je veux dire c'est que tu vas penser que, enfin comment dire, tu vas pas dire, comment je pourrais dire ça, tu vas dire que c'est pas, enfin si jamais tu considères que c'est pas bien de tuer un animal pour le manger, ça peut venir d'un truc de religion et tout, mais moi ça, ce qui m'intéresse c'est que ça vienne d'un animalisme, c'est que ça vienne d'une destruction de la catégorie politique animale, et du coup moi je me dis que la base, c'est qu'il faut d'abord que la personne elle considère que les intérêts pas fondamentaux des humains peuvent aller par-dessus les intérêts fondamentaux des animaux. Au fond, en quoi c'est utile ça? Parce que si juste la question c'est. La question elle tourne simplement autour de la suprématie humaine. D'ailleurs, regarde, tu dans cette page qui est quand même la page finale, un peu ton. Enfin, c'est l'acmé de ta présentation. Tu t'en parles pas de ça, finalement. Donc, est-ce que finalement, la question fondamentale, c'est pas la remise en question de la suprématie humaine, point final, est-ce qu'on est capable de se poser la question, et après, la fondamentale, elle est là, et il n'y a pas ni besoin fondamental, ni besoin trivial, ça, on s'en fiche. C'est quoi la suprématie humaine? En fait, pour moi... Je veux pas la réponse, justement, parce que elle était sur un fil de pensée, du coup, j'ai envie de savoir. C'est quoi la suprématie humaine? Mais c'est le fait de considérer qu'on a des droits surtout à partir du moment où on est dominant dans la hiérarchie du vivant. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que non, c'est-à-dire que le droit à torturer un animal pour plaisir ne fait pas partie de la suprématie humaine. Je comprends ce que tu veux dire. La suprématie humaine, elle se structure par la désignation par les humains d'un intérêt trivial socialement accepté. C'est ça, enfin, la suprématie humaine, c'est la division entre les animaux et les humains. Il y a des règles morales entre les humains, et ces règles morales ne sont pas les mêmes avec les animaux. Avec les animaux, il suffit de pointer un intérêt trivial, ce qui est socialement accepté. Et il n'y a pas, pour moi, c'est la définition la plus contractée, la plus réduite de la suprématie humaine. Si tu ne parles pas d'intérêt trivial ou d'intérêt fondamental, si tu ne fais pas référence à comment les humains se traitent entre eux, pour moi, il manque quelque chose dans ta description du système politique qui implique l'exploitation des animaux. Et tu vois, je me demande si tu ne tires pas trop de choses de ton état de droit, toi, qui était très éclairant, mais je ne sais pas s'il faut en tirer autant de choses que ça, parce que moi, je me demande, si tu veux, si le pas principal, c'est de, pour les animaux, toi, c'est passer de rien à quelque chose, tu vois. Je me demande si c'est pas, en fait, si tu veux, globalement, toi, t'as Descartes ou Saint Thomas, tu vois, et à mon avis, Saint Thomas, c'est le bon truc, tu vois, c'est que Saint Thomas, en fait, dit faut pas torturer les animaux, parce qu'en fait, ça, tu vois, c'est pas parce que les animaux, en fait, c'est pas des patients moraux, mais juste parce qu'en fait, tu vois, après, ça encourage. Oui, la SPCA en Angleterre. Mais je crois que c'est quand même aussi beaucoup d'endroits, tu vois, c'est dans le sens où, en fait, en gros, on se dit, la vérité, moi, ce que je pense, c'est que la vérité, c'est la raison pour laquelle ce type qui a balancé un chat contre un mur, en fait, ou en prison, parce qu'on se dit, ce gars-là, il ne veut pas aller mieux, tu vois. Et en fait, c'est fondamental. C'est pas une reconnaissance de la part du droit que les intérêts du chat sont quand même extrêmement importants. Non, moi, ce que j'ai dit, c'est que la manière dont on dit vous allez pas faire cette souffrance-là ou pas, c'est en fonction de l'intérêt qui est sollicité, et on ne veut pas une société où les gens pensent que leur intérêt à faire souffrir puisse être légitime. C'est parce qu'on considère que. J'ai pas dit d'où ça vient, ça, mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Ça vient du fait que c'est dangereux de laisser des personnes apprécier par souffrir des animaux pour la société humaine. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, le truc le plus important, si tu veux, c'est pas de passer du moment où tu dis, bon, actuellement, je pense que les animaux ont des intérêts, mais que les miens prévalent, tu vois. Pour moi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'en fait, les animaux comptent zéro, tu vois, même contre rien du tout, tu vois. Et en fait, pour moi, c'est ça le principal, le cap à passer, tu vois. Le cap dont tu parles, c'est la destruction de la catégorie politique animale. Au moment où les intérêts des animaux sont pris en tant que tels, au moment où. C'est là où moi je fais la différence avec ça. C'est-à-dire que nous, on fait pas ça. Nous, ce qu'on considère, c'est que l'animal, c'est un individu qui a une subjectivité. Et en fait, si jamais ça lui fait plus mal. Qu'on le sépare de sa mère, plutôt qu'il se prenne, mordre un peu méchamment tous les jours par sa mère, alors on va décider de le laisser avec sa mère. Et du coup, c'est cette idée qu'on a. Le souci avec ça, c'est qu'on a soit faim et froid, mais en fait, il y a des animaux qui vont préférer avoir soit faim et froid plutôt qu'être abandonnés, par exemple. Et c'est pour ça que, quand on est à truc d'avance, c'est qu'en fait, on va considérer que ce qu'on met au centre, Ce qu'on met au centre, c'est plus ce que nous on lit comme. C'est plus qu'on fait une petite liste des intérêts des animaux. On considère qu'ils ont. C'est leur subjectivité qui a un intérêt à ressentir le bien et à éviter la douleur. Et c'est cet intérêt-là qu'on met au centre. Et si tu commences à lui pas. Tant que tu continues de dire oui, mais non, en fait, c'est vrai, le froid, la faim, des choses comme ça. Donc en fait, nous, on pourrait dire, si on avait cette vision-là, enfin la vision des animaux comme chose, on pourrait dire, on va pas les laisser faire ça parce que c'est pas mal pour eux. Et sauf que nous, en tant qu'animalistes, on reconnaît que les animaux, ils ont une subjectivité, qu'en fait, ce qui compte, c'est le plaisir ou le mal qu'ils ressentent subjectivement, et que c'est ça qu'on va prendre en compte. Et du coup, quand tu fais ça, il n'y a pas de... Moi, je pense que c'est pour ça que j'appelle ça animalisme radical, en fait. C'est que pour moi, il n'y a pas d'entre-deux. Soit les animaux sont autre chose et du coup tu peux leur faire ce que tu veux et t'en es juste à discuter de qu'est-ce que tu peux leur faire comme quel plaisir sont acceptables ou pas, soit en fait t'as une continuité totale et on considère tous les individus avec des intérêts subjectifs. Il y aura encore du tribalisme, des trucs de je préfère les humains aux animaux, mais en tout cas jamais tu pourras justifier de oui je lui fais mal parce que les intérêts tribal là. Oui mais toi, à mon avis le truc c'est juste que toi il y a d'autres étapes. Moi je pense qu'on est déjà passé de zéro à quelque chose. Mais c'est quoi quelque chose? C'est peut-être ça qui me faut. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, actuellement, fondamentalement, un animal, ça compte zéro. Quoi. C'est-à-dire que fondamentalement, l'intérêt de l'animal, tu vois, c'est rien. Tu vois. Pourquoi est-ce que c'est interdit de laisser mourir de faim ces animaux-là? Moi je pense fond, mais toi tu veux dire, c'est, bon, c'est largement une question thomiste, en fait, consistant à dire, tu vois, c'est pas joli, tu vois, puis c'est pas le genre de truc qu'on veut dans notre société, tu vois, mais c'est pas une reconnaissance. Le fait que l'animal est un intérêt. Moi, je ne crois pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que tu imagines un système politique qui reconnaisse que l'animal est un intérêt sans qu'en fait on détruise la catégorie politique des animaux. En tant qu'une catégorie. Enfin, c'est ça qui est particulier, c'est que toi, moi, ce que je veux dire, c'est que ta vision des choses, c'est la destruction de la. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une sous-catégorie autre, mais en tout cas, cette catégorie-là des animaux, en tant qu'individu, on peut négliger les intérêts fondamentaux juste en pointant un plaisir socialement acceptable. Ça, c'est la situation actuelle des animaux, c'est ce qui a pour conséquence les souffrances matérielles, et en fait, tu peux proposer autre chose entre les deux, mais en plus, toi, t'as la vision. Je suis en train de parler du discours, au fond, ce que moi je pense, et ce que toi, je pense, c'est pas mal. Ce que je voulais dire, c'est qu'à mon avis, déjà, là, juste du point de vue dans le discours, tu vois, dans ta manière de parler, parce que toi, c'est le fait de comment est-ce qu'on fait pour convaincre les gens, etc. Ouais. J'ai pas dit ça! Non, enfin, excuse-moi. Je m'en fous de convaincre les gens, c'est pas grave! Excuse-moi si parfois je m'exprime mal, je suis désolé. Tu veux que je vais juste te dire? Ok, désolé. Faut pas, je suis désolé. Parce que. Je parle pas de destination. Je suis moins préparé que toi, tu vois, du coup, je parle pas de destination. Ah, ok, j'ai peut-être pas compris. C'est-à-dire que mon but, c'est pas vous dire comment est-ce qu'on va convaincre les gens de devenir antispécifique. Par contre, j'aimerais bien vous convaincre que j'ai raison. Du coup, je me suis peut-être énervé pour rien. C'est-à-dire que. En fait, je veux pas convaincre. Moi, c'est tout ça. J'ai pas envie de convaincre les gens, j'ai envie que les gens, ils aient une représentation adéquate de ce que je pense. Si les gens ne sont pas d'accord avec ce que je pense, en tant que c'est ce que je pense, ça va. Moi, ce que j'ai pas envie, c'est que. Et là où tu pourras peut-être m'aider, même si t'es pas d'accord avec moi, c'est que je veux que les gens, quand ils voient ça, ce qu'ils pensent être ma pensée, et effectivement ma pensée. Donc, le mot trivial, par exemple, est un problème de. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. C'est une faiblesse de mon. Ça peut être une faiblesse. Je pense que je suis largement d'accord avec toi, tu vois, et au fond, je te propose juste, tu vois, des réflexions, tu vois, juste pour que toi, vraiment, d'air très très humble, hein, tu vois, dans le sens où je me dis juste, tiens, peut-être ça va m'intéresser, tu vois, de voir les choses de manière un petit peu décalée. Est-ce que, au fond, j'apporte pas, selon nous, une critique fondamentale à ce que tu dis, parce que je suis largement d'accord, ni au fond, grand-chose, hein, donc très très modestement, tu vois, j'essaie juste de te dire que, en fait, à mon avis, il y a. Donc, parce que comme dans le modèle que tu essaies de présenter, tu vois, j'essaie juste d'apporter sur le petit élément où, à mon avis, on peut un peu, tu vois, un peu améliorer, un peu changer ou voir les choses différemment. Et donc, en l'occurrence, tu vois, ce que j'essaie d'affaiblir peut-être dans ton discours, c'est l'idée selon laquelle, tu vois, ce qui compte, c'est cet aspect de plus et de moins, si tu veux. Et à mon avis, le problème, il est moins de savoir si ça compte plus ou ça compte moins, mais si ça compte quelque chose. Tu vois, je te donne un exemple. La vérité, c'est qu'en fait, si tu te promènes dans un jardin, tu vois, et qu'il y a un escargot, tu vois, tu le prends, tu vois, sur le chemin, et que tu le mets de côté, tu vois, et c'est ce simple acte-là, tu vois, en fait, dit pas que l'escargot est plus important ou moins important que quoi que ce soit, tu vois. Il dit juste que l'escargot compte quelque chose, moins que zéro, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce que moi j'exprime quand je marche sur un chemin et que j'essaie d'éviter d'écraser un escargot, tu vois, c'est ma manière d'exprimer, tu vois, qu'il compte plus que zéro. Tu vois, qu'il compte quelque chose. En fait, sa subjectivité, elle compte quelque chose. Si je peux pas l'écraser sans... je peux pas l'écraser sans... C'est quelque chose, tu vois, dans le sens où c'est pas zéro, c'est pas rien. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas d'accord parce qu'il y a plein de gens qui vont pas écraser les escargots sans pour autant considérer qu'ils ont une subjectivité. Je pense que c'est ce que moi je fais, tu vois. Mais du coup, tu... Ouais, ok. Mais non, du coup, je dis juste qu'il y a des choses que tu considères la subjectivité des... Tu les considères en tant que telles. Tu considères qu'ils ont une valeur intrinsèque. Ouais. Et parce que je signe qu'il y a probablement, tu vois, une subjectivité, tu vois, de l'escargot. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, tu vois, imagine que je marche avec quelqu'un, tu vois, et qui dit, mais c'est ridicule, tu vois, mais en fait, moi, mon problème, c'est pas de... Tu vois, je pense qu'engager le débat sur savoir si la subjectivité de l'escargot est suffisamment importante pour que je prenne la peine de... Tu vois, je pense que ça, c'est un débat qui est trop compliqué, tu vois, alors qu'en fait, je pense que du point de vue de quand tu parles aux gens, tu vois, t'as plus d'impact, tu te dis, en fait, ça compte pas zéro, tu vois, dans le sens où prendre soin de l'escargot, c'est juste pas zéro, c'est quelque chose, c'est important, tu vois, c'est juste le... Et donc, au fond, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu vois, à mon avis, tu vois, par exemple, ou alors tu dis, voilà, je suis dans la forêt, j'ai envie de manger, tu vois, un... Tu vois, je dis, je vais chasser, tu vois, un écureuil pour le manger, tu vois. À mon avis, c'est plus compliqué de faire le discours, de dire, est-ce que l'intérêt que moi j'ai à manger un écureuil que toi tu décris comme trivial, par rapport à l'intérêt fondamental que l'écureuil a à vivre. En fait, ça, c'est un certain type de discours, alors qu'en fait, tu vois, tu peux être assez efficace en disant un truc très simple, en disant, en fait, juste, cet écureuil, en fait, il a envie de vivre, et comme j'aime beaucoup cette phrase, et toi, il tient sa vie de même droit que moi, tu vois, et au fond, ça suffit de dire ça, tu vois, et ça t'évite de tomber dans un truc qui est quand même relativement compliqué, c'est de sous-peser les tenants et les aboutissants, et tu peux avoir un discours qui est simpliste par certains côtés, tu vois, j'admets que c'est simpliste et que ça a des faiblesses, mais simplement tu dis, désolé, mais en fait, c'est un écureuil. Là, tu fais du prescriptif, c'est ça mon souci. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu dis ça, la personne d'en face, comment dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du descriptif, qu'on se mette d'accord sur les... Enfin, les gens, en fait, quand tu vas faire du prescriptif, ils vont tout de suite sentir que, enfin, tu tiens une conclusion, et en fait, ils vont... Comment je pourrais dire ça ils vont tout de suite sentir que, bah oui, moi, j'ai pas la même conclusion parce que j'ai pas les mêmes prémices. Du coup, moi, je suis légitime de faire ce que je veux. Tu dis, il tient sa vie du même droit que moi, la personne, elle peut juste dire, bah non, je suis pas d'accord, enfin, je veux dire... Alors que si jamais, moi ce qui m'intéresse c'est de dire un descriptif qui est difficile à... c'est ce que je dis souvent, si la personne considère que lui il souffre plus de pas avoir de saucisson que le cochon souffre de pas avoir sa vie, bon bah on va jamais tomber d'accord. Parce que même dans un point de vue utilitariste, il sera quand même pour son saucisson. Moi ce qui m'intéresse c'est de d'abord commencer, enfin c'est d'arriver à amener la question, à amener cette question de dans le cas où toi c'est un intérêt trivial et pour lui c'est un intérêt fondamental, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Oui, mais tu vois, en fait, c'est justement, à mon avis, progressivement, en fait, tu vois, avec les années, moi, je me demande si, face à, les gens me disent, ah, mais, est-ce que ça te prive pas trop de pas manger de viande, etc., tu vois, et en fait, moi, je me demande si la bonne réponse, c'est de dire, en fait, de mon point de vue, tu vois, c'est juste pas de l'alimentation, tu vois, ça se mange pas. Mais oui, mais c'est ça, c'est vrai. Et là, tu t'aliènes encore quand tu dis ça. Mais je pense pas, en fait, parce que si tu veux, tu vois, je t'explique pourquoi, parce qu'en fait, c'est de mon point de vue. Tu vois, je veux dire, voilà, moi, imagine que j'explique à ma sœur, je dis, voilà, écoute, tu vois, en fait, là, aujourd'hui, tu vois, vous avez tué une dinde, on la mange, tu vois, et en fait, la dinde, elle pouvait exister et tout, et en fait, on a eu du plaisir, enfin, vous avez eu du plaisir, ça, à la manger, et d'autre côté, est-ce que ce plaisir-là, il valait le fait de machin truc? Et en fait, le problème, c'est que quand tu fais ça, tu vois, tu introduis un raisonnement qui est relativement complexe. J'ai jamais prétendu faire ça en fait, c'est là où pour moi t'as une vision bizarre, c'est-à-dire que j'ai jamais... Ce que je veux dire c'est que... Alors, moi ce que je dis c'est que Voilà, j'ai vraiment rien compris dans la question. Parce que toi tu dis, globalement notre intérêt trivial à manger la dinde était plus faible que l'intérêt fondamental de la dinde vivre. Tu vois, et que c'est toi qui as dit trivial, si tu dis qu'il est trivial par rapport à fondamental... Non, j'essaie d'utiliser ton vocabulaire. Excusez-moi, c'est juste pour vous dire qu'en fait dans 10 minutes grand maximum, les frites seront prêtes et que ce serait dommage de les manger vraiment froides. Donc, d'ici 10 minutes, rendez-vous pour la barre. Moi, j'avais une question. Ouais, parce qu'on a un jour d'avoir. On reprendra plus tard parce qu'il y a des commentaires. et qui me frustre énormément. Mais où est ta blague? Ma blague? Ah, c'était ma blague, c'était avec la SPA. Ah. C'était un peu drôle, mais personne n'a compris. Déjà, ah, oui. Je suis tellement réveillée. Et sinon, Adrien m'a trouvé ça marrant, je disais que Andrea Dworkin, quand elle se bat avec sa pancarte, c'est pas pour dire regardez, on est des pauvres. C'est un peu ça. D'accord, bon, ok. Il faudrait qu'elle soit avec une pancarte en disant c'est voilà une pauvre. Mais le truc, c'est que je suis pas sûr qu'on ait. Enfin, c'est là aussi où ma position est particulière, c'est qu'en fait, si toi t'es pas d'accord sur la suppression, on n'a pas vraiment parlé des stratégies, on a parlé de qu'est-ce qu'on attaque, tu vois. Et du coup, moi j'ai du mal à. Tu as décrit un processus, mais le problème, c'est, à mon avis, c'est dans la description du processus, si les. Tu vois, c'est mon paradigme, mais c'est mon problème. Ouais. Le paradigme, à la base, n'est pas. De tout le monde qui à mon avis, du coup, tout le processus, du coup, devient bancal. Enfin, c'est pas qu'il devient bancal, ton processus il est très clair, mais si tu veux, du coup, on comprend pas la message dans le processus. Oui, mais c'est vrai que ce mot trivial, c'est pour ça que déjà j'ai attendu. Cette histoire de balance, en fait, je pense que ce qu'on vient de dire, de parler simplement du droit, finalement, du droit existé, peut-être que ça suffit. Mais par rapport à la balance de ce qui est fondamental et non fondamental, du coup, ça met en balance des choses qui sont d'abord différentes d'une société à une autre. Tu vois, je pense que d'une société à une autre, ça va pas. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, la suprématie humaine, c'est un dénominateur commun de toutes les sociétés humaines. Oui, c'est ça. C'est pour ça pourquoi tu t'en tiens pas à ça. Mais parce que, je veux dire, dans toutes les sociétés, il n'y a pas une société humaine qui procède avec la justice animale, en tout cas pas aujourd'hui. Et du coup, c'est pour créer ce contraste en fait, c'est vraiment pour dire. Et c'est pour ça que j'ai passé du temps sur le welfareisme et la protection animale. Parce que c'est vraiment pour dire que l'impensé et le dénominateur commun des systèmes contre lesquels, qui vont nous déranger nous, c'est cette idée de. Ce que j'ai dit à la fin, mais c'est vraiment moi ce qui m'intéressait, c'était vraiment ce dénominateur commun, tu vois. Et après, c'est vrai que sur le mot trivial, il y a des gens qui peuvent me lâcher, mais après, peut-être que ces gens-là, ils suivront derrière, tu vois. Moi, j'ai l'impression que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de désigner ce à quoi on s'attaque, et ce à quoi on s'attaque. Si jamais quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, il est antispéciste. S'il est d'accord avec ça, il est pro-spéciste. D'accord avec ça, tel que moi je le vois. On peut faire pareil avec les catégories politiques. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un il est d'accord avec ça, il est pro-spéciste. Si en fait il n'est pas d'accord avec ça, il va être. Mais en fait, je ne suis pas d'accord avec toi là. Et tu vois, je te donne juste un exemple. Je ne suis pas d'accord avec toi, pas sur le fait que. Mais sur la définition. Mais je te donne juste un exemple. Ça aide par contre. Je parle de ma sœur, c'est pas faux, tu vois. C'est qu'en fait, moi, on me dit, en fait, avec ton attitude, Pierre, tu ruines en fait la convivialité familiale. Et c'est pas faux, parce qu'en fait, en effet, c'est maintenant, globalement, c'est un monde de merde. Je suis obligé d'aller découvrir ça, quoi, c'est vrai. Mais carrément. Non, explique-moi, j'ai ouais, mais je parle en fait, si tu veux sur individuel, du coup, je suis trouvé. Non, en fait, je. Enfin, parce qu'en fait, au fond, moi, je suis. Enfin, tout le monde, on est tous soumis de quelque chose, donc au fond, j'ai du mal à réfléchir à ça sans voir, sans penser à ça, tu vois, à ma situation en mode. Oui, mais t'es pas dans une situation où des gens se sont rassemblés pour prendre des décisions politiques, t'es dans un repas. Non, mais attention à cette carte-là, parce qu'en effet, on est tous d'accord peut-être sur le politique du problème, et donc il faut quand même faire attention, parce qu'il y a un moment donné où en fait, les gens, tu vois, la politique, c'est quand même, en fait, c'est pas juste, tu vois, un truc abstrait, c'est quand même les gens qui sont dedans, tu vois, dans le sens où, si tu m'embêtes, si t'aurais pas juste de voir l'exemple, ouais. En fait, ils disent, donc ce qui m'accuse en fait, de, tu vois, ils renversent, parce que tu vois, si moi j'approche les choses avec ce schéma-là, toi, en plus, il y a un schéma que j'ai plus leur expliciter, toi, t'as vraiment ton schéma des intérêts fondamentaux, des intérêts triviaux, etc. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, au fond, j'approche tout de suite avec beaucoup de sympathie, parce que tu vois, j'ai moi-même pu tenir vraiment de cette approche, etc. Mais eux, ils me disent, en fait, c'est gentil, mais c'est toi qui te trompes. C'est qu'en fait, ils disent, selon ton système de pensée, là, celui que tu vas développer, en En réalité, c'est toi qui te trompes. Parce qu'en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as détruit une chose très importante, tu vois, pour au bénéfice quelque chose qui est moins important. Mais justement, ce que je veux dire, c'est ok, s'il y a des gens en face qui vont considérer que la convivialité. En fait, c'est que la convivialité, c'est un intérêt plus important. Que c'est plus important pour un humain d'avoir la communauté que c'est important pour un cochon d'avoir sa vie, c'est sûr qu'on va. Enfin, politiquement, c'est une impasse. Sauf que moi, ce que je veux dire, c'est que ça, je pense que ça ne tient pas devant une assemblée publique dont le but mais est de définir les règles. En fait, si, moi je pense que si. Et tu vois, et ce que je te dis, c'est qu'en fait, en revanche. Alors pourquoi est-ce qu'on nous dit jamais bah ouais, je tue des animaux, mais pour finir, enfin, je veux dire. Moi, je te dis, on l'a dit, tu vois, dans le sens où. Ah ouais, c'est ça. Et en fait, tu vois, c'est pas autre chose que dit Porcher, tu vois, par exemple. En fait, au fond, derrière, c'est ça. Tu vois, c'était en train de nous foutre le bordel dans notre civilisation. Où on fait tout très bien. Mais c'est ce que disait Bonnardel, la société qui veut pas se. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle, tu vois, moi, je pense que c'est plus fort politiquement, tu vois, c'est plus fort politiquement pour moi de dire, écoutez, c'est simple, en fait, juste. Ça se mange pas, c'est pas un truc qui se mange, c'est pas. Ça, c'est presque ce que tu décris rien là. C'est-à-dire que c'est pas vrai. C'est-à-dire que d'un point de vue descriptif, d'un point de vue matériel, c'est quelque chose de comestible, nutritif et bon pour la santé. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est. Tu leur donnes tes règles morales, ils sont là en mode ok, tes règles, mes règles. T'as complètement raison, mais tu vois, je vois ça. Et d'un autre côté, ce que je suis en train de dire, c'est pas est-ce que. Tu vois, c'est juste, en fait, en faisant ça, tu vois, je pose un acte politique. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est qu'en fait, ce que je suis en train de dire, c'est moi, je suis là devant vous, j'ai décidé de venir au repas, tu vois, ce que je veux dire, j'ai décidé de faire face à votre humour à la con, de faire face à vos critiques, de faire face à vos moqueries, ouais. De faire face à votre repas où on n'aura rien à manger, tu vois, et j'ai décidé d'être là, et j'ai décidé d'être digne devant vous, tu vois, parce que, et de témoigner du fait que moi, je pense que vous, on ne devrait pas faire ça, tu vois. Et au fond, quand je fais ça, tu vois, je fais quelque chose de beaucoup plus fort, tu vois, que et je me demande si tu veux, et ça beaucoup plus fort selon quels critères. Moi, je pense que cet acte-là, il est plus efficace, tu vois, mais vraiment au sens où, si tu veux, quand tu fais ça, et si tu as réussi à le faire de manière non agressive, etc. Plus efficace que quoi ? Bah, plus efficace que de développer cet argument. Si tu veux des balances, si tu veux, globalement, entre les intermédiaires et les intermédiaires, je pense que. Ça, c'est une vision, hein. C'est pas une. Enfin, je veux dire, ça, c'est une vision, et après, si on est d'accord, on fait des stratégies. J'ai jamais prétendu que j'allais parler comme ça à des gens qui n'étaient pas là pour écouter, surtout pas dans un contexte où les gens, en fait, sont pas là pour. Mais je vais pas te faire des. Non, mais j'ai l'impression que tu prends un truc que moi, j'ai un outil que j'ai dit qui était bon pour quelque chose, tu prends pour autre chose et tu dis, bah regarde, il est pas bon, du coup, ton outil est pas bon. Mais c'est juste que tu l'utilises pas comme moi. Mais toi, parce que tu penses dans le sens, par exemple, de l'Assemblée nationale avec des députés et des gens comme ça. Bah moi, quand je parle de. En fait, moi, quand je parle d'une action qui est politique, c'est une action qui influe sur une décision collective. Et du coup, effectivement, c'est ça que je pense. Et ben, c'est ce que la même manière que dit, tu vois, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, partant du fait que la question de l'abattage des animaux est posée devant l'Assemblée nationale, comment tu fais que ça va être telle ou telle réponse ? Et effectivement, c'est ça qui me préoccupe, parce que ce que je veux, c'est que les gens, dans un contexte comme ça, il y a une grosse différence entre dire que le statu quo, c'est. Le statu quo, c'est le statu quo, laissez-nous tranquille, et de soutenir politiquement comment ça se fait que tu prends cette décision avec des personnes en face qui ont fait le même ensemble. Ce que tu éludes, c'est que les ressorts qui sont à l'œuvre dans un contexte familial, ça va être les mêmes ressorts que tu vas retrouver à l'œuvre. Je suis absolument pas d'accord. C'est-à-dire que les intérêts sont pas. Audrey Garic, qui a écrit l'article sur la génération animale, je suis pas sûr que dans tous les contextes elle en parle. C'est parce que là, en particulier, elle avait un intérêt à faire un bon travail de journaliste et qu'elle a fait ça. Mais vraiment, je pense qu'il faut passer du temps à l'Assemblée nationale. Mais oui, je pense qu'il faut regarder les débats de l'Assemblée nationale parce que rien que, tu vois, les débats. Je sais pas, il faut regarder les commissions aussi parce que c'est là que tout se passe. Alors c'est hyper chiant, mais il faut regarder aussi parce que c'est là que tu as des questions et. Des réflexions, mais enfin, je veux dire, là il y a eu tous les débats autour de la loi Falorni, c'est que des trucs que tu pourrais entendre dans les repas de famille, hein, c'est-à-dire vraiment, vous mettez à mal le retour des sociales qui repose sur le repas, sur la tradition, sur la place de l'animal dans la société, etc. Enfin, c'est. Oui, mais il y a des choses que quand on fait en repas de famille, c'est pas des lois, c'est pas des. Enfin, je veux dire, nos députés, là, c'est. que tu entendras dans des repas de famille qui ne passeront jamais à l'Assemblée nationale. Pas sur le spécifique, mais sur notre système de nomination. Et du coup, il y a certains arguments, sexistes ou racistes que des gens pourraient dire dans un repas de famille, mais que, qui ne passeraient pas à l'Assemblée nationale. Mais en fait, parce que quand les femmes sont insultées, parce qu'elles sont. Quand tu fais de la science politique, c'est aussi ça que tu étudies, c'est que tes représentants du législatif, c'est les représentants de la société. Ils ne sont pas. Sandrine Duflo, à chaque fois qu'elle prenait la parole à l'Assemblée nationale, les types faisaient des bruits de poule. Et je disais pas de poule, pour te dire, je fais zéro. Il y a une différence entre. Je ne sais pas, parce que les individus sont pourris qui vont se permettre. Qu'est-ce que je peux prendre comme. Attends, j'avais un exemple. Moi je considère qu'il y a certaines choses, justement ce truc de la sangle, le fait que les animaux sont pas sensibles, c'est quelque chose qui pouvait être amené avant dans les discussions politiques, mais qui maintenant ne peuvent plus être, que ça dans une commission, c'est pas quelqu'un. Mais c'est une chose de dire que les animaux sont sensibles, et c'en est autre de leur donner des subventions agricoles que à des. Non, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que il y avait cette arme-là, que tu considères comme une chose de la rhétorique. Arguments, enfin je veux dire, la rhétorique elle est pas, elle se fait par rapport à un contexte social. Il y a des arguments qui sont acceptés, d'autres qui ne le sont pas. Et du coup, moi ce que je dis c'est que on peut atteindre le but qu'on veut en vidant de leur substance les arguments, en disant que s'il n'y a plus d'arguments qui sont considérés comme légitimes, et après c'est le taf, c'est un taf énorme. Et s'il n'y a plus d'arguments qui sont considérés comme légitimes, après c'est ça, et effectivement, il restera les gens de oui, mais du coup, on aime la. Enfin, j'aime la viande. Moi, c'est ma conviction personnelle que je comprends pas avec les gens qui sont pas d'accord. Je pense qu'une société aujourd'hui française qui est autant opposée à la non-violence, je veux dire, mais de manière hyper. C'est très formel, la violence. Mais je pense pas qu'une société pourrait collectivement décider pour leur faire du mal, mais c'est parce que nous, c'est sympa. Je pense pas. Et d'ailleurs, je pense que quand tu vois. Après, c'est des convictions personnelles. Moi, dans l'énergie qui est passée à d'une part aujourd'hui à tenir des discours sur les plantes qui sont sensibles, les prairies, machin, et d'autre part le boulot qui est fait en institution pour développer des nouveaux arguments, les subventions qui sont données à des sociologues, à des philosophes pour étudier la question, je me dis que c'est parce que justement l'argument de la viande ne suffit pas. Pourquoi est-ce qu'ils s'emmerdaient si jamais il suffisait de dire j'aime la viande et que ça passait? Moi je pense que c'est parce que ça passe pas, et mon but avant c'est de désarmer la rhétorique justement pour qu'il n'y ait plus que cet argument là qui puisse passer et que du coup la question a un moment à se poser. Parce qu'on ne peut pas continuer à s'agacer sur le fait que les gens disent des choses qui ne sont pas factuelles. Et bah tu vois ce qui s'est passé avec, comment il s'appelle, Jean-Michel Cohen là, c'est chouette, tu vois. Et comment est-ce que nous on fait pour que les arguments qui, nous on le sait, sont des arguments qui sont mis correct par d'un point de vue des faits, ni correct d'un point de vue des règles morales, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils apparaissent en tant que. C'est un gros taf. Mais je pense que. Je pense que ce genre de raisonnement hyper rationnel, ça ne s'applique pas trop en politique. En fait, c'est pas comme ça que c'est la politique. Non, les gens ne donnent pas un argument s'ils pensent qu'en donnant un argument, ils vont passer pour des délits. Il faut qu'il y ait au moins une communauté qui les reconnaît. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Les politiques, ils réfléchissent pas comme ça. C'est pas comme Les gens, ils ne vont pas dire quelque chose. Ou en tout cas, c'est souvent ce que je dis, c'est-à-dire que si quelque chose se passe une fois, tu peux dire que c'est au niveau de l'individu, si ça se passe deux fois, c'est que c'est au niveau de la société. Si jamais la personne, une fois, elle a donné l'argument, par exemple, du niveau de la gazelle, et que collectivement, elle a reçu aucune réponse positive, il n'y a aucune raison qu'elle le réutilise. Puisque elle, ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche, c'est aussi ce que je dis, ce qu'elle recherche, c'est de pouvoir esquiver la question d'une manière qu'elle paraisse comme légitime. Sinon, après, peut-être que tu as une autre théorie. Pourquoi est-ce que les personnes trouveraient des arguments avec lesquels elles ne sont pas d'accord là-dessus? Si c'est pas simplement pour éviter la question, quels sont leurs autres objectifs, ça se discute. C'est-à-dire que sur moi en fait j'ai une vision un peu, c'est de la rhétorique aussi, c'est-à-dire que je dis cette chose-là on l'explique par ça ou par ça, j'ai démontré que la première chose n'était pas vraie, donc j'ai dit que c'est la deuxième. Mais peut-être que toi tu peux dire ouais, en fait il y en avait une troisième et du coup tu dois, c'est ça qui font soucieux, tu dois maintenant les partager entre ces deux-là. Et c'est peut-être que les critiques qui pourraient être formulées comme ça, effectivement, peut-être que les gens quand ils vont présenter. animaux auxquels il ne croit pas, qu'il ne soutiendrait pas si jamais tu les. Dont ils ne reconnaissent pas les prémices mais qu'ils vont quand même utiliser, moi je pense que c'est parce que leur intérêt à esquiver la question est plus important que leur intérêt à parler, à dire des choses qui sont légitimes d'un point de vue rhétorique. Mais j'envisage que ce soit pas le cas, j'envisage que la flèche que je fais en fait, moi qui dis que c'est parce que à cause des intérêts et à cause de la faible envie de reposer des questions, c'est possible qu'il y en ait une autre. Mais moi c'est ça que je fais, ma présentation elle est. Il y a deux trucs, d'une part il y a des faits que je vois qui me troublent et je leur donne une explication. Et en fait, mes explications, pour les remettre en cause, il faut proposer une autre explication. Parce que moi j'ai une vision, moi ce qui m'intéresse c'est un fond pour l'action, et du coup je vais prendre cette chose-là parce que ça me donne des clés stratégiques. Si tu me dis, il se passe un truc, je pense que c'est pas ça, mais je sais pas ce que c'est. Bah pour finir, autant avoir un truc qui on n'est pas sûr que ce soit vrai, mais au moins on sait sur quoi se baser plutôt que de juste penser que. Enfin, plutôt que de pas du tout savoir quoi faire. C'est aussi parce que j'aime bien passer du temps à faire l'antispécisme. Tu demandes à quelqu'un dans la rue, tu demandes à des véganes hyper individuels, concentrés sur leur propre pureté morale, qu'est-ce qu'il faudrait faire, c'est quoi la suprématie du processus, ils vont dire j'en sais rien, je m'en fous. Enfin, c'est vraiment pas grave. Moi ça me fait grave parce que j'ai envie de passer du temps. Et du coup, c'est pour ça que je sais pas. J'ai présenté des faits, typiquement, c'est pour ça que moi je suis pas d'accord que l'idée du spécisme et du carnisme avec une autre société,